Le 23 mai 2024 sortait le remake slash remaster de Paper Mario La Porte Millénaire sur Switch. Quand il a été annoncé en One More Thing du Nintendo Direct de septembre 2023, Internet a explosé. Tous les fans étaient évidemment heureux et à raison, étant donné qu'on parle d'un jeu qui a forgé l'enfance ou l'adolescence de beaucoup de créateurs très connus d'Internet et dans le milieu du JV, et même probablement de votre enfance ou de votre adolescence si vous êtes né dans les années 2000. Comme moi. Et même en comparatif avec les autres RPG Mario, il y a une vraie fascination autour de la porte millénaire de ses personnages, en passant par son ambiance, sa bande-son ou même son scénario et ses différents plot twists, l'aura du jeu est intarissable, à un tel point qu'elle aura inspiré tout le Paperverse, un groupe de développeurs indépendants, à créer des tonnes de RPG, ou non même, papier, à l'esthétique papier ou cartonné, comme Bug Fables, qu'on a déjà pu parler sur cette chaîne dans un précédent épisode, Born of Bread, The Outbound Ghost ou encore Track of Thought qui est sorti cette année. Leur inspiration, malheureusement, n'est pas juste Paper Mario, mais vraiment spécifiquement La Porte Millénaire. Mais alors, plusieurs questions subsistent. Pourquoi spécialement le 2 ? Qu'a-t-il de si mystique ? Pourquoi remake le 2 et non pas le 1 ? Est-ce que le 2 tient encore la route aujourd'hui ? N'est-il pas un peu surcoté même ? Est-ce que, en réalité, Super Paper Mario n'est pas le meilleur Paper Mario existant ? En tout cas, nous allons peut-être répondre à ces questions dans cet épisode. Dépoussiérons la deuxième histoire de Mario et partons à Port-la-Canaille en quête d'un trésor légendaire. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de Produit en Croix, de la troisième saison de Produit en Croix plus précisément, nous allons vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Parlons de Paper Mario La Porte Millénaire et de son remake. Bonjour Jem Gina, bonjour Netcheku, j'espère que vous allez bien. Bah oui, ça va très bien. Très bien. Bonjour à tous, content d'être sur cette nouvelle chaîne avec ce rebranding, ce magnifique vinyle en arrière-plan. Très très joli. On remercie, qui a coûté une heure et demie de rendu pour un loop de une minute. Mais voilà, on espère que vous allez tous très bien. Il n'y avait pas de son au début, c'était la panique. Non pas la panique à la discothèque, mais bel et bien la panique tout court. C'est l'habitude d'émissions comme ça, c'est... Il fallait évidemment que pour la grande première de la troisième saison, on a tout refait bien, au propre et tout, qu'il y a un problème. Bon bah voilà. Mais c'est surtout que normalement, il y a une règle, c'est ton premier stream se passe mal. Du coup, c'est le premier stream sur cette chaîne. Oui, du coup, ça se passe mal. C'est toujours comme ça. Toujours un accident technique. Mais ça va, là c'était, en plus ça va, c'était juste le problème qu'on avait, c'était vraiment juste la musique sur l'écran d'attente. Donc franchement ça va, il y a pire. Oui, donc ça va. J'aurais pu avoir fait 2 heures d'émission pour qu'au final il n'y ait pas de son. Ouais, c'est ça. Mais bref. On se rend compte, on lit pas le chat et on se rend compte à la fin, mais en fait personne nous entendait. Oh l'enfer. D'ailleurs, je vais vous faire un partage d'écran à vous deux, comme ça vous pourrez voir si jamais je mets des extraits ou quoi. Ouais. Ça vous verrez. Après, moi je suis sur le stream, mais. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de décalage, mais voilà. Imagine, tu fais un stream de 2 heures, mais en fait, c'est pas record. Et bah. Aïe aïe aïe. Ouais, non. Ça a déjà été le cas. c'est le cas, ouais. Ouais, ouais. Et il y a un épisode qu'on a perdu, c'était lequel ? C'était celui sur. Non, c'est pas les collectatons. Les collectatons, c'est le son qui est nul. C'est c'est les jeux de début d'année, je crois. Début 2024, il me semble. Ouais, peut-être. En tout cas, ouais, y a un épisode. Bah oui, puisqu'on parlait de Pokérogue, donc c'était ça. Il y a un téléphone qui sonne quelque part chez vous, je ne sais pas. Mais non, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique, c'est du Paper Mario. C'est la musique de la vidéo. Oui, c'est du Paper Mario. C'est le train de. C'est le Crésus Express de Paper Mario La Porte Millénaire. Justement. Du haut de ses 70 ans, il a du mal avec la nouvelle technologie. Et justement, Paper Mario, La Porte Millénaire, vous avez vu, on a écrit une magnifique intro, écrite en 17 minutes avec Netcheku, qui a modifié 3 mots, mais. Il n'y a rien, non, c'est. Mais ça, voilà. Aujourd'hui, on va parler de Paper Mario, La Porte Millénaire, et également du remake, ou remaster, je sais pas trop comment on peut le qualifier. Moi, j'appellerais plus ça un remaster parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Mais c'est pas un changement drastique du jeu. Ça dépend. Un remake très fidèle, en tout cas. Voilà. Mais tout d'abord, je pense qu'on peut inaugurer du coup la nouvelle section de l'émission. Oui. Pas de jingle encore, même si on aimerait bien. Jingle, genre. Genre vraiment, on l'a pas préparé, genre. Non, c'est fait à la zob, mais comme d'habitude. Enfin, je veux dire. C'est vraiment. Ouais, voilà. En fait, vous avez préparé un truc. Ah bon, il y avait un truc à préparer. Il y avait un truc à préparer. Ah bon, il y avait un DM de maths à faire. Ah mais faut s'y habituer, c'est pour ça. Mm-mm. Ça va être la routine va revenir petit c'est à petit. C'est le rodage. Voilà, c'est ça. Rodage. On aimerait vous parler de 2-3 actualités dans le monde du jeu vidéo, ouais. Puisque avant d'être un podcast où on va parler d'un seul jeu et tout, bah on est avant tout enfin en tout cas on est un peu investi, alors je sais pas, enfin, en tout cas surtout Netcheku dans la presse journalistique JV. Il se passe plein de choses et bref, la vie c'est pas facile et ce serait peut-être bien qu'on arrête de faire des épisodes tous les 2 mois. Puis en plus ça fait un repère temporel comme ça, si on sort un épisode tous les 2 mois, si on dit il y a 4000 développeurs qui ont été virés hier dans tel studio, vous avez la date, c'est marrant. C'est ça, comme ça on a un petit repère pour voir où sont les épisodes, ils seront plus si intemporels qu'ils étaient avant. Donc voilà. À moi du coup, pour mon petit point d'actu, et je pense que vous pourrez rebondir dessus, du coup il y a eu le Nintendo Direct. Alors c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont, je pense que c'est la première fois qu'ils font ça. Ils ont mis Indie ouais, Showcase c'est la première et Partner fois. Showcase en même temps. Donc en gros, on s'est retrouvé à un Nintendo Direct avec tout ce qui n'est pas Nintendo, quoi que ça veut dire. Mais un Direct. Mais du coup voilà. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux très très intéressants. Aussi bah, bien j'ai... dans le Partner Showcase que dans l'Indie Showcase. Perso, j'avoue que dans l'Indie Showcase, j'ai trouvé plus de trucs qui m'intéressaient. Mais le truc, c'est surtout, en fait, c'est un peu le problème que j'ai avec les Indie Showcase. C'est en général, c'est des jeux que je connais déjà et où je fais « Oh, ils sortent sur Switch, cool !» Oui. Mais du coup, bah, voilà, c'est bon. La ça perd un peu de son annonce, intérêt. Le One Morphing, je crois que c'était... Oui, ça devait être de l'Indie Direct. C'était Pizza Tower. Ouais, pas un jeu qui me transcende, qui a pas l'air. Tu as trouvé où cette pizza dans la tour là-bas? Oui, voilà, exactement. Vraiment. Déjà, voilà. Tu sens vraiment que. Bon, alors je sais pas s'il y a beaucoup moins de budget sur les. sur les partners showcase. Sur l'écriture, showcase, des partners showcase. Bon, c'est un peu une catastrophe. Mais voilà. Non, t'as entendu parler de Zelda? Ah, c'est qui? C'est une légende, ouais. Non. C'est la légende de... Ah oui, la fameuse légende de Zelda, ouais, je connais. Now introducing la légende de Zelda. C'était un peu pathétique. Ah, parlons bon, de ça, c'est... parce que ils ont balancé des trailers de Zelda. Encore une fois, ils ont... Mais j'ai l'impression qu'ils teasent tout. Moi, j'avoue que je regarde pas parce que j'ai bien envie moi de me laisser ouais, le jeu. J'ai pas regardé non plus, j'avoue. J'ai rien vu du tout et je me préserve parce que c'est un épisode, je pense, qu'on fera dans Peck. Oui, Et c'est vrai que moi, depuis Origami King, où ils avaient tout balancé. La trahison Origami King, ouais, non, mais au secours. Moi, j'avais pas regardé, mais je sais qu'il y avait plein de gens qui étaient en mode. Qui expliquaient que, ouais, ils avaient tout raconté avant la sortie du jeu, quoi. Bah du coup maintenant j'avoue que j'évite de trop regarder les trailers qui passent parce que je me dis bon il y a une chance sur deux que ça soit un truc qui va me spoiler un truc que j'avais envie de découvrir en jouant au jeu donc ouais c'est un peu, bof non mais pour en revenir à l'Indie World et au showcase moi j'étais plutôt satisfait en vrai on a eu des annonces de jeux cool, les jeux qui n'ont pas été annoncés, genre Moff Qubit par exemple, ou Morzels. Ouais, Morzels qui a l'air sympa, même si c'est pas mon délire. C'est pas dans mon délire aussi, ça rappelle un peu Animal Well qui est sorti cette année, et j'ai pas spécialement aimé. Il y a Neva qui se trouve une date de sortie quand même, en octobre prochain. Neva qui a l'air d'être un immense banger, ils ont réussi à faire mieux que Gris qui était déjà incroyable. Donc, The Plucky Squire qui sort du Moku au mois de septembre, mais ça on le savait. Ah oui, ça doit être le seul truc qui m'a hypé, c'est Plucky Squire. Il sort le 17 septembre, il sort le 14 sur Steam et sur console Sony et Xbox, et il sort 3 jours plus tard sur Switch. Et puis il y a Coffee Talk Tokyo, moi j'ai. C'est peut-être l'annonce qui m'a le plus. Peut-être le jeu de trop, celle-là. Pour moi peut-être, ouais. Pour moi, c'est peut-être le jeu de trop. Pourquoi ? Parce que, en gros, Coffee Talk, c'est un visual novel où tu sers des gens dans un café et du coup, t'apprends à les connaître et c'est sympa. Il y a eu l'épisode 1, il y a eu un épisode 2, je crois qu'il y a eu un épisode 3. Il n'y a pas eu d'épisode 3, non, il y en a eu. Non, c'est celui-là, l'épisode 3. C'est celui-là. Il n'y a pas eu un spin-off de Coffee Talk, t'es sûr de toi ? Non, non, il n'y a pas eu de spin-off. Ce serait un spin-off de Coffee Talk pour le coup. Oui. Donc, Mais, ah oui, non, ok. Hibiscus and Butterfly, c'est le 2. Vous pensez que la formule est un peu arrivée à. Oui, au max, bah, d'autant plus que son auteur, en fait, ouais. est décédé l'année dernière. Et ils travaillent en parallèle sur un jeu qui, justement, est complètement différent de Coffee Talk et qui a un hommage, finalement, à leur créateur. Qui était peut-être un jeu, d'ailleurs, qu'il avait commencé à travailler. Donc, je sais pas, en fait, Coffee Talk, si vraiment il est intéressant. En vrai. Peut-être que je me trompe et qu'il sera très bien. Le premier était très bien écrit. Mais je sais pas. Petite réserve, quand même. Et puis, Sea of Stars, qui se trouve un petit DLC gratuit. Voilà. Il y a eu, bien sûr, alors j'aimerais en parler quand même, alors je fais beaucoup de blagues dessus, mais je trouve qu'il est un peu symptomatique, c'est Peglin. Oui, Peglin. Attends, je vais montrer, je sais pas si je peux montrer du gameplay, parce que je sais pas si on en a. Si on en a, let's go. C'est un RPG partout où tu joues au pachinko, alors je sais pas si c'est vraiment du pachinko, je sais pas trop comment ça s'appelle. 6 ou 6, techniquement, c'est un peu du pachinko. Ça ressemble un peu à du pachinko. Ouais. Mais c'est surtout que, en fait, faut arrêter avec les jeux indés où le seul concept du jeu, c'est on va mélanger des trucs. On fait un RPG avec. On fait un RPG, on mélange ça avec les billes, avec le pachinko. Peggle D-Make. La roulette. Peggle RPG plutôt. Peggle Roguelike désolé, même. Mais... Surtout que. Bah, pour moi, il y a une mécompréhension, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est chiant dans un RPG au tour par tour ? Que les tours soient super longs. Et là, on va attendre qu'une bille tombe tout en bas et tout. C'est... Je sais pas, moi le jeu m'a l'air... En fait, pour moi, c'est vraiment, ils ont pris deux trucs qui existent, ils ont essayé de les combiner, mais ils ont pas réfléchi à est-ce que c'est intéressant de combiner ces deux trucs spécifiquement, tu vois. Limite, quitte à utiliser le pachinko, bah je trouvais que c'était un meilleur truc dans Mario Sunshine avec le niveau du pachinko là. C'était plus intéressant de mélanger pachinko et jeu de plateforme, tu vois, un peu en mode Sonic Pinball, que là mélanger ça avec du RPG, c'est vraiment un peu bizarre quoi. Ouais, je sais pas, c'est. Ça décrit un petit peu pour moi une dérive du jeu indépendant où en fait c'est vraiment des jeux qui se marketent que sur leur concept. Le but c'est d'essayer de se démarquer, mais du coup. Oui, mais forcément, Nechiku, en fait, si tu vois, c'est ce côté, si tu fais plein d'essais, au bout d'un moment, t'auras forcément un truc concluant. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un travers, j'en discutais avec certaines personnes, c'est que aujourd'hui, pour que certaines personnes considèrent que tu es un bon jeu vidéo, il faut que tu sois innovant. Oui. C'est-à-dire que tu par exemple un jeu comme Bugfables qui est excellent, on est tous les trois d'accord là-dessus, tu vois. C'est un jeu aujourd'hui tu le présentes à un journaliste, il va faire ouais, wow, c'est bof. Sympathique, c'est un jeu qui ressemble à Paper Mario, mais il apporte pas de trucs supplémentaires alors que c'est un banger. Et ça c'est un vrai problème aussi, c'est que les gens s'attendent trop souvent à toucher à la prochaine pépite du jeu ça vidéo. Ça aurait été mieux sauf de que faire ça marche pas comme ça. Ça aurait été mieux de faire un roguelike selon moi, mais après, le jeu me donne envie, mais pas tant d'accord. Le jeu me donne envie ou pas très envie ? Non, le jeu me donne envie, je ne suis pas tant d'accord. Je sais pas. Si... Écoute, si le jeu te donne envie, tant mieux, mais c'est vrai que bon, moi je trouve qu'on est un peu sur. Moi je trouve que ça montre un peu les limites du jeu indé où on va très vite. Soit on tombe dans. En fait, t'as l'impression que les jeux indés ont du mal à. Il prend un concept préexistant, mais arriver à quand même exister dans ce concept préexistant sans surutiliser un concept qui a déjà marché, tu vois. Parce que quand t'as la sortie des jeux indés, quand tu vas regarder des trucs des directs de jeux indés, etc., tu vas avoir une moitié de jeux de ferme avec toutes les déclinaisons de jeux de ferme possibles, ferme dans l'espace, ferme avec des animaux mignons, ferme avec des trucs ça, moches. Là, l'autre coup, c'était ferme en mode. Alors, je sais plus comment s'appelait le jeu, mais c'était une ferme en mode JRPG où tu peux avoir des romances et tout. C'était en mode, bon, bah, ok, ils ont vu que Persona ça marchait, ils ont vu que Stardew Valley ça marchait. Bon, ils ont essayé de faire un espèce de mix des deux. En plus, l'esthétique est un peu Genshin Impact. Donc, c'est vrai que t'as un peu l'impression, tu vois, on manque de trucs type Bugfables où. Ils arrivent à prendre un concept qui a déjà marché et à le sublimer un petit peu sans soit utiliser un concept qui a été déjà vu un milliard de fois, soit essayer de bricoler un concept des fois qui a même pas l'air. Je suis désolé, mais là le gameplay a l'air chiant comme la pluie. Hein. Bah en fait, c'est au plus tu fais des points sur le pachinko, au plus tu fais de dégâts à l'ennemi. Mais j'avoue que en fait le début du jeu doit. En fait, c'est surtout, j'ai l'impression que c'est un jeu qui va devenir amusant à partir du moment où tu commenceras à avoir vraiment des. C'est un jeu où ça a l'air fun après. Un peu comme ça, genre ouais, Balatro ça. Par exemple, ouais, qui a été présenté d'ailleurs dans le Nintendo Direct. Balatro fonctionne comme ça, au départ c'est des parties qui commencent très très lentement, et comme Vampire Survivors en fait. Vampire Survivors, tu commences, c'est des parties très lentes, ouais, et au fur et à mesure tu joues, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des nouveaux personnages, tu gagnes de nouvelles compétences et autres. Et c'est une nouvelle façon de développer un gameplay ou autre. Je sais pas, moi pour moi, comme j'ai dit, moi pour moi quand. Les jeux snowball, ouais, exactement. Ah ouais, c'est. Ouais, les jeux snowball, effectivement. Mais c'est vrai que, bon, moi, je sais pas, c'est. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment. On arrive à ce stade du jeu indé où ils essayent un peu de mélanger tout et n'importe quoi. Après, bon. Si ça plaît à des gens, tant mieux. Et puis il y a eu du coup le Partner Showcase qui était à côté. Ouais. À moins que vous ayez quelque chose à dire de plus sur l'indie, moi personnellement. Non, moi j'attendais. Je disais juste que j'allais attendre Date Everything, mais c'est pas hyper intéressant. Voilà. Alors Date Everything, j'ai pas tout compris. C'est un jeu où en gros t'es dans une maison, tu peux la décorer comme tu veux, mais en gros les meubles ce sont des personnages que tu peux dater dans un visual novel. Ouais. Voilà, ça a l'air marrant. Oui, ça a l'air sympa. Mais... Donc non, mais moi je suis très content, enfin Suikoden trouve une date de sortie, enfin. Grande licence de RPG née sur PlayStation. Après, on a eu pas mal de RPG, d'ailleurs James en a un peu plein lorsqu'on en a rediscuté en off. Castlevania Dominus Collection, mine de rien on va avoir les Castlevania DS en collection, ça c'est cool aussi. Mine de rien, et puis Yakuza qui débarque sur Nintendo Switch. Avec oui, c'était le One More Thing. Alors après, oui, c'est vrai que c'est vrai que le One More Thing c'était Yakuza. C'était Yakuza. Après il y a eu Dragon Quest 3 qui moi m'intéresse, mais on connaissait déjà, on savait déjà que le jeu. Oui, on savait déjà. Oui. Suikoden, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles, et on en a enfin eu là dans ce direct, avec une date de sortie. Sinon, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors après c'est très spécifique. Moi il y a Tales of Grace. Qui m'intéresse, mais c'est parce que je suis très fan de Tales of, donc je suis très content qu'ils en fassent un remake. Mais c'est vrai que bon, je trouve qu'on est dans la moyenne basse, même des Partner Showcase et des indie World. Quoi. Ah, j'ai trouvé que l'indie était très cool, enfin, je l'ai bien aimé. C'est vrai que le Partner Showcase n'était pas fantastique. Si je retiendrai Patrick l'étoile de mer aussi en autre jeu qui a l'air d'être. Oui, pour le coup lui il a l'air rigolo, même si parlé, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être un espèce de Goat Simulator mais en plus marrant. Ah d'accord, alors pourtant je suis fan de Bob l'éponge, mais je sais pas. Non, mais après on verra, peut-être que le jeu sera une catastrophe, mais. Mais moi je sais pas, j'ai envie de voir. Moi je me disais. Autant faire les jeux Bob l'éponge un petit peu comme le. Ah, c'est Save Bikini Bottom ? Ouais, c'est ça. Le jeu de Bataille pour Bikini Bottom. Bataille pour Bikini Bottom et il y a Save Bikini Bottom, je crois. Ah, il y a Save aussi. Je crois qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a deux, ouais. Et qui sont des jeux qui ont une très grosse communauté de fans, on dirait pas comme ça, mais c'était des jeux qui étaient reconnus comme très bons, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en font faire un remake. Et là, ils partent dans une direction un peu God Simulator et tout. Bah d'ailleurs, il y a eu God Simulator. Oui, il y a eu God 3, Simulator. Bref, on va rien dire. Bon, voilà. Mais bon, moi qui suis fan de Bob l'éponge, je sais pas. Je trouve pas spécialement que ce soit une très bonne idée. Après, par contre, le logo est dégueulasse. Le logo est dégueulasse. Le logo, c'est une folie de faire. Je l'avais pas vu, mais c'est une folie de faire un logo comme ça. Le jeu Patrick, c'est un peu les jeux pour youtubeurs de 2015. Ouais, je. Mais je sais même pas en fait. Ça a l'air d'être un jeu de plateforme Goat 3D comme à l'époque. Ou peut-être un Simpson Hit and Run, je ne sais pas. Ah oui, ça j'ai appris l'existence de jeux aussi. Box Trainer. Ouais, Fitness Boxing 3. Tu connaissais pas Fitness Boxing 3? T'as pas entendu parler de Fitness Boxing with Hatsune Miku? Non. C'est ce jeu-là, mais au lieu du trainer, c'est Hatsune Miku. Oui, c'est des musiques d'Hatsune Miku. Je t'avoue que quand tu m'as dit le titre A priori, j'avais compris le concept, tu vois. C'est... oui, bon. Il y a Fist of North Star aussi qui avait été porté là-dessus. Oui, il y a le truc avec Ken, le survivant. Mais oui, c'est bien, ça permet de découvrir des licences. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est pas spécialement une licence qui m'intéresse outre mesure. Tu vois qu'ils ont un peu fait tout le marketing sur le côté avoir des entraîneurs un peu ouais, un peu cool, un peu pour tous les styles de gens, tu vois. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire encore sur le partner showcase. Non, moi, je pense que globalement j'en ai fait le tour. Comme j'ai dit, moi pour moi il était un peu plat, donc c'est vrai que j'ai pas gros trucs à faire. Les rares autres trucs que je pourrais dire, c'est pour un peu me moquer, donc bon, je vais pas être trop Je vais pas être trop malveillant. On va désormais attendre le mois de septembre qui s'annonce très chargé niveau jeux vidéo. Nous Zelda bien sûr, mais sur PS5 on a Astro Bot qui sort, on a en jeu indé pas mal de... Il y avait ça aussi, il y avait Capcom versus SNK, ouais. La compilation qui vient compléter un petit peu les Capcom versus Marvel versus Capcom. Et du coup, c'est je sais que sur le live YouTube, il y avait énormément de gens qui réagissaient. Ça, visiblement, c'est une annonce qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Les gens étaient vraiment très contents parce que c'est vrai que ça permet aux gens de jouer à des jeux et surtout d'avoir un mode en ligne, parce que c'est vrai que quand tu joues à des vieux jeux de combat, le souci, c'est que bon, faut que tu trouves quelqu'un pour jouer en local, bon, ou alors utiliser des méthodes pas très légales. Mais c'est vrai que du coup, c'est souvent compliqué de trouver des joueurs. Et donc là, c'est vrai que c'est intéressant qu'ils ressortent tous ces jeux-là avec un mode en ligne. Parce que du coup, tu peux très vite trouver des joueurs, trouver d'autres gens qui ont le jeu et te bastonner avec eux. Quoi. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une bonne idée de remaker pas mal d'anciens jeux de combat comme ça. Et peut-être relancer des licences, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Marvel versus Capcom qui attendent le 5. Alors là, je saurais pas te dire. Le 4, parce que je sais que le 3 Salamouche dans le chat me corrigera. Je pense que c'est plutôt le 4. Mais... Tu penses que c'est le 4? Ah, il me non, semble. Je crois que justement il y a un Marvel versus Capcom 4. Non? Non, je crois pas, je crois qu'on s'est arrêté au 3. Ah non, on s'est arrêté au 3. Bah autant. Attends, redis, je me demandais si c'était le 5 ou le 4 qui devait sortir des Marvel vs Capcom. Parce que celui que tout le monde a trouvé nul, c'était le 4 ou le 5 Le 4 ou le 3 Le 3, je crois. Ok, d'accord. Bon, bah autant pour moi. Bien. J'avais une dernière actu à vous parler. Alors, on va quitter les choses un peu rigolotes, malheureusement. Moi, j'aimerais parler de studios qui se font fermer. Et encore une fois, j'aimerais parler du studio qui a fait Vision of Mana. C'est le remaster, le remake. Le nouveau jeu. Visions of Mana. Le nouveau jeu qui a fait le nouveau Vision of Mana qui s'est fait fermer à peine 24 heures après sa sortie. Sortie du jeu. Ce qui veut dire plusieurs choses. Gros move de FDP, hein, on va pas se mentir. Gros move de connard de virer tout un staff, etc. Mais ça me rappelle aussi le cas qui s'est passé avec Rollerdrome. Alors, je sais pas si vous connaissez Rollerdrome, c'est un jeu de roller un peu à la. C'est un peu Jet Set Radio, mais où on peut. On tire sur des espèces de cibles et. Je sais pas vraiment comment décrire, mais c'est un jeu vraiment dans la mine de Jet Set, de ces trucs un peu Tony Hawk, un peu truc comme ça, mais voilà, avec un gun où on tire sur des policiers, bref, ACAB, vous connaissez. Récemment, il y a, alors je crois que c'est au début août, il y a l'une des UI artistes, ou UX artistes, je ne sais plus, qui s'appelle Anisa Sanusi, qui a invité les joueurs enfin les gens qui voudraient découvrir Rollerdrome ou qui voudraient re-acheter Rollerdrome parce que c'était les 2 ans et il y avait une solde sur Steam, de ne pas l'acheter et de le pirater. Pour des raisons très simples, puisque Take-Two a fermé Roll7, qui était le studio derrière Rollerdrome. Et du coup, tout simplement, en fait, sur les achats, les développeurs ne touchent plus rien et tout revient à Take-Two. Je pense que c'est un... Et donc à Microsoft. Et donc à Microsoft, exactement. Des rachats en série, bref, vous connaissez. Mm-hmm. C'est un peu ce qui... c'est un peu ce qui peut se passer c'est Ouka Studio. C'est légal ça, demande Salamouche dans le chat. Alors, apparemment oui, du coup. Visiblement ouais. Oui, mais bon, est-ce que c'est très moral? Très dur d'avoir notre avis sur la question. Il suffit de voir un peu les réactions des gens, juste what in the fuck. Vous c'est à l'envers, mais c'est pour éviter des problèmes de droit d'auteur, mais voilà. C'est pas impossible que du coup tous les achats de Vision of Mana n'aient rapporté zéro aux développeurs, que du coup il n'est rien, donc c'est à dire ils ont été jartés, ils ont été foutus à la porte sans perspective d'avenir ou même sans toucher. Imaginez, vous avez bossé sur un jeu pendant plus de 3 ans, parce que je crois que c'est plus de 3 ans de développement, pour au final avoir votre nom au crédit, mais zéro argent derrière. Sachant que ça a déjà été... Il y a des salariés, hein, c'est-à-dire que c'est pas... tu travailles pendant 3 ans sur un jeu et ensuite tu reçois l'argent de la vente. Non mais je sais. Évidemment, mais c'est pour assurer la pérénité du studio surtout. Oui mais tu vois, il y a des c'est surtout il y a des devs qui peuvent avoir, tu sais, des augmentations, des primes, des bonus ou des trucs comme ça. Là t'as rien quoi. C'est en plus le jeu était pas mal noté. Donc il y avait clairement de l'espoir d'avoir ce genre de truc. Et du coup, zéro. Bref, ouais. En tout cas, on espère que vous adorez l'industrie du jeu vidéo. C'est le gros souci actuel des rachats en série. Des rachats en série et surtout des boîtes qui deviennent de plus en plus monopolistiques à avoir un milliard de studios et surtout à ne pas savoir comment les gérer. On sait que Microsoft, ça a été une catastrophe. Il y a une vidéo de Plouf qui est très intéressante sur ce sujet-là. Ouais, il y en a une il y a pas longtemps là, c'est la dernière qu'il a sortie, je crois. Où il parle de la série qui s'appelle Microsoft fait de la merde ou un truc comme ça, je crois. Qui est très très bien. Où en fait, ils ont énormément de studios et ils savent pas les gérer. Et du coup, ça crée des studios qui allaient bien, qui faisaient des jeux, fait n'importe quoi, etc. Microsoft, en fait, avec leur AAA, perd tellement d'argent que du coup ils compensent en fermant d'autres studios qui pourtant font des jeux qui marchent. C'est fou parce que c'est un truc, t'as l'impression, tu te dis, un studio ne peut fermer que quand il fait échec sur échec. Bon, c'est triste, mais c'est la vie. Et là, en fait, tu te rends compte que t'as des studios qui peuvent faire succès sur succès. Le studio d'Hi-Fi Rush. La maison mère est tellement incompétente et a tellement besoin d'essuyer les pertes. Et ça, c'est un truc qu'on voit aussi dans d'autres médias. On voit aussi dans le cinéma, notamment. Où t'as la Warner Bros. Qui perd énormément d'argent dans son DCU. Et du coup, qui est obligé d'aller supprimer d'autres films parfois déjà finis. Genre Coyote versus Acme. Ou alors Bad Girl aussi, qui a été pareil arrêtée alors qu'elle était, il y avait eu déjà des scènes qui avaient été filmées, etc. Je crois que même c'était sur le banc de montage. Ça donne une crainte un petit peu qu'on ait un peu des trucs comme ça dans le jeu vidéo aussi, ou pour des montages fiscaux ou des trucs comme ça. On ait des jeux qui, là on a eu un peu l'inverse parce qu'on sait que Ubisoft, ils ont été obligés de sortir Skull and Bones. Pour avoir, alors je crois que c'est en Singapour, où ils étaient obligés de sortir le jeu pour avoir des réductions fiscales. Nechiku, t'es peut-être plus au courant que moi. Aucune idée. D'accord. Mais il me semble en tout cas qu'ils étaient obligés de sortir le jeu pour des raisons de... Ils avaient eu des réductions fiscales, des avantages, et du coup, si jamais il ne sortit pas Skull and Bones dans n'importe quel état, et bon, on voit que ça n'a pas été un état formidable, ils auraient eu des gros gros problèmes. Mais du coup, on va peut-être avoir l'inverse un jour. Où des boîtes, pour rattraper des résultats médiocres sur leur AAA, vont finir par arrêter de sortir des jeux, parfois des jeux qui sont déjà finis, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est une crainte qu'on peut avoir. Oui, alors, c'est vrai que pour le jeu Ubisoft vidéo, qui présentait Ubisoft qui présentait Skull and Bones comme un quadruple A. Généralement. Oui, c'est exactement ça, Jam. Bah, merci Noé, j'avais un bref. Faut penser aussi que quand tu développes dans un jeu, enfin dans le monde du jeu vidéo, la très très grande majorité de tes projets, tu les mets à la poubelle lorsque t'es en pré-prod. Oui, bien sûr. C'est très rare qu'un jeu soit coupé dans sa production, et c'est même encore plus rare, voire je crois que ça n'est jamais sorti sauf catastrophe, mais j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête par rapport au fait que tu es un studio qui décide de ne pas sortir un jeu, surtout lorsque c'est un triple A, c'est une perte d'argent qui est gigantesque. Oui, mais en fait, c'est des... On parle de jeux qui coûtent de 200 à 300 millions de dollars. Tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, on sort pas le jeu qui nous a coûté un bras. Justement, en fait, c'est un truc... ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce qui s'est passé, du coup, comme je te disais, chez Warner Bros. Avec Bad Girl, oui. Avec Bad Girl, qui est un film, alors je sais plus exactement le... 90 millions de dollars. 90 millions, donc voilà. 90 millions de dollars, bon, c'est pas dans les films les plus chers qui existent, mais c'est extrêmement cher. Et pourtant, alors apparemment, on sait pas trop quel calcul savant a fait Warner Bros, mais apparemment, ça leur coûtait plus d'argent de le sortir que de ne pas le sortir. Et donc, c'est vrai que, et en fait, toi, t'es direct passé sur les AAA, mais pas forcément que sur les AAA. Hein. Moi, je vois la possibilité que Microsoft empêche des petits studios de sortir des jeux, peut-être AA par exemple. Des jeux de moyenne taille, juste parce que dans leur bilan fiscal, ça les arrange d'avoir un jeu en moins, etc. Et que du coup, on a des jeux qui sont mis à la poubelle alors qu'ils sont entièrement finis. Je suis pas expert en économie pour. C'est vrai que moi, j'avoue que même moi, j'ai eu du mal à comprendre. Je me suis dit, attends, comment c'est possible? Le film leur a coûté 90 millions. Comment c'est possible que ne pas sortir. Comment ils ça peuvent pas le rentable, tu vois, c'est... Mais bon, alors, je sais pas s'il y a aussi y a des histoires de... Mais en fait, c'est le problème, c'est que les énormes boîtes, les énormes c'est tellement conglomérats opaque. Comme ça... C'est tellement c'est opaque. C'est tellement opaque, c'est une boîte noire, que c'est impossible de savoir ce qui se passe dedans, que des fois, ils prennent des décisions cataclysmiques, mais ils ont tellement de revenus sur plein d'autres trucs que c'est impossible qu'elles coulent, en fait... Du coup, des fois, juste, elles font évacuer des millions et des millions. Elles perdent des millions et des millions sur des projets qui sont totalement à côté de la plaque. Et en contrepartie, des projets qui auraient pu avoir du succès, ils les mettent à la poubelle. On pense pareil à Disney qui a fermé Blue Sky. Blue Sky qui avait fait les âges de glace, ouais. Alors que, bon, bah, tous les films de Blue Sky avaient fonctionné. Mais bon, bah, manque de bol, Disney... Il croyait pas trop en Blue Sky, du coup après, il a racheté pour le dernier, l'âge de glace marchait pas tip top non plus, oui, celui dans l'espace là, mais c'était un peu catastrophique aussi. Mais voilà, l'âge de glace, c'est parmi les licences, je crois que c'est la licence de film d'animation qui a rapporté le plus, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas impossible. Parce que y a eu ils ont à mon avis passé le milliard, je pense, un épisode. Après, je crois que c'était extrêmement. Et c'est vrai que se dire que parce que Blue Sky c'était quand même un truc énorme, se dire que Disney peut fermer ça d'un claquement de doigts, ça fait peur, quoi. Tu te dis que ça se trouve. Alors moi, je suis pas très fan des jeux Bethesda, mais ça se trouve Microsoft va arriver un jour et dire on ferme Bethesda. Bah, rappelle que. Bah, tu sais, ils ont un peu supprimé 1900 postes l'année dernière, oui, donc c'est un peu. Mais problème, là, là, on parle de suppression. On parle de suppression de postes, mais. Imagine, tu fermes un studio entier de suppression. Ah, mais dans le lot des 1900 licenciements, il y a eu des studios qui ont fermé. Hein. Arkane Austin, par exemple, a fermé. C'était les créateurs de Redfall, notamment. qui ont fermé boutique. Est-ce que Tango était sous la houlette de Xbox? Il me semble que oui, hein. Tango Gameworks, ceux qui ont fait Firewatch et autres, bah oui, étaient oui, sous oui. la houlette de, oui, de, bien sûr, parce de Microsoft. Bien sûr, parce qu'ils l'ont, ils l'ont supprimé, justement, le... ça avait fait scandale parce que le... Oui, justement, une semaine avant, t'avais le mec de le patron de, avait dit il nous faut des non c'était avant, c'était une semaine avant. Une semaine avant, t'avais le patron de l'un des patrons, il faut plus de jeux comme Hi-Fi Rush. Il faut plus de jeux comme Hi-Fi Rush qui nous emmène au Game Awards ou des trucs comme ça. Ouais. Oui, c'est ça, pour fermer le studio. Pour fermer le studio, genre un mois après ou une semaine après. Encore pire, et qu'il l'avait dit justement après que le studio est fermé. Mais c'était peut-être avant, effectivement, t'as peut-être raison. Mais dans ma tête, c'était encore pire que ça. Mais du coup, c'est vrai que là, on est dans un stade du jeu vidéo où on va un peu dans le même angle que le cinéma, où t'as des studios qui peuvent être supprimés d'un claquement de doigts, où t'as des méga corporations qui ont 1 milliard de studios et qui du coup s'en fichent complètement, et ont 1 milliard de licences et du coup s'en fichent complètement. On avait déjà le cas avec Konami qui faisait un peu de la rétention de licences, où ils veulent pas céder leurs licences à d'autres gens. Et en contrepartie, ils font rien avec leur licence. Oui, ils font des vieux NFT pétés avec Castlevania là. Oui, c'est ça. Et le problème, ou des pachinko. Oui. Et le problème, c'est que ça va peut-être arriver la même chose avec Microsoft, avec Sony, voire même avec Nintendo quoi. Nintendo, ils commencent pas à racheter trop de studios, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver que Nintendo se dise, bah on va racheter des studios et du coup faire de la rétention de licence comme ça quoi. Mm-hmm. Je sais pas. On verra ce qu'il en sera, mais moi je n'entrerai pas dans les détails, j'ai pas assez de connaissances pour ça. Bah là, de toute façon, on fait de la théorisation. Ouais, on va pas. Mais moi, ce que je remarque des économistes que j'ai l'occasion de lire, c'est que comme prévu en 2024, le marché s'est restructuré avec encore des licenciements. Et que ça devrait commencer à se calmer l'année prochaine. Et pour l'instant, on est dans les projections de ce que les économistes ont vu. Ce qui est logique parce que tu as eu tellement de mouvements sur les 3 dernières années que ton marché s'est recentré. Donc on verra si ça ouvre de bonnes perspectives. Mais pour le jeu indépendant, c'est difficile. Il y en a des développeurs qui ferment, on a des éditeurs qui ferment. On a par exemple Humble Bumble qui a fermé ses portes. Laissant les développeurs de Bo, The Path of Teal Lotus, essayer un petit peu de dans se la panade comme ils peuvent, quoi. Donc c'est vraiment vraiment. Ouais, vraiment c'est ça. Ils les ont jetés sous le bus, quoi. C'est. Et puis d'un autre côté, on a quand même des acteurs qui émergent, quoi, notamment en Chine, qui commence à être un marché de plus en plus grandissant, qui a eu son premier crash test avec Black Myth Wukong, qui pour l'instant se passe plutôt bien. Oui, enfin après le vrai premier crash test de la Chine en jeu vidéo, enfin pour l'instant, c'est MiHoYo. Ouais, mais tu passes quand même sur un triple A à gros budget qui est dans un style occidental. Oui, donc, oui, non mais je sais. Tu vises un je autre sais, je public. Sais. Donc c'est une étape encore supplémentaire dans ta conquête du marché quoi. Mm-mm. Mais on verra comment ça se produira. Après, les lois en vigueur au Japon sont différentes des lois présentes en Europe et aux États-Unis. On n'a pas la même amplitude en Asie, tout court. Pour faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, on verra. C'est en tout cas quelque chose de très très compliqué dans l'industrie. Puis j'en discute de temps en temps avec des développeurs indépendants qui me disent. En ce moment, le marché, il n'y a aucun éditeur qui veut prendre des risques pour développer des jeux parce que c'est compliqué. Quoi. On ne peut pas le prédire et on ne peut pas prendre de risques dans ce marché-là. Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous, comme dirait l'autre? Je vais suivre Produit en Croix et oui, c'est bon pour moi. Let's go! Eh bien, écoutez. En tant que magnifique transition absolument peu discrète, Netchiku Jemjina, quel est votre rapport à la saga Paper Mario? Nechiku, je te laisse commencer. Si Nechiku, tu veux commencer. Rapport à la saga Paper Mario, je l'ai découverte avec le très très injustement critiqué Sticker Star. Je continue. Bah, en fait, les Mario Luigi. Moi, j'ai commencé avec les Mario Luigi sur les Mario RPG. Et je continue à dire que ça reste un bon jeu. C'est pas un jeu formidable, mais ça reste un bon jeu. Ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer à Paper Mario The Origami King. Non, Super Paper Mario d'abord. Ensuite, Origami King. J'avais fait Paper Mario entre deux. Paper Mario est peut-être mon deuxième Paper Mario que j'avais trouvé assez moyen. Il était un peu ennuyeux. Il y avait des trucs qui étaient pas fantastiques. Il était sympathique, mais je l'avais pas retenu plus que ça. Et du coup, il me restait à découvrir Color Splash et La Porte Millénaire. Et donc, j'ai découvert cette année La Porte Millénaire, même si je connaissais le jeu depuis longtemps. Pas mal de temps. J'en ai vu pas mal de let's play. C'était des jeux GameCube. Donc, voilà. Donc, en vrai, en termes de Paper Mario, j'ai plutôt bonne connaissance de la série, me restant uniquement le Color Splash de la Wii U à faire. Et toi, Jem, du coup? Eh bien, écoute, moi, j'ai commencé la licence Paper Mario avec le 1, je crois. J'ai commencé avec Paper Mario 64, que j'ai trouvé sympathique sans plus. Moi, il faut savoir que j'avais déjà joué à pas mal de Mario et Luigi, que j'avais trouvé tous très très nuls. Ah oui! Moi, je suis vraiment pas très fan de la licence Mario Luigi, à l'exception de Dream Team Rose, que je trouve un peu plus intéressant. Donc c'est vrai que... Tu vas fâcher Nechiku. De quoi? Pourquoi? Il aime bien... Ah, parce qu'il aime pas les Mario Luigi, mais... Non, mais il aime bien Dream Team. Ah, mais non, mais pourquoi tu aimes Dream Team? Ah, bah parce que justement, je... Moi, j'aime bien. C'est le seul Mario Luigi, je trouve, qui prend des petits risques niveau gameplay, ce que les autres ne font pas. Ah, au niveau gameplay, je suis d'accord, mais niveau histoire, non, c'est pas possible. Niveau rythme. Moi, en fait, je trouve que surtout le problème des Mario Luigi, c'est qu'ils sont très très chiants. mais bref, ce n'est pas vraiment le sujet. Un jour, il y aura un débat là-dessus. Bah, on aura l'occasion d'en reparler quand Borger Chip sera sorti. Mais du coup, donc, je me lance dans Paper Mario 64, que je trouve sympathique. Ensuite, celui d'après que j'ai fait, c'est directement... Oui, j'ai dû faire Origami King ou Sticker Star, je sais plus comment je les ai fait dans l'ordre. Mais je crois que t'as fait Sticker Star d'abord. Avant. Alors, Sticker Star, on m'avait dit que c'était un jeu atroce, machin, etc. Finalement, le jeu était sympathique. Moi, j'ai plutôt bien aimé Sticker Star, honnêtement. J'ai joué sur 3DS. C'est effectivement pas le meilleur jeu de la licence, c'est clair. Mais pour un premier test avec cette formule-là, il était sympa. J'ai ensuite enchaîné sur Origami King, que j'ai trouvé vraiment très, très, très, très bien. Bon, il y a quelques problèmes. Notamment, il y a le gameplay des combats qui, à l'exception des boss qui sont assez cool... c'est vrai que les combats de base sont un peu chiants, tu sens qu'ils ont essayé de bricoler un système de combat mais sans mettre de points d'expérience, sans mettre de stats, etc. Pour c'est un peu difficile. Moi, RPG. Je réitère ce que je dis, Paper Mario Origami King, avec uniquement les boss, ça aurait été un jeu fantastique. Oui, je persiste et signe là-dedans. Moi, je trouve déjà que Origami King est un très très très bon jeu, mais... Je trouve que le système de combat... C'est vrai que très vite, tu arrêtes de faire les combats. Et ça va parce que le jeu te laisse très facilement te fuir ou alors juste esquiver les combats, etc. Moi, je trouve que si. Du coup, tu peux très vite... Je trouve que le jeu te piège trop facilement sur certains trucs. Et à tel point que moi, j'avais Rage Kit, je me souviens. Parce que je n'en pouvais j'en avais marre. Je n'en pouvais plus de faire des combats où fallait tourner les merdouilles là, pour aligner faire des ennemis et faire ouais. Après, ok. Aussi... L'idée est géniale, mais c'est chiant à force. Mais et du coup c'est vrai que donc j'avais beaucoup aimé Origami King, on en reparlera parce que du coup je trouve que la bande-son du remake du 2 ressemble un peu, mais la bande-son de Origami King est incroyable, oui. C'est vraiment, il y a des jeux comme ça. Même la bande-son de Color Splash elle est incroyable. Je peux en citer quelques-uns, Persona 5, Sonic Adventure, Il y a des jeux comme ça où toutes les pistes sonores sont incroyables, et je trouve que Origami King est dans cette liste là. C'est toutes les musiques, à chaque fois que tu les écoutes, t'es en mode mais c'est une folie quoi. C'est et le pourtant, feu dans mes oreilles. Et oui, et pourtant c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai regardé, c'est le même compositeur sur tous les opus de Paper Mario et sur plein d'autres opus de Intelligent System. Et pourtant, j'ai vraiment l'impression que c'est à partir de Origami King qu'il est devenu incroyable. Genre, c'est pas le même orchestre, c'est un orchestre différent, je sais pas. Ah, c'est peut-être l'orchestre mais différent. Mais c'est un orchestre, c'est un orchestre qui apparaît dans Paper Mario. Mais en tout cas, c'est vrai que très très cool. Origami King, c'est vrai. Je pense que c'est peut-être le meilleur aspect du jeu, c'est la bande sonore qui est vraiment. Ah, la bande son. Incroyable. Exceptionnelle. Hein. Mais et même puis, dans Paper Mario 2, elle est. Et ensuite j'ai testé, alors je me souviens plus dans quel ordre je les ai fait, c'est vrai, mais après j'ai fait Super Paper Mario que j'ai trouvé infâme. Exécrable. Exécrable. Ah, tous les trois d'accord là-dessus. J'ai trouvé que rien n'allait, le concept, déjà le fait de sauter. J'ai malgré tout un peu de tendresse pour ce jeu, malgré tout. Pour le tuer. J'ai trouvé le scénar nanardesque au possible. Moi aussi j'ai de la tendresse pour ce jeu. Là où il y avait un certain génie d'écriture dans Paper Mario 2, je ne l'ai pas du tout retrouvé dans Super Paper Mario. Le concept de passer en 3D est même pas si intéressant que ça en fait. Sur le papier ça a l'air sympa, mais en fait même pas tant que ça en fait. Non vraiment, Super Paper Mario pour moi c'est un gâchis. Et je ne comprends pas comment les gens peuvent dire que Sticker Star trahit Paper Mario 1 et 2. Alors que pour moi c'est le 3 quoi. Le 3 a rien à foutre là. C'est là pour tu le coup, es qui tu es qui moi pour tu moi en fait qui. Moi en fait pour moi c'est de la nostalgie quoi. Les gens ont pas réalisé que la licence elle a sorti un peu du carcan du 2 à partir du 3 quoi. Parce que pour moi le 3, en plus le problème que j'ai avec le 3 c'est que il ressemble un petit peu au Fast Bowser de Paper Mario 2. Bah elles étaient basées dessus. C'est totalement l'inspiration. Bah elles étaient basées dessus, même le même moteur de base, tu te souviens, on avait fait des recherches. Justement, je me souviens que quand on écrivait mon épisode, on avait regardé, et apparemment en interview c'est pas clair, ils ont dans Super Paper Mario, ils disent plutôt que l'inspiration c'est les Mario classiques. Ouais moi, mais ils sont basés sur le moteur de Paper Mario 2. Ouais, une interview que j'avais trouvée, c'était « Ah, on avait ces phases de Bowser et je trouve que c'était une super idée de faire un truc là-dessus. » Après, non mais Noé, quand Jem écrivait des vidéos il y a 3 ans. Oui, bah oui. J'écris encore des vidéos, c'est pas vrai. J'ai malheureusement sur Paper Mario. Mais du coup, voilà, donc moi, Super Paper Mario, j'ai trouvé exécrable. Et du coup, mais très très moyen. Ah si, exécrable, moi j'ai détesté. Ça fait partie de ces expériences où vraiment j'ai pas. Le problème de Super Paper Mario. J'en suis sorti, j'ai eu un soupir de soulagement quand je l'ai fini. Vraiment, j'ai peur à ce point-là. Ah oui, le problème de Super Paper Mario, c'est que. Ah si. En plus, le boss de fin est chiant. Non, vraiment. On y reviendra un jour à Super Paper Mario. Mais le problème, c'est que. Pour moi, il y a un mot qui le résume, et tu l'as dit précédemment, c'est gâchis. T'as l'impression qu'ils avaient des super trucs, ils avaient des bonnes idées, mais c'est très très mal fait. Quoi. C'est très très mal exécuté, il n'y a rien qui va. C'est très très mal fait. Et puis, je suis désolé. Alors, le scénar, il y a des gens qui disent que les persos sont extrêmement bien écrits. Non. Non, extrêmement bien écrits, les gens, faut apprendre à doser, s'il vous plaît. C'est possible dans un jeu Mario. Dans Paper Mario 2, je trouve que les persos sont très bien écrits. Pas tous, mais il y en a certains qui sont très bien écrits. Super Paper Mario, je suis désolé, c'est caricatural au possible. Non, vraiment. Donc, pour moi, c'était un gâchis. Et du coup, ensuite, j'ai joué à Paper Mario 2, du coup, sur GameCube. Et, enfin, sur GameCube. j'ai trouvé le jeu très très bien. Voilà, je le connaissais déjà un petit peu parce que j'avais vu des let's play, etc. Mais même en le refaisant, je me suis rendu compte qu'il était très, très cool, play. Etc. Oui, El Famoso let's play. Et du coup, c'est vrai que moi, Paper Mario 2, je pense que... Alors, c'est difficile de le placer. Je pense que je le mettrais au même niveau qu'Origami King. C'est-à-dire que... il est quand même moins drôle que... Je trouve qu'il manque ce côté que j'aime beaucoup dans Color Splash et dans Origami King. L'humour absurde. Il y a ce côté très goofy, en fait. C'est ça. Dans Paper Mario 2, t'as de l'humour aussi. Et je trouve que c'est moins cet humour un peu absurde. Moi, je trouve que le plus drôle, c'est Color Splash, où vraiment, t'as des trucs... complètement. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? C'est complètement un mot complètement con, absurde. Et du coup, c'est vrai que Paper Mario 2 se prend peut-être plus au sérieux, ce qui est bien aussi, quoi. Mais c'est vrai que du coup, Origami King et Paper Mario 2, c'est deux jeux que je trouve les deux sympas, mais pas dans leur même, dans leur même catégorie. Quoi. Ouais, en fait, ils quand sont au même niveau, mais en différent. Même temps, au milieu de ta. Au milieu de ta scène principale, tu te prends au sérieux. Oui, c'est vrai que bon, rappelle qu'au milieu de Port la Canaille, il y a littéralement un truc pour se tuer, mais bref. Oui, non, pour tuer des gens. Oui, pour tuer des gens, mais tu... pour se tuer aussi, du coup. Et toi, du coup, Jay, ton rapport avec la licence Paper Mario? Mon rapport à la licence Paper Mario, il a commencé tellement tôt qu'en fait, c'est mon premier jeu vidéo. Que vous étiez pas né, en fait. J'avais 3 ans, on m'a offert, mon oncle m'a offert une GameCube et m'a offert un jeu que je connaissais. Il m'a offert, il m'a offert quelques jeux, il m'a offert Mario Kart Double Dash, Mario Luigi's Mansion et un jeu, un Paper Mario, la porte millénaire. Alors il a vu Mario, il a pris, mais il avait peut-être pas vu qu'il y avait une potence en plein milieu du premier écran du jeu, mais bref. Et du coup, il y avait pas la potence sur la jaquette aussi. Hein. Oui. Et du coup, ça a été l'un des, c'est le premier jeu où j'ai vraiment des souvenirs manette en main de moi y jouant à 3, 4, 4 ans, truc comme ça, 3-4 ans. Je l'ai évidemment jamais terminé à l'époque parce que, mine de rien, pour une gamine de 5-6 ans, le jeu il est dur. C'est Cortez est impassable quand t'es un gamin, je pense, très sincèrement. Du coup, ouais, je découvre. Alors que j'ai trouvé flopesque là en refaisant le jeu. Mais... Ouais, les boss sont un poil flopesque. La pendaison pour les gosses de 3 piges, parfait. Rappelle que le jeu il est même pas. Premier message sur le chat. Hein. Je crois que le jeu est PEGI 7 ou un truc comme ça. Je peux pas vérifier parce que j'ai pas la jaquette française. Je l'ai, PEGI 7. PEGI 7, ouais. Donc il est même pas PEGI 3, qui est habituellement, je crois, le PEGI des Mario classiques. Mais alors, il est pas PEGI 3, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de textes aussi. Hein. Oui, il y a énormément de textes. Mais il y a quand même violence en pictogramme, il y a violence et peur quand même. Peur, je pense que c'est. Ouais, voilà, je pense que peur, ça doit être à cause aussi, de. Hein, pour le coup. Oui, mais dans les jeux Mario, violence, c'est quand même assez rare. Mmh. Oh, je sais pas. À mon avis, c'est parce qu'il y a un moment, il y a Bowser, il fait péter une bombe. Du coup, je pense que c'est pour ça. Et genre, ça, c'est une grenade. Du coup, c'est vraiment représenté comme une grenade. Du coup, c'est pas impossible que ça soit pour ça. Mais du coup, ouais, je découvre Paper Mario 2 extrêmement jeune. Je le finis évidemment pas parce que le jeu est beaucoup trop dur quand t'es gamin. Après, autour de mes 9-10 ans, j'obtiens la sacro-sainte Wii. Enfin, j'ai eu une Wii. Évidemment, il y a eu quoi sur la Wii? Super Paper Mario. Je l'adore étant petite parce que... tu comprends, le jeu, il est trop deep et tout. Et en plus, à la fin, c'est trop mignon. Et Dimensio, quel truc de zinzin. Bref, alors qu'en vrai, bon... Bof. C'est ça. C'est pour ça que j'ai de la tendresse pour ce jeu parce que je l'ai fait étant petite et je l'ai bien aimé et je trouve que quand même il y a des trucs cool dans ce jeu et il y a des trucs qui encore aujourd'hui je me dis non en vrai je peux pas le tacler sur ça. La séquence visuelle novel, elle me fait beaucoup rire. Le coup du game over, le coup du chapitre 6 où tu te fais où le monde est détruit, le coup du voyage dans l'espace, y a etc. Il y a des très bonnes idées. Hein. Ah putain, c'est dommage quoi. Mais c'est juste super mal exécuté. Moi je suis désolé, je trouve que c'est que des idées nulles. Genre la phase dans visual novel, j'ai trouvé cringe. Je sais pas, même si je la trouve cringe, j'ai un peu de tendresse pour, tu vois. Je sais pas expliquer. Après, c'est peut-être que spécifiquement ce genre de truc, parce que récemment j'ai aussi refait Undertale et je trouve les phases de jeux de drague aussi extrêmement malaisantes. Donc c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être moi qui ai une phobie à ça. Peut-être que t'aimes juste pas les romances, Jem. Hein. Après, tu peux le dire, c'est pas grave. Peut-être. Non, je pense pas. T'aimes pas l'amour. C'est vrai que certains dialogues peuvent faire un peu. Comment dire tu poses un regard inquiet en disant ah oui, on a vraiment écrit ça à l'époque. Bizarre. Ah. C'est. Non mais voilà, bah du coup pour à l'époque j'ai pas mal de tendresse, de mais voilà. Francis dans Paper Mario sur Peach, bon ça passe en 2008. Est-ce que ça passe aujourd'hui Ouais, bof. Je sais pas, tu vois. Ah oui, si ça passe encore aujourd'hui. Non, je pense que, moi je pense que ça passe, hein, honnêtement. Honnêtement, y a rien de horrible quoi. Je sais pas. Je sais pas. Mais puis entre temps évidemment je découvre un petit truc pas très connu qui s'appelle YouTube. Et le monde d'internet s'offre à moi et je découvre évidemment le let's play. Parce que voilà, je rentre au collège et je découvre le let's play. Le fameux. Est-ce qu'on le cite? Je pense qu'on peut le citer parce qu'à un moment merde. Je sais pas. Il y a quand même plein de problèmes dans ce truc. Tu vois. RPZ Ocarina, même pas. Non. Même si c'était la période. Le let's play de 4, 5, 6 bipolaires. Voilà, exactement, parfait. Voilà. De 4, 5, 6 talents bannis dans Pokémon Showdown. Oui, exactement. Mais voilà. Les vrais seront. Paper Mario la porte pétée de rire. Voilà, avec quand même pour l'époque un bon gros lot de blagues bien sexistes. Je l'ai revu récemment pour. Autant changer le nom de Paper Mario aussi. Je l'ai revu récemment parce que pendant que je faisais le remake, je me suis remise vraiment dans l'ambiance dans laquelle j'avais fait le jeu pour la première fois. Enfin, pour la première fois, non, mais pour la première fois que j'ai vraiment terminé le jeu. Parce que aussi, ce let's play me servait de tuto pour finir le jeu, parce que du coup, je ne connaissais pas moi, okay. J'allais dire Penocta, mais même pas, parce que j'y étais même pas allé. Franchement, passer, ouais, les Poonies. Yunnanville. Passer Yunnanville, inconnu. J'avais battu Gangs, mais vraiment inconnu. Et du coup, à l'époque, le let's play, je trouve très drôle et voilà, et ça a forgé un morceau de mon humour, même encore aujourd'hui. Mais voilà, du coup, forcément, ça m'a beaucoup fait aimer le jeu. Même si c'est un jeu que j'avais déjà bien aimé étant petite, même si j'avais jamais fini et tout. Là vraiment ça a été un gros coup de cœur, surtout que j'ai jamais été très fan de RPG et tout. J'avais pas encore fait vraiment les Mario et Luigi, trucs comme ça. J'avais pas joué à beaucoup de RPG, même sur DS ou quoi. J'étais vraiment, c'est le moment où je découvrais le jeu vidéo réellement et où je me disais putain mais en fait le jeu vidéo quel banger. Et du coup, voilà, forcément, tu fais tes armes dessus. Et moi, l'un de mes premiers jeux vraiment où du coup j'ai fini, c'est Paper Mario 2. Et alors, j'ai pas attendu la fin de l'US Play pour terminer le jeu quand même, parce que bon, c'est. Voilà. Sinon, t'aurais pris un certain temps. Ça m'aurait pris un certain temps. Mais voilà, c'était. Mais je suivais l'US Play évidemment très assidûment. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai appris à faire du montage et des trucs comme ça. Et puis bon, voilà, disons que ça a été une. Ce mec a quand même été une part importante de ma vie, mais bref. Voilà. Je fais pas Sticker Star. Parce que je ne l'ai pas. Tout simplement. Je passe à côté, et puis en plus, j'entends qu'il est pas ouf. Ça peut s'arranger, hein. Je t'envoie une 3DS, le jeu. Et puis non, mais tu sais que je l'ai maintenant, le jeu. C'est. mais je fais pas Sticker Star à l'époque parce que je ne l'ai pas et que je passe à côté. Par contre, j'ai une Wii U et en 2016 sort un jeu où je vais vraiment. C'est l'un des rares jeux où je l'ai poncé mais vraiment excessivement violemment en une semaine, où j'ai joué tous les jours et c'est l'un des premiers jeux vraiment où j'ai grindé. Sort Color Splash. Et Color Splash, je sais pas pourquoi, j'adore le jeu, mais vraiment, que ça soit son ambiance, que ça soit son écriture que je trouve incroyable, même à l'époque, la musique que je trouve excellente, il y a des musiques, la carte de Color Splash que je trouve formidable, le petit leitmotiv, le ta-na-na-na-na-na-na-na-na, je l'adore, et encore aujourd'hui quand j'entends des musiques de Color Splash, je la scène dans Ratatouille où il mange, il revient dans son enfance là, mais ça me fait le même effet. Vrai que c'était ton enfance, Color Splash. Bah c'est mon adolescence plutôt, parce que bah j'étais au collège à ce moment-là. J'étais vraiment, je commençais à faire des vidéos, donc j'étais en quatrième. Parce que quatrième c'est 2018, donc j'étais. C'était un peu après, mais voilà, genre, c'était à ces moments-là, quoi. Et ouais, en fait, Color Splash, pendant très longtemps, en fait, j'ai eu cette dualité où je me dis, bah, évidemment, Paper Mario, la porte millénaire, c'est mon jeu de cœur, mais c'est pas mon Paper Mario préféré. Le sempiternel débat, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que Paper Mario 2 était mieux? On aura l'occasion d'en reparler, je pense, parce que voilà. Mais, pour moi, ça a été assez vite tranché. Je préférais la nouvelle formule. La formule instaurée avec, Sticker Star, même si je le connaissais pas. Mais je trouvais la formule de Color Splash vraiment bien, même si je trouvais qu'elle avait des défauts, notamment le fait que si t'as pas le bon objet pour le boss, bah c'est foutu. Ça, je trouve encore aujourd'hui que c'est un concept de merde. Mais bref. C'est plus un côté puzzle, c'est différent, moi, je dirais. C'est différent, mais je trouve que c'est un puzzle où on te donne pas d'énoncé. Je trouve ça un peu... Enfin, l'énoncé est très mal donné et je trouve que c'est souvent pas ouf. Il y en a où c'est assez compréhensible. Oui. Genre... Morton, à un moment, il devient en feu et du coup, tu dois utiliser un extincteur. Oui, c'est ça. Ou alors, c'est... Alors, j'ai les... Pas Link. Lemmy, celui qui est sur son ballon. Oui, où tu dois le crever. Où tu dois le crever avec un pic à glace, ça va, c'est assez cohérent. Par contre, Wendy, n'importe quoi. Ouais, il faut vraiment, prendre une photo, c'est pas ça. Il faut prendre une photo pour qu'elle attrape avec son bracelet la photo. Non, là pour le coup, c'est. Non, tu mais ne peux pas le savoir, genre c'est. Écoute, non mais je pense que quelqu'un a dû jouer à un point and click LucasArts et s'est dit tiens, ce serait une bonne idée de faire un truc à la con comme ça. Ouais, mais le problème c'est que les point and click, c'est pas t'as pas un moment où dans le point and click où si tu vois, si tu trouves pas la bonne réponse en 30 secondes, tu décèdes. Ouais, sous-estimes le point and click. Moi j'aime. Mais surtout en plus, ce que je trouve dommage, c'est que les objets, ils sont pas sur ton jeu, ils sont pas obligatoires, enfin genre ils sont. Si, oui, ils sont obligatoires, mais des fois ils sont sur des chemins détournés. C'est-à-dire c'est pas obvious. Ouais, non, mais il arrive des fois où philosophie... tu... Ouais, voilà, c'est un truc bizarre. C'est une philosophie pour pousser les joueurs à continuer à poncer leur jeu et éviter d'en mais sortir d'autres. Mais pour moi, il y a un moyen, alors ça ferait peut-être hérisser les poils aux fans de Paper Mario 1 et 2, mais moi je pense qu'il y aurait moyen de combiner les deux formes. Hein. Non, mais complètement. Complètement. Avec un truc moins punitif, mais peut-être en mode un peu combat de Carbocroc. Ouais, puis moins chiant toujours, que Origami King. C'est ça. Tu peux toujours faire le combat sans les. Tu peux toujours faire le combat sans. Sans le truc, mais il est plus dur. Sans l'objet, mais il est beaucoup plus dur. Comme le combat de Carbocroc. Bah, comme le combat de Carbocroc, et même comme le combat. Contre. Enfin, c'est un peu montré qu'il faut utiliser le boost contre. Bah, c'est comme. C'est comme Cortez. Boost. Pas Cortez. Cortez aussi. Tu peux ou non tuer les trucs. Moi, je pensais à Gangs. Si tu te boostes Gangs, contre lui, c'est le. Stéro Gang, c'est le boss du chapitre 3. Ah oui, je les ai pété la gueule, c'est vrai. Ouais, c'est un boss. D'ailleurs, ils l'ont beaucoup remanié dans le remake. Ils l'ont rendu beaucoup plus dur. Je sais pas si c'est... Je lui ai roulé dessus. Je sais pas si c'est très clair que faut utiliser le boost. Moi, j'ai pas eu l'impression. Bah, en fait, comme il se booste aussi, c'est la première fois que t'es face à un ennemi qui peut réellement se booster. Hormis les ennemis que tu vois dans les arènes. Après, le problème de Gangs... Sauf que le badge boost, tu peux passer à côté. Il est pas tu peux passer à côté, totalement. Mais... Après, le problème de Gangs, moi, de mon côté, c'est que j'ai déjà joué à Paper Mario 1 et que j'utilisais cette technique dans Paper Mario 1. Ouais. Où je roulais sur les boss, comme ça. Il y avait le boost de dans Paper Mario 1. Ouais, mais il était moins... C'était d'une violence. Il était, moins équilibré, on va dire. C'était d'une violence terrible. J'ai roulé sur tous les boss comme ça. Et j'ai roulé sur les premiers boss comme ça de Paper Mario, de la porte millénaire. Puis à un moment donné, la stratégie ne marchait plus, donc il a fallu que je trouve d'autres strats. Bon, j'ai pas eu trop de difficultés. Le jeu s'est pas avéré trop compliqué. Mais du coup, pour l'instant, vous avez vu que je n'ai toujours pas parlé de Paper Mario 1. Parce que en fait, Paper Mario 1, je l'ai jamais fait réellement. Et puis arrive 2019. Je me dis, bah putain, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3. Entre temps, j'ai un peu essayé le 4, j'ai fait le 5. Bon, le 6 n'est pas sorti, mais voilà. Ce serait peut-être bien que je fasse le 1 un jour. Et du coup, je fais Paper Mario 1. J'arrête Paper Mario 1. Parce que j'arrête au chapitre des fleurs. Je trouve le jeu chiant comme la pluie. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est pour ça que moi, je pense qu'on en reparlera, mais oui. Moi, c'est pour ça que j'étais un peu déçu quand ils ont annoncé un remake de Paper Mario 2. Le problème que j'ai, c'est que Paper Mario 2 original est totalement jouable aujourd'hui. Ouais, il est... franchement, Mario, il se joue vraiment trop bien. Il se joue très bien, graphiquement. Le 1, c'est... Déjà, il est... Je suis désolé. Toi, tu le trouves moche, moi, je l'aime bien, mais... Je pense très sincèrement, je vais peut-être utiliser des termes... Je pense que c'est dans le top 10 des jeux qui ont le moins bien vieilli sur... au moins... Ah ouais, t'es... Je pense que c'est... T'es rude. Sur N64, c'est le premier, je pense. C'est celui qui a le moins bien vieilli. Ah ouais. Enfin, tu es sévère. Je suis désolé. L'effet papier marche pas du tout. Tous les sprites sont marronnasses, moches. Ça, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a un truc. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je sais que je ne peux. Depuis que je l'ai fait, je ne peux pas refaire le 1. C'est impossible, quoi. Le jeu, je le trouve trop laid, quoi. Non. Et c'est rare que j'ai un jeu comme ça. La plupart du temps, en plus, c'est plutôt des jeux PlayStation en 3D un peu moches. Mais le Paper Mario 1, vraiment, c'est pour ça que j'attends. Je suis quelqu'un qui fait un remake en donnant un peu les sprites de Color Splash, etc. C'est trop cool comme truc. On aura l'occasion d'en reparler. Paper la commu autour de Paper vraiment, Mario, elle est extensive. Et j'espère, du coup, j'espère qu'avec le succès du 2, ils vont essayer de, peut-être après avoir fait un nouveau jeu, de faire un remake du 1, parce que vraiment il en a besoin, quoi. Moi de mon côté, c'est le problème, il est plus fondamental, c'est que je trouve que le jeu il est chiant, en fait. Ouais, il est chiant, mais je me suis ennuyé lorsque j'ai joué au jeu, vraiment. C'est juste le 2 en moins bien, quoi. Et pourtant les chapitres sont pas longs, enfin on peut pas dire qu'ils sont plus longs que dans Paper Mario et la porte millénaire. On peut pas dire qu'il y a pas de variété parce que les chapitres sont quand même bien variés, mais je sais pas, je trouve même qu'ils ont ils ont peut-être plus de d'idées intéressantes que dans le 2, où je trouve que le 2, le seul vraiment chapitre qui se démarque beaucoup, c'est celui du train, où je trouve qu'il y a un côté enquête un peu sympa. Qui est le moins bien. Moi, je sais. Je suis tellement pas d'accord, mais bref, on va y revenir. J'aurais aimé mieux en vrai. C'est en fait la première partie est sympathique, mais je trouve qu'ils vont pas assez loin dans le concept. Et la deuxième partie est inexistante. Ouais. C'est. Moi j'ai dit le champ de fleurs, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Le champ de fleurs, moi ça m'a gavé aussi. C'est vraiment un passage. Et pourtant le chapitre 7, c'est mon préféré. Bah pourtant moi j'ai adoré le chapitre d'avant, le chapitre sur l'île des Yoshi. Parce que t'as... Le chapitre de l'île des Yoshi, moi, je l'ai trouvé chiant aussi. Je sais pas, moi, je l'ai trouvé rigolo. Alors que, ouais, fallait trouver les Yoshi, fallait aller voir le je le trouve le moins chiant que je le trouve moins chiant que Trop Atroce, déjà. Ah, Trop Atroce et Atroce. Après, non, il est pas Atroce, mais j'aime bien Trop Atroce parce que pour je trouve Trop Atroce moins pire que le truc du train, hein. Je suis désolé. Il est pas fantastique. Mais en vrai, je c'est quoi votre chapitre préféré, tiens? Bah attends, déjà peut-être, est-ce que tu veux qu'on aborde le début du jeu et après on parlera de nos chapitres. Ah bah alors abordons le début du jeu. Que se passe-t-il au début du jeu? Oh mon dieu, la princesse Peach a été enlevée. Oh là là, vous êtes en train de me dire que Peach a été kidnappée dans un jeu Mario. Oui, mais moi déjà surtout le truc que j'aimerais parler c'est introduction. On nous montre du lore. C'est-à-dire que c'est pas juste Mario, dire Mario, please come to the castle, I bake the cake for you, yours truly, Princess Toadstool Peach. C'est vraiment, on nous raconte une ville qui s'est faite détruite avec un trésor, avec des trucs. Ça fait pas du tout Mario. C'est. Vraiment, ça fait. Bah, ça fait RPG en ça fait. Ça fait RPG, ouais. Ça fait RPG un peu. Je vais pas dire un peu lambda, mais. Un peu classique avec une histoire de trésor, peut-être maudit. Ça fait un peu Zelda. Ça fait même un peu Zelda. En ouais, il y a un côté un peu Wind Waker. Ça fait un trou de Wind Waker, effectivement. Et voilà, et du coup, on trouve. Tu passes super vite les dialogues. Hein. Oui, c'est, oui. Mais c'est pour. Voilà, c'est, pour, c'est parce que voilà. Ça, c'est l'intro, du coup, où on voit Peach débute par la canaille. Et avec. Je sais même pas si on sait vraiment ce qui c'est, mais je crois que sous le chapeau, c'est un peu teasé. Enfin, c'est un peu montré que c'est genre Marjolaine. Mais il me semble que c'est montré que c'est Marjolaine. Parce qu'en gros, elle dit, il y a un dialogue de Marjolaine qui dit quand j'ai refilé, heureusement que j'ai. Notre plan s'est déroulé sans encombre quand j'ai refilé la carte à la ptiote. La ptiote est en Peach. Ah. Peut-être. Mais c'est un dialogue de fin du jeu, donc attention. Ah, okay. Mais non, après, non, c'est une intro très cool. Et moi, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi dans ce Paper Mario, c'est que tu ne t'arrêtes pas, en fait, qu'au lore de l'aventure. C'est-à-dire que tu as un avant, mais cet avant, il te le justifie, en fait. Alors, c'est optionnel, hein. C'est un peu comme les lorebooks de Bug Fables, mais tu as un personnage sur Port-la-Canaille, oui, qui est sur les toits, avec qui tu peux discuter, qui t'apprend justement des choses. De Port-la-Canaille. Oui. Et c'est là que tu apprends que certaines personnes que tu vas croiser dans ton aventure, voire certains monstres que tu vas rencontrer, sont issus justement de ce lore, quoi. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça assez cool parce que j'ai pas le souvenir dans beaucoup de RPG Mario qu'on ait un lore aussi travaillé en amont. C'est-à-dire que, ok, tu as ton jeu qui se déroule avec tes péripéties et autres, mais t'as pas vraiment d'explication sur qu'est-ce qui se passe en amont par rapport à ce que tu as fait ou par rapport à ce que tu vas faire. Et je trouvais que c'était un bon point. Je suis désolé, mais moi, pour moi, et c'est un des aspects que je trouve le plus nul dans les Mario Luigi, pour moi, dans les Mario Luigi, il y a quasiment pas de lore, en fait. Ouais, c'est ce côté c'est très directif. Où, c'est très, très aventure très unique. Ouais. C'est, l'univers vit pas sans toi. C'est voilà, c'est et moi je trouve que c'est très très dommageable, quoi. C'est un truc qui est dommageable aussi dans Super Paper Mario. Où t'as pas ce côté lore non plus ou machin du Port-la-Canaille, c'est une vraie ville, machin truc, etc. C'est moi je trouve que c'est vraiment un truc qui est très spécifique à Paper Mario 2 et qui rend vraiment très appréciable. C'est ça, tu en parlais, il y a du vécu en fait. Quand tu vas dans des lieux, tu sens que il y a déjà eu de la vie, il y a déjà des choses, quoi. C'est pas juste un lieu en carton-pâte que tu vas visiter parce qu'il est là, tu vois. C'est pas tu sens que il y a même une ville de RPG. Même s'il est assez, littéralement en carton-pâte. Bah, il est assez coup, littéralement mais... en carton. Bien sûr, mais c'était pour la blague, Jem. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, dans Mario & Luigi 2, les Xampi viennent de la princesse Xampi, de la planète Xampi. Et ils vont coloniser la Terre. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ils viennent là. Et même oui, à la fin du pas, jeu, tu sais pas pourquoi la reine elle est libérée, quoi. Oui, puis même on te dit que c'est une espèce colonisatrice, mais pour l'instant, les royaumes qui ont été colonisés par l'Exampi, c'est zéro. Donc on te dit, oh là là, l'espèce colonisatrice. Bon bah pour l'instant, bof bof quoi. C'est vrai que ça manque un peu de profondeur quoi. Tu te dis. C'est littéralement, je crois, ils sont définis comme des parasites colonisateurs de l'espace. Et t'en entends jamais parler. C'est ça, t'as même pas de narrative design qui t'explique ce genre de choses. Alors après, c'est de la petite considération, mais c'est le genre de détail quand même. Quand tu joues à un jeu, tu fais ah oui, ils ont pensé à ça quoi. Et j'en parlais avec un développeur il y a quelques, justement dernier épisode d'Indie 500 sur The Operator, où le développeur me disait, moi j'essaye de réfléchir à tout, à faire en sorte que ce soit cohérent. Et ça fait partie justement de ce que tu dois faire lorsque tu développes un jeu, faire en sorte que ton univers soit cohérent. Et la cohérence, elle passe justement par raconter toutes ces informations là. Qui vont être optionnelles aux joueurs, mais c'est con, mais par exemple, tu vois, Necheku, là, l'un des premiers dialogues que t'as dans le jeu quand t'arrives à Port la Canaille, c'est con, mais le marin, qui est le pilote du bateau qui t'emmène à Port la Canaille, tu vois, c'est l'un des premiers dialogues qu'il a, c'est est-ce que t'es sûr que tu veux vraiment débarquer ici? Enfin, c'est une ville de loustique, c'est une ville de la ville est mal famée et tout. Genre, ok, tu le vois, mais le fait qu'ils te le disent en plus. Et que, tu vois, c'est con, mais le dialogue en mode « Ah, tu dois sauver une princesse, oh là là, bah t'es un dur, toi, t'es un... » J'ai plus la trad française exacte, mais genre, il dit « T'es un bon, t'es un vaillant. » C'est... Tu vois, c'est... Vaillant petit Mario. C'est bête, mais... ça rajoute un peu de... Ça rajoute un peu de trucs à Port la Canaille en mode on entend des conneries, tu vois, c'est un peu Seine-Saint-Denis, on a entendu ça aux infos, il y a eu une voiture qui a brûlé. C'est du contexte, c'est comme les persos dans Breath of the Wild qui te disent, dans Teoteka qui te disent, ah mais j'ai entendu l'histoire de la ville des Caraïbes qui a été attaquée par des pirates, et toi tu fais, ok, attends, je vais essayer d'en savoir plus. Et il y a quelqu'un qui dit, ah oui, effectivement, la ville, elle a été détruite. Tu fais, ah oui, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et plus tu discutes avec les gens sur le sujet, plus tu apprends des trucs. Et ça donne de la consistance. T'arrives pas juste avec Caraï en mode, attends, il s'est passé quoi? Pourquoi il y a des pirates partout, etc. Tu l'imagines. Mais le fait que les personnages aient conscience de ça, ça apporte tout de suite une clé de lecture supplémentaire. Et un truc tout con, le jeu démarre justement par l'arrivée de Mario en bateau, le jeu se termine par le départ de Mario en bateau. Oui, oui, c'est logique. C'est, tu vois, c'est pas juste Mario qui va prendre sa montgolfière avec Luigi ou je ne sais quoi. Donc on est cohérent du début jusqu'à la fin. Quoi. Et puis il y a un truc qui est aussi intéressant, je trouve, dans le jeu, c'est que Mario est connu, mais en même temps pas trop, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent ah oui, le fameux Mario, etc., mais oui. On sent que du coup c'est un pays étranger et du coup il n'est pas ultra famous. Mais il y a aussi un truc où une fois que tu as gagné aux arènes de Yunnanville, il y a des persos qui canoniquement te connaissent. Oui. Ah mais oui, tu es Super Gonzales. Oui, mais ils te connaissent pas. Ils te connaissent pas en tant que Mario, ils te connaissent en tant que Super Gonzales, le mec qui a battu le gros gaillard aux arènes. Et notamment, t'as... alors, c'est... Mince, c'est Bombor. Comment il s'appelle, le riche, là? Ah, Orboom. Orboom. Tu me demandes n'importe quel prénom de perso, je le connais. Non, mais je sais que son fils, c'est Bérin. Bérin, le petit Bérin. Du coup, c'est Orboom. Oui. C'est Orboom, son père. Et du coup, c'est vrai que lui, il ne te connaît que parce que... tu es Super Gonzales, et du coup il t'appelle Super Gonzales jusqu'à la fin du jeu. Et même Petit Yoshi, il te connaît pas en tant que Mario. Petit Yoshi, c'est différent parce qu'il vient de naître. Mais tu vois, t'as vraiment ce côté où les gens ne te connaissent que par l'intermédiaire de canoniquement ce qui est famous dans leur monde, c'est-à-dire les arènes de Port-la-Canaille. Et je trouve intéressant. On parle de trucs bien, mais un truc pas bien, et tu parlais de Petit Yoshi, c'est que Petit Yoshi connaît Peach. Alors oui, qu'il non, ne l'a jamais vu. Parce que tu considères qu'on t'a. Il ça, lit c'est les un messages petit peu dans de. Tout on discute entre les scènes. Mais moi, ça m'a fait tiquer. J'ai fait. Mais tu la connais pas, Peach? Oui, c'est. Oui, oui. Non, voilà. Ils connaissent son nom, pas son visage, effectivement. Ouais, et c'est ça. Lui va. J'avais pas vu que tu étais. Oui, d'ailleurs, Goumeli, là, la preuve, parce que du coup, Goumeli. Là, elle te dit let's go, Mr. Man, Battle Time Mr. Man, donc Monsieur Mec, mais après, quand tu lui dis je suis Mario, elle te dit, attends, tu es Mario, le Mario. Donc en fait, bah c'est ton ça, nom est connu, mais pas ta gueule. Mais pas ta gueule. Et du coup, c'est vrai que... Le Mario qui nous écrase tout le temps, là. Oui, c'est vrai que du coup, oui, bon, pour elle, ça doit être le un Mario peu... Le Mario qui a exterminé les trois quarts de notre population. Canoniquement, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que du coup... C'est vrai que l'univers du jeu marche plutôt bien, quoi. C'est vrai que... Mais bon, c'est... pour l'instant, on suce le jeu, mais c'est... Il y a quand même des... Je sais pas, alors je sais pas, J'aimerais bien parler de l'aspect un peu remake du remake. Ah bah, si tu veux... Vous voulez pas parler des aspects généraux du jeu, genre les combats ou autres, avant de rentrer moi, peut-être pas, dans le remake comme vous voulez. Pas. Parce que bon, là, on voit les combats, par exemple. Ouais. On peut parler ou la structure du jeu, qui pourrait être... être intéressant. Bah, la structure du jeu, c'est par du coup ça se découpe en chapitres. Ça se découpe en chapitres. Le prologue, le chapitre 1, le chapitre 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. C'est et ça, le je 8. Crois. Le 8, ouais, c'est parce que c'est la porte millénaire. Mais du coup, c'est vrai que à chaque même fois, a, du coup, même on pas, va... j'ai même pas envie de dire que ça s'arrête au 8 parce qu'il y a un épilogue. On va... Mais du coup, ouais, il y a du coup 8 chapitres, entre guillemets. Et du coup, on va... à chaque fois, du coup, on va aller chercher une gemme étoile, du coup, donc... Sur la carte que Peach nous a donnée. C'est ça. Qui sont les fameux éléments pour ouvrir la porte millénaire. Et c'est vrai que, du coup, c'est découpé toujours. On a un passage avec Mario qui va chercher la gemme étoile. Ensuite, on va avoir un passage avec Peach et le... Et l'ordinateur tech, du coup. Ouais, c'est ça. Qui ont, voilà, qui ont donc là on a fin du chapitre. Très sympa. Hop. Un passage avec Bowser. Et moi, c'est un truc que. Et à chaque fois que je fais le jeu, du coup, c'est de pire en pire. Les passages avec Bowser, je les trouve nuls. Oh, je les désolé. Trouve incroyablement moi, c'est drôle. Les passages avec Peach que je trouve chiant. C'est une perte. Mais non, parce qu'ils sont super importants pour le scénar. Les passages oui, avec Bowser, mais... c'est une perte sèche de temps. Les trucs ils en mode sont Super drôles. Bowser Bros. Ils sont rigolos. Les trucs en mode Super Bowser Bros, c'est pas intéressant du tout. Ça, je suis d'accord. Mais il y a un truc que j'aime. Les deux niveaux là, ils sont bizarres. Et en plus, quand t'as déjà fait le jeu, bah tu connais la chute des blagues. Qui globalement, la chute des blagues, c'est Bowser est con et il arrive en retard. Oui. Donc bon, la première fois, oui. La deuxième fois, ok. Mais moi, j'y connaissais pas ces vannes, donc ça m'a fait rire. Mais du coup, c'est vrai que. C'est le truc quand tu refais le jeu qui est le plus laborieux, les passages de Bowser. Passages de Peach aussi, mais les passages de Peach ils sont super importants pour le scénar. Les passages de Bowser, pas du tout. Ouais, mais tu vois, est-ce que tu préfères. C'est juste pour expliquer que, attention spoiler, à la fin tu vas affronter Bowser. C'est juste ça. C'est oui. Juste pour justifier ça. Ouais, mais à part ça. Déjà, les passages de Bowser sont beaucoup plus courts que les passages avec Tech. Ah bah, heureusement. Vous prendrez des... Et moi, je trouve, je sais pas, moi... Il y a un truc dans ces mises en scène en mode gros loser. Je sais pas, genre regarde. Moi, j'adore le premier, j'adore là où cette, il y a son... J'adore où cette il va scène, à Carafleur. Quoi, c'est... Et puis, c'est une réponse directe à ce que les développeurs voulaient faire avec Bowser, déjà dans Super Mario RPG, où ils voulaient le rendre un petit peu de... comme ça, quoi. C'est non, moi j'aime bien ces passages là, ils sont une petite respiration bienvenue et puis il y a des gars qui tombent vraiment bien comme par exemple le gag avec le poster de Peach. Mais tu vois que c'est un poster, mais c'est, je sais pas, moi il y a des trucs qui fonctionnent bien, le fait que il ouvre la porte et qu'il finalement il défonce le mur pour repartir, enfin je sais pas, moi c'est mon humour quoi, ça, moi, j'aime bien. Je sais pas, moi de toute façon j'ai toujours bien aimé les différentes itérations de Bowser dans les Mario RPG, alors sauf un peu les Mario et Luigi où je le trouve souvent un peu naze, à part évidemment dans Bowser Inside Story où il est excellent. Mais dans Dream Team Bros c'est une catastrophe, il ne sert à rien. Je sais pas, je trouve que je l'aimais un peu il dans Dream Team Bros. Il allume juste un poste radio. Hein. Mais oui, voilà, la scène, ça du coup, c'est la scène que je cherchais avec le poster. Je la trouve vraiment. Je suis désolé, elle est nulle, mais je la trouve drôle parce que, en fait, c'est même pas tant on te montre que c'est un poster, c'est vraiment genre. C'est un coup pas, il arrive et juste il décroche le poster, mais genre. Oui, mais c'est la réaction de Bowser, ouais, en fait. C'est, moi, juste... je suis désolé, ce sprite de Bowser, il me fait exploser, oui, de rire, il est trop drôle. Regarde, regarde avec sa vieille bouche là qui pend. Mais bon, c'est peut-être le passage le plus drôle. Je sais pas, j'aime bien celui face avec. Face à ces phases avec Bowser, ça permet de, justement d'amplifier de l'or. Ah, je trouve pas. Hein. J'aime bien celui avec. Il y a le coup à Penocta aussi qui est très très drôle. T'apprends juste que Goldhawk, il a un endroit où il s'entraîne. Moi, j'aime bien celui avec Goldhawk, justement. Genre, c'est un peu rigolo. Puis celui à Penocta, je le trouve rigolo aussi. Mais. C'est pas le meilleur, c'est pas mais voilà. C'est pas forcément vois, c'est... des scènes qui vont faire avancer le truc, mais je sais pas, c'est une respiration aussi. Moi, je sais pas. Moi, à chaque fois, je me disais, vite, reviens à Mario. Moi, je trouve que c'est une respiration parce que lorsque tu as fini un chapitre, genre comme Penocta, par exemple, c'est comment dire. Vous aimez pas Penocta? Ah, si, j'adore Penocta. Moi, je. C'est mon chapitre préféré. J'aime bien et j'aime pas Penocta aussi. Pour plein de raisons. Mais l'ambiance est fantastique. Mais je sais pas, moi je trouve que on a un jeu qui est quand même hyper sérieux, mine de rien, la Porte Millénaire. Même si le jeu quand même. Bah ouais, mais justement, j'aurais aimé qu'il fasse le truc du sérieux jusqu'au bout. C'est vrai que les phases de Bowser, ça fait vraiment le truc humour qu'on se sent obligé de mettre. En fait, souvent, il y a plein de jeux en fait quand Bowser est pas l'antagoniste. C'est vrai que souvent, c'est un Bowser, peu un espèce rien, de. Du coup, de... il se... C'est un espèce de gros balourd, un peu débile, un peu concon. Ils se sentent obligés de mettre Bowser même quand il sert à rien. Quoi. Et là, et je trouve que vraiment, Paper Mario 2, c'est vraiment le jeu où je sais pas si on leur a imposé de mettre Bowser, mais vraiment, il est. Non, je pense pas. Il est genre. Oui, mais il est transparent, quoi. C'est. Alors que paradoxalement, en plus, je trouve que la personne qui fait les meilleures vannes, c'est Camille Koopa. Qui se trouve est un peu mieux. En tout cas, je trouve qu'en fait elle donne un peu de consistance à Bowser. C'est un peu la Team Rocket, tu vois, mais je trouve qu'elle donne plus de consistance à Bowser. Bowser, c'est un comique un peu plus visuel. Ouais, c'est ça. Là où Camille Koopa, ça va être dans les mots. Genre, voilà, genre quand elle propose, ils arrivent dans la plaine Dragobé, le premier truc qu'elle propose, c'est faire un pique-nique. Enfin, c'est con, mais c'est, tu vois, c'est la mamie, mais en même temps, elle est chef des armées, tu vois. C'est un peu con, mais je sais pas, moi, ça me fait rire. Moi aussi, j'aime bien. C'est voilà. Et les phases de pitch sont très cool aussi, même si je les ai trouvées parfois un peu trop longues, mais elles ont été quand même beaucoup raccourcies par rapport au jeu original. Ouais, elles ont été beaucoup raccourcies dans le remake. Niveau gameplay, clairement elles sont pas très intéressantes les phases de Peach. Après, niveau truc où tu dois faire la putain de potion là de merde pour être invisible. Elles sont super importantes les phases de Peach pour le scénar. Et moi je trouve que la sous-intrigue avec Peck, c'est nous. Désolé, je mélange les acronymes. Je trouve que vraiment la dynamique avec Tech, là je me suis surpris dans le remake, je me souvenais pas que c'était si bien écrit quoi. C'est vraiment sympa, même si c'est un peu. Bah, c'est toujours gamin tiers, mais ouais, c'est un peu téléphoné effectivement. Je trouve que ça passe. Je sais pas. Moi en fait, je suis un peu dégoûté parce que c'est vrai qu'à la fin, t'as le truc en mode. Il n'est pas mort, machin. Ils se sentent obligés de dire. Alors que c'est un robot, c'est bon, tu pourrais dire qu'il était mort, quoi. Ouais. Mais ils se sentent obligés de dire ah bah non, en fait. Il a survécu par je ne sais quel autre moyen, et en mode bah. Pff, dommage. Vous auriez pu dire. Vous auriez pu dire c'est un robot, il est mort, ou il a été reset, tu vois, il a aucun souvenir. Mais moi, j'ai trouvé que sinon, la sous-intrigue avec Peach et Tech était vraiment très très cool. Pour le coup, vraiment très très sympa. Mais du coup, alors, chapitre par chapitre. Faisons un petit chapitre par chapitre. Ah, tu veux faire chapitre par chapitre ? Bah, je sais pas, ça me semble être un peu. Moi, je peux peut-être parler du système de combat, moi. Bah, tu moi, peux parler du système de combat si tu veux. Bah, j'aurais parlé du système de combat. Je trouve que le système de combat, il est assez profond, mine de rien. Ouais. C'est pas pour rien qu'il a inspiré Bug Fables, qui a selon moi un extrêmement le meilleur système de combat qu'on a eu dans un entre guillemets clone de Paper Mario. Bah en fait là où encore une fois je suis désolé de taper dessus mais bon là où les Mario Luigi je trouve ont un gameplay de combat plat au possible, en plus le truc d'avoir des commandes en combat c'est même pas si ouf que ça, là t'as vraiment un côté où les badges, ce système de badges que tu équipes, ça te permet vraiment d'avoir des expériences de jeu extrêmement différentes. Parce que tu peux... déjà, tu as des badges en mode que marteau et que saut qui te boostent tes trucs, donc qui changent beaucoup le gameplay. Mais tu as aussi des badges pour pouvoir sauter sur les trucs qui ont des pics, donc ça change totalement le truc. Tu as tout un tas d'attaques spéciales qui te permettent de renverser des ennemis, etc. Parce que chaque ennemi a sa mécanique. Les Koopas, quand tu leur sautes dessus, ils tombent. Du coup, ils perdent de la défense. Puis t'as des Koopas, quand ils sont sur le dos, ils sont plus forts. Puis t'as des... Oui, c'est ça. T'as les Goombas qui sont globalement les trucs de base. Les Pokés, quand tu utilises une attaque pour renvoyer des trucs, là, ça renvoie leurs petits morceaux sur d'autres. T'as des systèmes qui drainent des PV, donc t'as quand même l'utilisation du timing, mais cette fois-ci pour prendre moins de dégâts ou pour contrer. Contrairement où dans les Mario et Luigi, techniquement, tu peux prendre aucun dégât, je crois. Si tu te débrouilles bien, oui, tu peux prendre aucun dégât, voire même en donner aux ennemis. Tandis que dans celui-là, alors ça doit être possible aussi dans celui-là. Moi, j'avoue que j'ai toujours trouvé que le système de contre, c'était toujours un peu abusé. Alors moi, j'ai jamais réussi à en faire dans le remake. Hein. J'arrivais dans l'original, dans le remake, j'ai réussi à en faire aucun. Mais je trouve ça un peu dommage que dans un RPG, t'aies la capacité de te prendre zéro dégâts. Même si c'est très dur. C'est très dur, mais ouais, c'est peut-être vraiment fumé. Le fait que tu puisses réduire tes dégâts, je trouve que c'est bien, mais que tu puisses totalement les annuler, je trouve ça un peu abusé. Ah non, moi je trouve au contraire que c'est... C'est une composante de RPG que j'aimerais voir beaucoup plus souvent. Il faut se rappeler que le pour blocage, moi, c'est comme si c'est le blocage, si c'est seulement moins un dégât, tu vois. Mais quand tu renvoies, tu prends aucun dégât. Oui, je sais, mais du coup, ça aurait été peut-être mieux de le balancer différemment en faisant, par exemple, le blocage, c'est 50% des dégâts. Parce que, en fait, le blocage, après, moi, je jouais beaucoup avec les esquives dégâts. Oui, les esquives dégâts, où tu peux ne pas prendre de dégâts non plus, oui. Qui te permettent, du coup, quand tu l'utilises, de... Non, en fait, c'est que ça augmente d'un de défense tes... Oui, non, mais Jem, t'inquiète, je sais. Quand tu pars. Oui, non, t'inquiète. Oui. Mais pour les gens qui nous suivent. Oui. Mais parce que moi, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que, bon, je trouve que le jeu est très, très, très, très, très facile. Malheureusement, surtout quand tu le fais pour une deuxième fois. Oui. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le jeu. Enfin, non, c'est pas possible de faire tout le jeu. J'ai fait à partir du chapitre 2 avec le badge double dégâts. Ouais, Le badge double dégâts, du coup, qui double les dégâts que prend Mario, pas le partenaire. Il y a pas de double dégâts P d'ailleurs, je crois. Non, il y a pas de double dégâts P, ce qui est un peu dommage. Et c'est vrai qu'avec ça, le jeu devient beaucoup moins facile, quoi. Parce que tu vas avoir très vite des ennemis qui te one-shot, notamment le dernier combat contre Rumple, Marjolaine et, Viviane. Marjolaine, Marilyn et... Non, Marilyn et Rumple. Et Rumple. Ouais, oui. En fait, majoritairement, les ennemis t'attaquent plusieurs fois. C'est ça, et ils font très très mal, ils te font genre 15 de dégâts alors que t'as 30 PV. Ça te tabasse la gueule, c'est... Et petit truc aussi, j'ai gardé le badge double dégâts jusqu'à l'étage 95 du donjon des cendres. Oh putain, ouais, t'es chaud. ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, Mais j'ai pas eu le courage. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu faire les 100, mais je me suis dit, là, si tu perds à ce moment-là, tu vas pas avoir le courage de le refaire. Donc je me suis dit, bon, pour les 5 derniers étages, je l'enlève. Mais sinon, j'étais parti pour faire des 100 étages avec. Et pour le coup, ça rend vraiment le jeu plus intéressant. Parce que vraiment, t'es en train de te dire, putain, faut que je time bien mon truc, sinon je suis finito. J'avoue que vraiment, le donjon des 100 de... On aura l'occasion d'y revenir, mais le donjon des 100 du remake, moi je l'ai fait la main dans le slibard. Déjà, je le connais très bien, mais vraiment, je l'ai fait la main dans le slibard. Je t'assure qu'avec double dégâts, moins. J'ai fait une... Parce que du coup, j'ai fait une stratégie qui... Bah alors, qui marche aussi dans le remake, mais qui marche un peu différemment. J'ai fait la technique du péril Mario. En gros, il y a un badge dans le jeu qui s'appelle... Méga charge. Méga charge, parce qu'il y a adrénaline et méga charge, je crois. Non, c'est adrénaline, ça, tu prends moins de PV. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc comme ça. Et en gros, ça fait... tu gagnes plus... Qu'est-ce qu'il est nul, le mec qui fait un let's play ? Ouais, il est pas très bon. Est-ce que vous avez fait deux fois le donjon des 100 ? On va y venir quand on parlera du remake Varazan, t'inquiète pas. Je l'ai fait beaucoup plus que deux fois. Je l'ai fait au moins trois. malheureusement pour moi, je l'ai fait quatre fois parce que je suis débile. Mais oui, du coup, j'ai fait le boss. Mais du coup, j'ai fait du coup la technique de Peril Mario qui est en gros avec les badges méga charge. Quand t'es en péril, donc à 1 PV, Mario gagne plus 3, je crois, d'attaque, c'est ça ? Non, plus 5. Donc plus 5 d'attaque, donc en sachant que tu peux en acheter, ce qui est pas mal, tu peux en acheter contre des points au casino. Du coup, tu peux très très vite stacker, et en plus de ça, si tu cumules avec les que du saut, qui te rajoute plus 1 à ton attaque de saut, mais qui t'oblige à faire que du saut. En sachant que le saut, c'est probablement le truc le plus versatile du jeu, puisque c'est plus facile de ne faire que du saut que du marteau. Le marteau, il y a toujours cette problématique de tu peux attaquer l'ennemi que le premier. Tu peux attaquer que le premier ennemi devant toi. Même avec lance-marteau ? Non, lance-marteau, c'est le seul qui bypass. Mais le problème, c'est que lance-marteau a des dégâts limités. Ouais, ridicule. En sachant qu'il a en plus, il a été baissé dans le remake. Parce que dans le jeu original, il perçait la défense, c'est-à-dire que peu importe la défense de l'adversaire, il faisait, je crois, 3 de dégâts. Dans le remake, ça prend en compte la défense, du coup, il y a beaucoup d'ennemis où juste lance-marteau est inutilisable. En sachant que c'est dommage. Après, je me dis, Mario, c'est le mec qui saute, c'est pas le mec connu pour son marteau, donc bon, mais. Moi, perso, est-ce que c'est justifié un mauvais équilibrage par ça ? Bon. Moi, perso, mais du coup, vas-y, Audrey. Ouais. J'allais dire que c'est dommage parce que du coup, il y a beaucoup de moyens de jouer au jeu différemment, etc., d'équiper des badges spécifiques et tout. Et c'est vrai que si tu mets pas le double dégâts, et encore, comme j'ai dit, le double dégâts, ça s'applique pas aux partenaires, et puis c'est un moyen un peu bête de régler la difficulté, de juste doubler les dégâts que tu prends, tu vois. C'est vrai que ouais, sinon, c'est comme mettre deux fois plus de vie aux ennemis, quoi. C'est ça. Le jeu est trop facile, et du coup, c'est vrai que tu ne profites pas du fait qu'il y a une grosse versatilité au niveau des badges, etc. Là où un Bugfables, justement, s'en inspire et essaye de te mettre des ennemis un peu plus corsés, et des fois un peu de bouger ton truc en mode un ennemi qui t'empêche de te soigner avec des objets. Ça m'avait marqué parce que moi je jouais oui, avec ouais, les non, objets mais ça, dans c'est... Bugfables. Mais c'est le signe, et du coup, t'as l'ennemi fou, qui t'empêche d'en utiliser. C'est fou ce qui. Il y a un peu à Unionville, mais pas vraiment, quoi. Ouais, bof, hein. c'est avec les règles. Avec les règles, ouais. Ouais, mais même les règles, elles sont très bof, je trouve que c'est vraiment la partie. Alors, il y a deux combats que tu dois enchaîner à un moment donné. Ouais, oui. Ouais. Mais tu rigoles moins déjà. Et je t'avoue qu'avec le double dégât, quand elle te dit prendre des dégâts trois fois, tu pleures. Ouais, c'est bon, voilà quoi. Tu mets ton partenaire en premier et tu flippes. mais même contre les Kamek aussi, je crois. Oui, parce qu'en plus, on en a même pas parlé, mais du coup, il y a tout un système de partenaires. Cette fois-ci, ils sont un peu plus intéressants que dans Paper Mario 1. Ils ont leur propre barre de vie, ils ont ils ont un peu plus de capacité aussi. Parce que je crois que c'était limité à 3 ou dans Paper Mario 1, là ils peuvent en avoir 4 ou 5. 3, ouais, je crois que c'est 3. 4 ou 5 en fonction des partenaires. Y a tout ce système aussi de... Maintenant le partenaire il est plus que à l'arrière, tu peux le passer à l'avant. Et du coup il agit en premier, mais les persos à l'avant ont plus de chances de se faire agresser par les ennemis. Donc voilà, y a tout un jeu où apparemment Nechiku tu te bugs. Ah bon, je bug. C'est peut-être parce que je laisse mes camarades parler aussi et que je m'interromps lorsqu'ils reprennent la parole. On me dit c'est moi qui lag. Ah. Ah c'est bon, ça a l'air d'être une petite passe. Ouais. Ah. C'est pas impossible. Mais je trouve que ouais, le système de combat est assez profond, quoi. Entre le fait de pouvoir se cacher, les badges qui te donnent une assez grosse versatilité, le fait que t'aies différentes attaques et tout, où faut maîtriser chaque commande et tout de chaque attaque, etc. Ouais. Je trouve que ça fait un système, avoir les bons timings pour bloquer les ennemis, etc. Même si ça fait un système. Ouais. Même si tu vois, tu dis le jeu est trop facile, comme je disais, quand t'es gamin, en tout cas, même je pense que t'étais jeune, je pense que le jeu est étonnamment pas si simple. Tu vois, on parlait des arènes de Yunnanville, je pense que franchement, les arènes, les derniers combats, ils sont pas faciles. Hein. Le combat contre les 3 Kamek, je pense que vraiment c'est. Je pense que le fait que tu aies des badges te permet de personnaliser ta façon de jouer, donc tu arrives d'une certaine manière à quelque peu équilibrer tes forces et tes faiblesses en fonction de ce que tu utilises plus ou moins facilement. Mais je pense effectivement, mais notamment les derniers combats, puis il y a aussi le combat, la première fois où tu rencontres le trio infernal dans la forêt. Oui, trio infernal, carrément. L'obscur trio de sœurs. Oh, j'avais plus son nom. Qui est pas si évident que ça. Moi, je me souviens que j'avais pas mal galéré contre ce... Ah, sérieux, je trouve que c'est un des boss les plus faciles. Mais, ah ouais. Ah bah non, moi j'ai galéré. Je peux comprendre que tu galères dessus. Parce moi, que j'ai galéré. En fait, c'est le premier vrai combat où t'as plusieurs gros ennemis en face de toi. T'es en infériorité numérique. Ouais. C'est l'un des premiers combats où t'es en infériorité numérique dans un combat qui est important. Ouais, c'est ça. Donc, c'est obligé de remodifier un petit peu. Ouais, mais t'as des trucs tellement forts. Genre limite avec son truc multi coup de tête, la limite Goumeli les one shot. Ouais, mais multi coup de tête, tu l'as pas au tout début du jeu. Tu l'as pas au tout début du jeu, multi. Si, t'as assez de Moi je parle du combat avant d'entrer dans l'arbre des punis. Hein. Oui, je sais. Oui, mais t'as assez de soleil à ce moment-là. À ce moment-là, t'as 3 soleils. Bon, je sais pas, je les ai peut-être écoutés. Tu peux même avoir 3 soleils avant de commencer le chapitre 1 parce que les speedrunners, c'est ce qu'ils font. Oh, bah oui. Donc, bah, écoute, tant mieux pour eux. En fait, quand tu finis Petalburg, donc Plaine Dragobé, t'as normalement t'as de quoi améliorer Goumeli et il te manque un soleil pour améliorer Koupek. Ouais, non. Mais du coup, normalement, c'est vrai que. Bref, moi, tout ça pour dire que j'ai galéré, c'est pas bien grave. Ouais. Mais après, tu as comment? Tu as une. Non, moi, j'ai fait le jeu en classe U, je me suis pas embêté, j'ai pris mon temps, c'était sympa. La fin était un peu compliquée, mais. Mais avec. Moi, j'ai utilisé principalement de l'attaque. J'ai vraiment tout misé sur l'attaque. T'as tout bourré. Pour faire des gros dégâts. Netchez et avec le bourrin. C'est pas multibon, c'est. Si c'est multibon. Si c'est multibon. La capacité qui te permet de sauter plusieurs fois sur un même ennemi. Goumeli c'est multibon, Mario c'est super rebond. Super rebond, ouais. Super rebond a fait le taf. Et puis après j'avais aussi le méga saut que je boostais avec boost. Donc du coup je m'en suis bien tiré comme ça. Du coup c'est bizarre parce que le badge de Mario qui permet de sauter sur tous les ennemis, c'est multibon. Mais le badge de Mario pour sauter sur un seul ennemi plusieurs fois, c'est super rebond. Mais l'attaque de Goumeli pour rebondir plusieurs fois sur le même ennemi, c'est multibon. Multi coup de tête. Non, multibon. Non, multi coup de tête. Multi coup de tête ? Ouais. Ok, il me semblait que c'était multibon, mais... Ou alors ils l'ont changé dans le remake, peut-être. Mais en tout cas, dans le... Oui, il est très très mauvais, le... Il est... Par contre, il a chopé le truc d'une façon que je ne m'attendais pas avec le... Mais... Avec le... Ouais, je m'y attendais pas. C'est... Y aller en avion, celle-là, j'avoue, j'y avais pas pensé, tu vois. Je ne savais même pas que c'était possible. Moi non plus. C'est bon. Mais pourquoi il re... D'accord. Je sais pas, il est bourré. Mais Mais j'ai ouais, globalement. Au tout début de ce passage-là, enfin, avec l'avion. J'ai eu un petit peu. Alors, moi, le château de Carmocroc. Alors, j'ai fait le jeu à 100%, du coup, le Mario doré à la fin et tout. Château de Carbocroc, j'en pouvais plus. Franchement, on y retourne trop de fois pour des quêtes annexes. En plus, si tu connais pas bien le jeu, c'est un peu insupportable. Ouais, c'est. Ah, j'en pouvais plus au bout d'un moment. C'est parce que il y a Bah, il y a tout un système de... Moi, j'aimerais même parler d'un truc que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est le centre de quête de Porla Canaille, là. L'espèce de bureau... Ouais. C'est bureau des quêtes, je crois, ou bureau des requêtes. C'est ça, non, le bureau des requêtes. Agence d'entraide. Agence d'entraide, voilà, merci. L'agence d'entraide, en gros, ça va être les quêtes secondaires un peu OSEF du jeu. Mais du coup, c'est... Elles sont sympathiques, je trouve. Elles sont sympas. Bah, je sais pas s'il y a moyen d'avoir un passage où le mec en fait quelques-unes. Mais ça permet un petit peu. Parce que tu revois des persos que t'as vus avant et tu leur. Tu résous un peu leurs soucis, donc ça permet de les approfondir un petit peu. T'en apprends sur certains. Ça permet de, surtout de débloquer un perso parce qu'il y a. Ça, c'est quand même un truc de fou. Ah bah tiens, c'est que, moi, je trouve. Je veux dire, c'est là que tu vois que, et c'est encore une fois, c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus RPG que les Mario et Luigi, tu vois. Sont vraiment voilà, des c'est RPG. C'est que t'as le côté, tu vois, donc dans celui-là, en plus, ils ont rajouté des boss secrets. Ouais, dans le remake. Parce que je crois que Dark Toaster était pas dans le jeu de base. Il était pas du tout dans le jeu de base. Ouais, c'est ça. Du coup, là, ils ont rajouté des boss secrets, mais avant, t'avais un personnage secret, donc ça fait un peu penser à FF6. Où t'as aussi des persos comme ça que tu peux passer à côté, etc. Je trouve ça trop cool, quoi. Mm-mm. Le fait que... Même si, bon, c'est pas le meilleur partenaire, mais c'est un partenaire qui est quand même... En plus, il arrive à un moment un peu cool, parce que c'est le moment où tu... Entre guillemets, tu vas commencer à te stuffer pour la fin du jeu, et comme c'est un partenaire qui permet de voler des objets... Je trouve qu'il arrive un peu au bon moment. Non, tu peux l'avoir avant. Tu peux l'avoir dès... avant d'avoir Bombard. Oui, bah oui, c'est ce que je dis. Moi, je l'ai pas trouvé. Ah, aïe, aïe, aïe. Mais du coup, donc voilà, du coup, il y a un partenaire comme ça qui est caché dans l'agence d'entraide et je trouve que c'est vraiment cool. Ça te pousse à, bah, du coup, si Dechiku est passé à côté, c'est bien que le partenaire est un peu caché. Donc, oui, mais il n'a pas fait les quêtes annexes du jeu, donc bon, voilà aussi. Hein. Oui, mais après, tu t'es pas douté que ce perso-là était un perso... Si, je le savais même, mais j'ai juste pas trouvé dans... D'accord, ok. Mais du coup, voilà. Bah d'ailleurs, il va peut-être aller le voir. Oui, c'est ça. Bah parfait, il va aller le voir. C'est pas là, c'est pour le... Voilà, si, normalement, elle est là. Oui, elle est là, mais justement, voilà. Mais on ne la voit pas. Justement, parce qu'elle est accessible à partir de maintenant. Donc il faut lancer la quête. Mais du coup, c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de trucs cachés dans le jeu, beaucoup de mécaniques cachées, et je trouve que ça montre justement un investissement que je retrouve pas dans les autres Mario RPG, c'est le côté... Il y a énormément de secrets dans tous les sens, de petits trivia, de petits machins, de petits ouais, trucs... Ouais, bah, par exemple, là, tu vois... T'as pas, c'est, bah, par rapport à Carmina, du coup, on peut le dire, mais... Carmina qui est du coup la c'est la huitième je crois partenaire en tout cas la secrète non pas huit sept bah, ou huit la septième ou la huitième c'est pas possible. Goumeli Coupec Cumulia Viviane Cumulia petit Yoshi Bombart ah si c'est la septième Carmina c'est la septième sept ah, on a beaucoup. Ah bah oui, voilà. Parce qu'il y a 42 soleils, et il y en a 6 x 7. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, on te dit qu'elle gère la boutique de badge de Port-la-Canaille, boutique de badge qui est un peu shady, gérée par en plus bah, des petites souris voleuses et tout. Mais du coup, on te dit le vendeur à un moment, à partir bah, justement du début du chapitre, au début du chapitre de Trop Atroce, dans le parce que chaque chapitre a un pré-chapitre, enfin chaque chapitre a un après chaque chapitre il y a une espèce d'entracte où l'objectif va être de trouver le moyen de comment aller au chapitre d'après. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressant souvent, bah notamment ça te permet de redécouvrir un peu Port-la-Canaille notamment via la mafia parce que du coup c'est une ville un peu shady quoi. Carrément, Port-la-Canaille. Et du coup, c'est vrai que du coup, t'as coulé tes bottes dans du béton. On va te couler des bottes en béton et on va te faire plonger dans le port. On va te foutre dans le port. Et du coup, c'est vrai que bah, notamment il y a toute cette affaire avec la mafia Pianta. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir de la mafia dans Mario. Ça c'est cool. C'est rigolo. Bah, on en parlait dans l'émission avec Balti où on disait tout à l'époque. Il y avait vachement ce côté. Bah là, tu vois, Mario Sunshine venait de sortir et on retrouve les Pianta qui, bah, pour le coup, sont quand même. Que ça soit la... C'est moi, vraiment c'est surtout ils sont que ça pas soit mal au centre, quoi. Une mafia, tu vois. Ouais, c'est... Le côté de mettre une mafia dans un jeu pour enfants, c'est assez intéressant. Et en plus, c'est vrai que pour le coup, c'est assez bien pensé parce qu'elle contrôle le casino, elle contrôle les billets de train, elle contrôle les billets pour l'aéronef et tout. Ouais, et tout. Ce qui serait effectivement géré par une mafia dans la vraie vie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et en même temps, pour avoir des infos sur comment accéder à Piantawan, donc le boss tu dois aller au gang rival qui te demande de le payer. En plus, c'est super cher. Chacun des trucs, la mafia contrôle une partie et le gang contrôle une autre partie. C'est ça. C'est vraiment super intéressant. Puis t'as la ville en dessous aussi. T'as la ville souterraine. Oui, c'est ça. Quand Piantawan. Mais même t'as aussi ce côté. Je suis désolé, je te coupe. C'est parce que t'as aussi ce côté au début du jeu où t'as le petit garde à droite de chez Gumstein. Qui se fait maraver, oui. Que tu peux. Le petit garde du quartier. Tu peux aller maraver pour. Que tu peux aller marave. Justement, là, voilà, c'est là. Enfin, ça mène ici en tout cas, je crois. Mais il y en a au tout début du jeu, lorsque t'es sur la place centrale de Port-la-Canaille. Oui, il se fait marave en fait par la mafia, justement. Oui, c'est ça. Ce mec-là, qui peut aller poutrer. Voilà. Bah, moi, je l'ai poutré dès le début du jeu. Ouais, moi voilà. Aussi. Mais d'ailleurs, voilà. J'ai fait ça aussi. Vous, les héros de jeux vidéo débiles. C'est ça. Let's go. Mais voilà, du coup, c'est le gang des limaçons pour le gang rival. Mais du coup, c'est vrai que même il y a le côté où quand Piantawan est malade, t'as les mecs qui disent oh, l'autre gang est en train de prendre de l'importance, etc. Voilà, le mec qui se fait marave là. Tous ces trucs, tu sens que l'univers y vit, tu sens que les persos. C'est un truc aussi que j'aime beaucoup dans Majora's Mask, c'est tu sens que les persos ils ont une vie, ils interagissent entre eux, ils ont des relations entre eux, même quand t'es pas impliqué dedans. Et même le meilleur exemple, c'est Luigi. Je pense qu'on peut y venir. C'est Luigi. Luigi qui a toute une histoire parallèle à celle de Mario. Paper Luigi and the Marvelous Compass et la boussole du temps. Littéralement, Luigi, en gros, va suivre... Ce qui est très, très con quand il réfléchit comme concept une boussole du temps. Oui, c'est un peu débile. Mais Luigi qui a été commissionné par Papy Crêpe d'aller retrouver Princesse Ganache qui a été kidnappée par le roi Goomba. Roi Goomba que tu défonces dans Paper que Mario. Que tu défonces dans Paper Mario 1. Et qu'on n'a pas revu parce qu'à l'époque on n'avait pas Mario 64 DS n'était pas sorti, Mario Kart DS n'était pas non plus sorti. Dans Mario 64 DS, c'est Goombos. Oui, mais c'est le même perso. Oui, c'est un Goomba avec une. Oui, c'est un Goomba avec une couronne et un espèce de truc de roi de merde. Et je sais pas, ça me fait rire qu'il s'appelle Goombos. Bah, c'est comme Big Boo et King Boo. Ils aiment bien avoir exactement le même perso, mais leur donner 14 noms différents. Oui, mais le roi Boo, il a une couronne et Big Boo n'a pas de couronne. C'est Big Boo, c'est juste un gros Boo. Ouais, Big Boo est juste un gros. C'est comme le bois atomique de Paper Mario. C'est vrai. Mais du coup, Luigi qui suit une aventure vraiment parallèle et en plus qui va avec ses propres Ses propres potes qui sont pas vraiment ses potes parce que souvent Luigi est un immense bolos. Là il est tout seul et du coup voilà, elle s'est fait. Le roi Goomba. Qui est une erreur, qui n'est pas une erreur de traduction, mais en anglais, ils ont eu le Chestnut King, qui est une erreur de traduction. Ah, ok. En français, on a eu Roi Goomba, mais du coup, eux, ils ont eu le Roi Châtaigne, qui du coup est basé sur le fait que les Goombas en japonais, ça s'appelle des châtaignes. Oui, c'est des châtaignes. Et du coup, voilà. Et du coup, ils ont eu une erreur de traduction, et du coup, il y a plein de gens qui ont créé parce que je suis sur un Discord qui s'appelle Paper Luigi and the Marvelous Compass, qui sont des gens qui essayent de créer un... Alors je sais pas si c'est une création de fangame ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est du un... Du coup ils l'ont pas corrigé dans le remake. Non mais du coup, bah je sais pas, dans le remake je sais pas, j'ai pas vu. Bah là, mais, là c'est pas des images du remake que tu... Non, là c'est le jeu original. Ah c'est des images de l'original. Bon, ça montre que le remake est pas beaucoup plus beau que l'original, parce que honnêtement... Ouais voilà. J'avais même pas vu... J'avais même pas spoté que c'était pas si, si ça se remarque, franchement. Si, si, t'inquiète, regarde. Oh, tu as un peu de mauvaise foi, je trouve. Ah non, moi, honnêtement, j'ai trouvé que le remake, il avait la gueule de l'original. Non, Jem, regarde, ça c'est le même endroit, le remake, l'original. T'abuses. Bah, c'est un peu différent, mais c'est pas non plus... Il y en a pas un qui est infiniment plus beau que l'autre, hein, je suis désolé. Je suis pas d'accord, mais je trouve Color Splash plus joli que le remake. Hein. Ah oui, t'es rude. C'est une position. Imaginez un Paper Luigi à partir des vannes de Luigi dans Paper Mario 2. Bah, mais ce serait en fait, trop bien. Justement, c'est un peu le truc que je trouve un peu décevant aussi avec le remake, c'est qu'ils ont rien fait avec les histoires de Luigi. Alors, peut-être pas. Alors, déjà, moi je ne comprends pas pourquoi tu joues Bowser. Eh ben non, ils l'ont pas corrigé. Voilà. D'accord, mais du coup, je ne comprends pas pourquoi tu joues Bowser, mais tu joues pas ces petites faces de Luigi. C'est vrai. C'est un peu absurde. Surtout que souvent elles sont assez courtes, et en plus, si tu voulais garder juste le côté « Oh, il te narre son histoire, etc. », bah, ils auraient pu au moins rajouter des CG, tu vois. Au moins des petites illustrations où on voit Luigi faire des trucs, tu vois. Alors, c'est absurde de pas le mettre, mais tu veux jouer quoi, Jem, dans ces histoires? Il y a un moment où juste Luigi balader dit, comme Bowser il fait que avancer quand tu le joues, hein. Donc oui. Là tu vas, ça sera juste avancer et lire des dialogues, hein. Mais c'est pas dérangeant, c'est ce que fait Bowser aussi, tu vois. Mais ça aurait été cool de juste voir des petites animations, Luigi qui lance le poulpe dans le truc, ou même comme je te dis mettre des CG, mettre des petites illustrations qui montrent ça, quoi. C'est dommage qu'il l'ait pas fait. Surtout que, alors ça pour le coup ça rentre dans les trucs que je trouve assez impressionnant, c'est que il y a un souci du détail, c'est-à-dire que on a vu tout à l'heure une petite souris sur le port, une petite souris jaune, qui dit qu'elle va te chercher du pétrole et du coup qui te demande oui, de la thune. Oui, et oui. Et du coup cette souris là, elle revient après pour te donner de l'argent, donc tu te dis bon ok, c'est juste un petit système pour t'investir un peu d'argent au début du jeu et ça t'en rapporte un peu plus après. Et en fait, non, pas du tout, parce que en plus, elle te donne un livre où il a raconté toutes ses aventures, et du coup, il y a des aventures rédigées avec des références à Paper Mario 1, etc., vu qu'elle est allée dans le désert de Paper Mario 1. Et j'étais en mode, ah ouais, le souci du détail. Et pareil pour Luigi. Du coup, Luigi, le truc, c'est que canoniquement, il te raconte ses histoires, mais après, du coup, il y a quelqu'un qui écrit sa biographie. Et du coup, tu peux acheter sa biographie. Non, c'est pas quelqu'un qui écrit, c'est son autobiographie, c'est lui qui l'écrit. Ah non, c'est pas son autobiographie. Il dit qu'il y a un journaliste qui l'a suivi, et du coup, qu'il avait peur qu'il écrive des conneries, mais qu'apparemment les gens ont bien aimé. Ça, je m'en rappelais plus très bien. Non, c'est pas son autobiographie. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que c'est pas Luigi qui raconte son histoire, c'est pas les mêmes dialogues que quand c'est lui qui t'explique. Oui. Et du coup, je trouve ça fou qu'ils aient pris le temps de rérédiger un truc avec une narration différente pour en faire un bouquin et tout. C'est là que tu vois que le jeu, il fourmille de détails, et c'est vrai que bah, c'est un truc que j'ai pas retrouvé dans les jeux d'après. Oui, puis si tu parles au pote de Luigi après qu'il t'ait raconté l'histoire, il te dit souvent, par exemple, oui, c'est la vraie non, mais écoute pas, il dit des conneries, il m'a balancé dans le truc, c'est un gros menteur, voilà, exactement. Et c'est peut-être le truc que je pourrais reprocher au remake, c'est que je trouve que le remake, il a pas ce souci du détail qu'avait l'original, c'est-à-dire il essaye pas de rajouter des trucs pour vraiment le côté... En fait, il se contente de refaire les graphismes, moi je trouve de façon... moyenne, c'est-à-dire oui, on a plus un aspect papier, ok, c'est un peu plus joli. Non, moi je trouve qu'il y a vraiment des animations qui sont pas présentes, je trouve ça fait plaisir. Oui, il y a des animations qui ont été rajoutées, etc. Mais moi je suis désolé. Puis même, t'as des nouveaux jeux de couleurs. C'est assez fainéant. T'as des nouveaux jeux de couleurs. Moi je trouve ça fainéant. t'as des nouveaux jeux de couleurs, t'as des commandes, bah, tu l'as dit, des animations supplémentaires, mais t'as aussi plein de petits détails qui ont été rajoutés dans l'environnement et autres. Non, franchement, moi je trouve que, honnêtement, tu m'aurais dit Luigi's Mansion 2 HD, je t'aurais répondu, je suis pas, d'accord. Je sais pas jouer, mais franchement, ce jeu-là, Paper Mario, ils sont quand même allés assez loin dans la réalisation et dans le détail et autres, quoi. Ouais, mais pour moi, j'aurais aimé, je sais pas, qu'ils rajoutent des badges, qu'ils rajoutent des trucs, etc. Ils sont restés. Ils en ont rajouté, deux. Ils ont rajouté une recette. Mais ils auraient pu rajouter plein de trucs, ils auraient pu faire que le jeu soit encore plus large, etc. Et c'est dommage parce que rajouter des. Je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment ce remake, il est un peu fainéant, quoi. C'est juste. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils avaient peur, parce que les fans de Paper Mario 2 sont très très casse-couilles. Très loquaces aussi. Donc s'ils avaient modifié des trucs, peut-être que les gens auraient râlé, mais moi, pour moi, il y avait des trucs à faire avec l'histoire de Luigi, il y avait des trucs à faire avec mettre plus de badges, plus de... rajouter justement avec toute l'expérience qu'il y a eu du coup sur les nouveaux RPG qui apportent des nouveaux trucs, il y avait moyen de développer un petit peu des nouvelles façons de jouer qu'un jeu qui a 20 ans quand même, hein, et qui a inspiré plein de jeux, on parlait de Bug Fables tout à l'heure, etc. Il y avait moyen de s'inspirer un peu de toutes les innovations qui ont été faites, et je trouve qu'on est resté dans un remake timide, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Je suis quand même. Je reste majoritairement d'accord avec toi, Jim. Moi, je peux encore plus le blâmer quand, bah, encore une fois, pour moi, c'était pas le jeu à remaker parce qu'il tenait encore la route aujourd'hui. Et je suis désolé, moi. Tu mets un gosse. Après, c'est peut-être je sous-estime le fait que les gosses sont casse-couilles maintenant, mais je veux dire, tu fais jouer un gosse à Paper Mario 2 sur GameCube. Il va pas te dire « Ah, oh, le jeu est trop moche, je veux pas y jouer !» Je veux dire, globalement, les deux jeux se ressemblent beaucoup, quoi. Non, mais... le gosse, il va pas se rendre compte des effets carton, machin. Alors, effectivement, c'est plus joli. Je veux pas dire que le remake est plus moche. Mais moi, je trouve que c'est quand même limité niveau innovation, quoi. Il y avait tellement mieux à faire pour le Paper Mario 1, et du coup, c'est dommage d'avoir fait Paper Mario 2 en remake, si tu fais un remake aussi fainéant. Je suis désolé, et alors je vais peut-être vous faire hérisser les poils, les remakes des jeux Pokémon rajoutent plus de trucs que ce remake là. Je sais pas. Réel. Je pense que c'est réel. Vrai, je veux dire, BDSP, on peut critiquer BDSP autant qu'on veut. BDSP a rajouté tous les souterrains avec des zones, machin truc, etc. C'est plus que ce que rajoute ce jeu. Hein. Et BDSP a été considéré comme un remake horrible, fainéant au possible, etc. En sachant que aussi très buggé, on est d'accord sur plein de trucs. Mais moi, je trouve que, je suis désolé, c'est un remake fainéant. Pour moi, un remake, il faut vraiment refaire le jeu. C'est pour ça que j'hésite à dire du remake ou remaster. Moi, est-ce que je peux parler? Oui. Merci. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Putain, ça fait 25 minutes. Non, alors, 25 minutes, toujours plus. Bref. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant sur ce Paper Mario, c'est que on est sur. Alors, pour moi, on est sur un remake au niveau technique du terme. Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on est sur la définition, on va dire, la plus basique d'un remake. C'est-à-dire que on prend le jeu de base, on modifie quelques trucs assez, assez secondaires, superficiels, et qu'il y a très intéressant dans la façon dont le jeu a été conçu pour moi, c'est que tu as l'expérience de Paper Mario classique de 2004 avec énormément de choses, de qualité de vie qui ont été rajoutées par rapport à il y a 20 ans. Et à ce niveau-là, si on prend en compte le matériel de base et le matériel qu'on a en 2024... avec donc toutes ces améliorations de qualité de vie, on parle au niveau graphique, on parle au niveau des animations, mais surtout on parle au niveau du rythme du jeu, parce que c'était vraiment un des problèmes de Paper Mario La Porte Millénaire. Le jeu a d'énormes problèmes de rythme, notamment sur certains chapitres, et c'est pour ça, par exemple, qu'ils ont rajouté un tuyau à Penocta, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté une façon de se téléporter sur les différents chapitres beaucoup plus rapides et autres. Je trouve que en ce terme là c'est un très bon remake, parce qu'il arrive justement à redonner de l'intérêt au matériel de base, à le moderniser, et personnellement, moi qui n'ai pas connu l'épisode La Porte Millénaire sur GameCube, bah c'est tout ce que j'en attendais en fait. Alors oui, effectivement, il n'y a pas de rajout, etc. Mais bon, déjà, c'est Nintendo, les enfants. Ils ont trouvé des trucs. Non, mais c'est pas une excuse de dire c'est Nintendo. Ah, je peux pas être d'accord avec toi. Non, mais. Excuser le truc en mode. Oh, non, c'est justement, Nintendo, j'excuse pas le truc. Je dis que Nintendo n'est pas coutumier du fait de rajouter des trucs. Ah, si, c'est bon. Oh, non, non, non, non. Par rapport à quel jeu? Arrête. Par rapport à quel jeu? Même dans les trucs odieux, même dans les trucs genre. Même dans les TPHD, même dans les rim, même dans les Wind Waker HD. Vous avez des tampons, les gars, et une caverne en plus. Oui, non, mais même dans les. Non mais justement, même dans les trucs horribles, justement, genre. Attends, laisse-nous finir. T'as même dans les TPHD, t'as la caverne de Lord Ali et tout ça. Même dans Wind Waker HD, t'as des trucs en plus. T'as tout un mini-jeu autour des statuettes et tout. Alors c'est pas waouh, dans... mais c'est comme ça, c'est un ça. Truc. Alors je sais pas si tu considères ça comme un remake ou un portage ou un machin, mais New Super Mario Bros. U, quand il a été porté sur Switch, ils ont rajouté des persos, machin truc. Ils ont rajouté New Super Luigi U. Ils ont rajouté Toadette, la couronne. Mais là, tu oublies Mario 64 DS. Mais justement, dans un RPG, tu peux rajouter encore plus de trucs. Moi, ce que je veux dire, c'est que. Et Mario 64 DS, dans les remakes, tu peux pas dire que Mario 64 DS, c'est un remake de Nintendo qui n'apporte rien. Mais moi, ce que je veux dire, c'est vraiment pas une excuse. Si je prends le matériel de base et que je le réadapte à 2024, ben moi c'est tout ce que j'attendais en fait du jeu, et le jeu me donne ce que j'ai attendu en fait. Et en tant que tel, le matériel de base il est très très bien, on est d'accord, mais fallait corriger ces quelques soucis qu'il pouvait y avoir partout ailleurs dans le jeu. Ils ont été corrigés. Ça a été leur direction de départ, c'est de se dire on va faire un remake pur du jeu sans forcément rajouter de choses. Moi, honnêtement, je suis assez convaincu de ce que me donne le jeu. Ah, du coup, un remaster. Mais je suis pas d'accord au niveau du remaster. C'est peut-être un remake au sens technique du terme. Bon, c'est moi, pas le même désolé. Auteur que l'original. Je suis désolé, mais le jeu s'appelle. C'est la définition d'un. Le jeu s'appelle Paper Mario La Porte Millénaire HD. C'est comme une ressortie HD ou en. Non. Il s'appelle pas la porte millénaire HD. On a déjà eu ce débat dans l'épisode sur les remakes. Il y a un sens technique du remake et il y a un sens courant du remake. Pour moi, au sens technique du remake, c'est un remake parce que c'est pas le même moteur que l'original, si tu veux. Mais en termes purement d'ajout, pour moi, ils n'ont rien refait. Mais c'est pas grave. Enfin, je ne sais pas en fait. Je sais pas. Moi, j'ai le droit de trouver ça grave. Après, toi, t'as le droit de ne pas trouver ça grave. Mais faut t'acceptes que moi, je trouve que c'est un remake fainéant. En tant que tel, c'est pas dramatique. Moi, je suis pas d'accord. Rajoute rien. C'est pas dramatique qui rajoute rien, mais c'est dommage. Et surtout, il y a des trucs. Moi, j'ai pas trouvé que l'original, il avait des problèmes de rythme, de machin, etc. Non, parce si, Penocta quand même. Penocta, mec. Mais Penocta, c'est juste. Moi, je suis désolé. Penocta, c'est juste des avant-après. Mais Penocta, c'est 3 heures d'aller-retour. Le chapitre 7. Mais 3 heures, toujours plus. Le jeu, il dure 20 heures. Il n'y a pas 3 heures d'aller-retour à Penocta. Le chapitre 7, Jem, où tu dois aller dans les différents lieux, tu vois. Mais oui, mais ça va. Mais ça, c'était déjà dans le jeu de base. Ça, il y avait déjà un moyen d'aller plus vite dans le jeu de base. Mais il est différent. Juste, ils ont remanié. Ça va relativement. Moi, je suis désolé. Et pourtant, le jeu de base, j'y ai joué quand même relativement. Mais t'as joué au jeu de base ou pas, Nechiko? J'ai pas joué au jeu de base. Ouais, mais. Excusera, le mec. Penocta, le mec, il le fait en 2 heures, hein. Je suis. Oui, mais il n'y a pas 2 heures d'aller. Il y a pas 3 heures d'aller-retour s'il le fait oui, en 2 heures. Oui, non, mais oui. Mais... Bah, après, il y a le. Tu vas dans le tuyau la première fois. T'as pas ton nom marqué sur ton cul, donc ça va pas. Donc tu vas voir Gumstein. Puis après, on te dit. Ah, il y a. Ah oui, mais d'accord, c'est quand t'es pas encore. D'accord, c'est ça, pas encore. Ça, c'était un peu naze. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, à un moment, pour y avoir joué, pour le coup, j'ai joué à l'original il y a vraiment pas longtemps. Hein, c'est... Enfin, je revérifie sur mes tier list, mais je crois que c'était il y a 2 ans. Et j'ai pas trouvé que le jeu avait vieilli, quoi. J'ai pas trouvé qu'il y avait des problèmes de rythme, qu'il y avait des... J'ai pas trouvé tous ces trucs-là. Et du coup, bah, pour moi, les trucs qui ont été changés, c'était pas des trucs qui étaient nécessaires à changer, machin. C'est pas des trucs qui manquent outre mesure. Mais j'ai pas l'impression que le jeu était à changer. Non, c'est juste. J'ai pas l'impression que le jeu a été rendu meilleur, en fait. C'est juste à le moderniser, en fait. Mais je comprends. En fait, après, non, parce que justement, moi, je trouve que ouais, mais il a justement, pas été modernisé. Comment tu modernises un jeu Comment tu modernises un jeu qui a pas mal vieilli le fait de pas avoir joué à l'original. Attendez, les enfants, on va pas se crier dessus. Nechiku d'abord et ensuite. Il me manque peut-être. Non, mais j'ai plus rien à dire. Ce que je veux dire, je termine juste par dire que il me manque peut-être une clé, c'est le fait d'avoir joué à l'original. Moi, de tous les avis que j'ai, on me dit que ce jeu. Est une amélioration du premier parce que justement il a tous ses apports de qualité de vie et si je le prends comme tel et en comparaison des quelques points que j'ai pu discuter par-ci par-là, bah, je considère que le jeu fait son travail et il le fait très bien. C'est quoi tes apports de qualité de vie en dehors des changements de... Parce que pour moi la qualité de vie c'est des trucs d'ergonomie. C'est principalement le fait d'avoir raccourci certaines phases ou le fait d'avoir... Oui, ou la roue des alliés, par exemple. Voilà, d'avoir... En fait, moi, j'ai du la mal... La roue des alliés, à... par exemple, aussi, c'est tout... C'est oui, des petits oui, trucs voilà. comme ça... La roue des alliés. Qui font que le jeu, il est plus agréable aujourd'hui à prendre en main qu'en 2004. Salut, Minidox. Il y a Link's Awakening, par exemple. Link's Awakening est un excellent jeu, on est d'accord là-dessus. Mais qui joue aujourd'hui sur Game Boy, par rapport à la version... Je suis d'accord, mais... Un jeu Game Boy, ça vieillit quand même beaucoup plus vite qu'un jeu GameCube. Oui, mais t'as des jeux Game Boy qui vieillissent très bien. Y a pas de problème là-dessus. Enfin, pour moi, faut les chercher, les jeux mais Game Boy qui vieillissent très bien. Hein. Bon, moi, j'en ai aucun qui me vient en tête. Hein. Mais du coup... Un jeu Game Boy que tu donnes entre les mains d'un enfant, il s'amuse aujourd'hui? Bah écoute, je sais pas moi. Super Mario moi, Land j'en ai 2. Aucun, hein. C'est. Ouais, Super Mario Land 2, mais. Non, Super Mario Land 2. Super Mario Land, non, à la limite, mais Super Mario Land 2. Déjà, un gosse lui mettre une Game Boy entre les mains, aujourd'hui, c'est impossible quoi. J'aime, on jouait à la Game Boy. Enfin, moi, je jouais à la Game Boy quand j'étais plus jeune. Mais moi aussi, je jouais à la Game Boy. Mais. Donc, je veux dire. Nechiku, c'était il y a 17 ans. Bah oui, peut-être, peut-être, mais faut recontextualiser. Il y a un moment. Faut recontextualiser. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai. Détester Link's Awakening sur Game Boy parce que justement tu passais 25 millions d'années dans ton inventaire, là où la version Switch, alors oui la console a plus de boutons, j'en conviens, mais où justement tu as tous ces apports qui te permettent de profiter beaucoup plus graphiquement on parle quand même d'un jeu en monochrome noir et vert. En comparaison avec un jeu Switch, tu vois. Oui, mais là, fous, ça, je veux dire. Non, parce que quand même, aujourd'hui, le fait est que pour jouer à un jeu en monochrome noir et vert sur Game Boy, il y a beaucoup de gens que ça rebute. Oui, jouer mais moi, ça jeu... me rebute pas. Je, pour le coup, je oui, parle mais de moi. Toi, machin, mais ce que je veux dire, c'est que Paper Mario 2, le fait est que c'est un jeu GameCube qui quand même se tient en plus... Il a un côté quand même assez minimaliste, vu que bah, c'est un jeu en 3 où les éléments du décor sont en 3D, mais le côté carton excuse le fait que ça soit pas très bien modélisé, et les personnages sont en 2D. Donc pour le coup, c'est vraiment un jeu qui est vraiment minimaliste au niveau des graphismes, etc. Donc c'est un jeu qui tient encore le coup aujourd'hui, tu vois. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Paper Mario 1, ce qui n'est pas le cas d'un Link's Awakening sorti sur Game Boy. Et du coup, c'est vrai que bah moi, là où entre le remake de Link's Awakening et l'original, c'est impossible de ne pas faire la différence. Là, je me suis laissé avoir. Au début, on avait l'original, j'avais l'impression que c'était le remake. Tu vois. Alors peut-être que c'est parce que je suis pas très attentif au graphisme, mais je suis désolé, je trouve pas que le remake soit sensationnel au niveau des changements. Et autant graphisme, et les graphismes, c'est le seul truc qui l'a changé quasiment. Et quelques trucs d'ergonomie. Non, moi je considère que le jeu a fait très très bien son taf. Et moi, c'est ce que j'attendais du jeu. C'est la promesse qui a été faite du jeu. Il n'avait pas pour volonté de réinventer Paper Mario 2. Et il n'y a pas besoin de le... Voilà, il n'y a pas besoin de le réinventer. Et, moi, surtout, la question que du coup, là, je moi, j'ai considéré que le jeu répondait... cochait toutes les cases de ce que j'attendais de mon côté. Moi, en fait, pour moi, après, c'est peut-être ma vision du remake, et c'est vrai que c'est pour moi, si ton remake n'a rien à dire, et que le jeu original se tient encore la route aujourd'hui... Oui, pourquoi faire un remake ? Pourquoi faire un remake ? Ça n'a aucun intérêt. Après tu as le... Je veux dire, tu as le Switch, c'est ce qu'on disait sur l'épisode sur les remakes, t'as le Switch Online, où tu peux mettre des jeux GameCube si ça t'éclate. Tu peux même faire une compilation, tiens, en mode... Alors moi, je déteste ça, mais tu nous fais un Paper Mario All-Star, Paper Mario 1, 2, 3, voilà, c'est bon. Tu mets ça, tu vends ça 60 balles, tu mets ça 60 balles dans un truc, dans une boîte de jeux Switch, et vous le vendez. Voilà, il y a un moment, c'est bon, quoi. Est-ce que t'avais besoin de le remaker, le jeu ? Non. Tu pouvais juste le mettre en émulation, les gens y auraient très bien joué, quoi. Donc pour moi le remake n'avait aucun intérêt. Oui peut-être, et je trouve ça un peu dommage. Après tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais c'est vrai que moi qui ai fait l'original et le remake à peu de temps d'intervalle, j'ai même hésité à jouer au remake vu que j'avais joué à l'original quand même assez récemment. Ça a été un plaisir de jouer au remake, mais c'est vrai que j'aurais rejoué à l'original, j'aurais kiffé tout autant, quoi. Donc c'est vrai que... Est-ce que je peux proposer ma théorie ? Oui, désolé. Alors, de un, du coup, on a vite fait répondu à la question à quoi ça sert de moderniser un jeu. Pourquoi moderniser un jeu qui a pas mal vieilli ou même qui a pas vieilli tout court ? Mais moi, je me dis, est-ce que ce remake ne serait pas là pour essayer de se faire les armes pour un potentiel nouveau Paper Mario qui sortirait dans les années à venir ? C'est pas impossible, ça. Parce que mine de rien, Origami King, il a 4 ans. Et bon, mais d'un dire autre un Paper côté, Mario tous les 6 ans, non, mais à peu près, quoi. D'un autre côté, je trouve quand même que la direction artistique d'Origami King et de ce Paper Mario millénaire est un peu la référence de vous le vendez. Et un peu différente. Donc, je ne sais pas. Après, moi, peut-être qu'au niveau technique, effectivement. Et puis, on a eu cette équipe qui nous a fait Mario et Luigi Brothership, qui n'est pas encore sorti, mais... Peut-être qu'il y a des liens justement entre les deux équipes. Donc peut-être qu'il y a effectivement des préparations. Mais oui, on peut se poser la question légitime de se demander s'il n'y a pas une préparation de quelque chose. Après, Nintendo, généralement, ils préparent des remakes et ils les sortent un an et demi après les avoir faits. Bon, oui, mais tu vois, on est aussi sur un jeu. Il faut se dire que Paper Mario, ça a été la licence qui a longtemps cassé les couilles à Miyamoto parce que... Il y avait des persos qui n'étaient pas Mario. Parce qu'ils modifiaient des persos Mario. Et du coup, on peut en parler un petit peu. Là, remake Paper Mario 2, qui est quand même le... C'est pas celui qui a le plus de persos pas Mario. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Bah, parce que à part les persos de base, genre Mario, Luigi, Peach, Bowser, les Koopa classiques... Et voilà, il y a quand même beaucoup de tentatives de réinventer l'univers de Mario, ne serait-ce que par le truc qui te dit les Koopa verts ils sont gentils, les Koopa rouges c'est l'armée de Bowser. Non mais c'est surtout qu'en plus de ça, il y a un truc, c'est que je pense que ce qui posait problème avec Miyamoto, c'est pas vraiment qu'ils inventent des nouvelles races. Ce qui posait problème, et d'ailleurs quand ils ont fait le sondage post Paper Mario 2, c'est bien ce qui a été mis en avant, c'est... En fait, avant, ce qui avait été interdit un peu à Intelligent System quand ils ont fait du coup Sticker Star, Color Splash et Origami King, c'est que vous avez le droit de créer Peinturion, vous avez le droit de créer Colette, ouais. C'est ça ? Colette, ouais. Vous avez le droit de créer les Olivia et tout. Déjà, tu vois, dans Origami King, c'était limite. Parce que normalement, ce qui leur était interdit, c'est de changer. Un Koopa devait ressembler à un Koopa, un Goomba devait ressembler à un Goomba. On parle d'interdiction, c'est à mettre en perspective quand même. C'est flou, c'est opaque, c'est flou, on sait pas comment. Mais c'est flou, opaque, et en plus, c'est flou, t'es très loin. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, tu vois, par exemple, les développeurs de Paper Jam, qui est le pire Paper Mario, enfin, le pire Mario et Luigi qui a été inventé, apparemment. Le pire les deux. Hein. Le pire des deux mondes. Les équipes avaient carte blanche. Quand tu lis les interviews de développeurs, les équipes disent non, Miyamoto, il n'a pas été impliqué là-dedans, c'est nous qui avons décidé de. Tu vois ? Ah oui, c'est vous qui avez eu une mauvaise idée, du coup. Oui, mais le problème, c'est en fait, et c'est aussi un petit problème que j'ai des fois avec quand on me dit oui, mais regarde, les développeurs ont dit ça, c'est oui, mais les développeurs, ils ont une hiérarchie. Si leur hiérarchie leur a dit non, mais vous dites que c'est vous qui avez décidé, que c'est pas Miyamoto qui vous a dit que, bah les développeurs, ils sont bien obligés de dire ça en interview. Ça, bon, peut-être. Moi, me baser sur. On sait que Miyamoto a tendance, dans les licences qu'il a créées, Mario, Zelda, Metroid, entre guillemets, à être un gros casse-couille. À être un casse-couille, à avoir des idées bien conçues de ce qu'il faut faire, machin truc, et à aller voir les développeurs, à aller voir Aonuma chez Zelda, etc., et à vouloir imposer sa vision, et de fait est que, vu qu'il a une très grosse... Alors, c'était surtout plutôt dans les années 2010, on dit qu'il avait cette aura, mais il avait tellement une aura, et le mode de vie japonais fait tellement que quand t'es le créateur d'une œuvre, t'as carte blanche sur l'œuvre et tout ce qu'on dit, on doit le respecter, etc. Que du coup, c'était très dur d'aller contre Miyamoto. Et du coup, bah, je pense que les développeurs, tu vois, même il y a une notion de, même si consciemment on leur disait pas, vous êtes interdit de faire ça, si Miyamoto avait mis son veto, tu pouvais difficilement, dans la mentalité japonaise, te dire, le mec qui a créé la licence Mario a dit ça, je vais aller volontairement contre, tu vois. Et moi, je pense que c'est un truc, et qu'ils arrivent progressivement à se dire, parce que aussi Miyamoto, il a de moins en moins d'emprise aussi sur les licences qu'il a, parce que on s'est rendu compte que écouter Miyamoto, ça faisait pas forcément un succès. Oui, puis il devient vieux et il fait autre chose. Maintenant, il gère plus le côté. C'est comme Charles Martinet, il est Mario Ambassador. C'est ça, il gère les parcs d'attractions, il gère les films, voilà, il gère comment. Il gère la com. Exporter la liste. Il gère la com. Il gère la com. Bah non, mais c'est le cas, il fait de la com maintenant, Miyamoto. Miyamoto, le press relations de Nintendo. Mais c'est vrai. Et voilà, très sincèrement, je pense que... Je suis d'accord. Miyamoto sera le plus... le plus profitable à Nintendo en ne touchant surtout à aucun jeu vidéo et en faisant juste de la représentation en mode, regardez, c'est moi qui ai créé Mario. Mais s'il peut rester très loin d'un studio de développement, c'est l'idéal, hein. Mais ça se trouve, sur Paper Jam, peut-être que simplement le studio était moins imaginatif, peut-être, tu vois. Oui, je pense, à mon avis, si tu regardes les équipes de développement, tu dois encore avoir des gens qui n'ont pas bossé sur la série. Qu'est-ce que c'est nul, ces phases avec Bowser, je suis désolé. Celle-là est peut-être la moins bonne, mais... C'est vraiment la moins bien. En plus, ça me donne des flashbacks du Vietnam de... Oui, de Super Paper Mario. De Super Paper Mario. Mais vraiment, je trouve que là, les passages Super Bowser Bros, je trouve que c'est super. J'ai rien compris là, pourquoi il saute. Dans la logique du niveau, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. En fait, ces phases, c'est vraiment. Je pense qu'ils avaient envie de faire une espèce de parodie de Mario avec Bowser. Moi, je trouve qu'elle marche bien, cette parodie. Je suis pas très fan. Elle est marrante. Mais tu voulais dire un truc, Jay, désolé. Non, c'était Netchiko qui voulait dire un truc. Ah, c'était Netchiko qui voulait dire un truc. Je sais même plus de quoi on parlait, on a dérivé sur Paper Jam. Tu voulais qu'on arrête le sujet. Non, moi je disais. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il fallait dire. Ce que je disais, c'était. On parle de remake, tout ça, et même de. Moi je parlais de probablement faire ses armes pour un prochain Paper Mario. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, ce serait peut-être grâce à ça que peut-être que grâce à ce remake, on va peut-être arrêter d'avoir 80 000 Toads ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, alors c'est peut-être. Mais on rappelle quand même que ça a l'air avec Brothership qui arrive, ce sera le moyen de confirmer ou infirmer voilà, ça. Voilà, c'est ça, c'est l'épopée fraternelle qui nous dira si Nintendo est sur la bonne voie. Pour moi, ils le sont depuis quelques temps. Moi, j'ai envie de dire depuis Paper Mario vs Origami King, en fait. Vraiment, depuis Paper Mario vs Origami King, j'ai senti le truc à se dire ah, ça y est, ils aiment enfin Mario. Ils aiment enfin Mario à nouveau. C'est voilà. C'est alors certains oui, mais... diraient Super Mario Odyssey, mais je sais pas. J'ai non. du mal un petit peu à. Non. C'est non. Mais c'est le souci que beaucoup de gens ont dit quand ils ont joué à Game King, c'est Bombi, je crois qu'il s'appelle. Bobby. Non, Bobby. Non, pas Bombard. Bobby Kotick. Bobby, pardon. Bobby, il aurait été infiniment plus... Et j'adore ce perso, mais il aurait été infiniment plus mémorable s'il avait une gueule comme Bombard ou comme... j'ai oublié le nom de la bobombe dans le 1. Oui, bah, Bombinette. J'avais Bobbery, mais c'est le nom anglais de Bombard. C'est s'ils avaient pu lui mettre des signes distinctifs, je sais pas, une cicatrice, une machin, un truc, ça lui aurait donné de la personnalité. Non. Et ça l'aurait rendu encore plus mémorable. Le fait que ça soit une random bobombe, ça rend le perso moins mémorable. Ouais, mais l'écriture est bonne, mais moi, ce qui me dérange dans le personnage... ce qui me dérange dans le personnage, c'est qu'il apparaît trop tôt, il disparaît trop tôt, en fait. C'est j'aurais aimé que tu vois t'as pas le temps de tisser vraiment un lien avec lui qui aurait pu vraiment être une assez bonne relation. Il apparaît au premier ruban, il meurt au troisième. Hein. Il apparaît au deuxième ruban. Non. Il apparaît au deuxième ruban. Non, il apparaît au premier, au rouge. Du deuxième ruban. Non, il apparaît au rouge. Non, au jaune. Non, rouge. Il apparaît au rouge. Il apparaît où, rouge. Il apparaît dans l'élévateur pour aller au. À la forêt automnale. Oui, donc on le rencontre dans la zone. Oui, mais c'est à la liaison du coup entre la fin du chapitre 1 et le chapitre 2. Du non, coup. Mais non, on la rencontre au début du chapitre 1. Merde, j'ai pas le souvenir. Je sais plus si c'est tant au début que ça, mais moi j'ai souvenir que c'est au 1. Mais moi il me semble que c'est vraiment pas tant au début que ça. Pour mais moi, non, il fait... parce que la fin du chapitre 1, c'est avec Shogun Land et tout. Bah oui. Non, ça c'est chapitre 2. Non, le chapitre 1, c'est le chapitre 1. Non, la le, fin le du chapitre rouge, 1, c'est avec la boîte de crayons de couleur à la fin sur la tour. Oui. Mais c'est pas le chapitre 1, ça. C'est pas, il y a pas de ruban à la fin de ça. Si, c'est justement. Justement, c'est là où tu découvres les rubans. Non, il est détenu. Le chapitre 1, c'est le chapitre où le ruban rouge, il est détenu par une boîte de crayons de couleur. Je suis pas sûr parce que je me souviens. Regarde pas sur internet, thème... James, je t'assure pour le coup. Peut-être. Bon, bah, c'est, si tu... et le ruban et le ruban orange, du coup, c'est Shogun Land et le boss sur la scène de théâtre. Voilà. Peut-être. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est vrai que ce perso-là, mais du coup, pour moi, il apparaît assez tard, en fait. Oui, il apparaît assez tard, mais ce perso-là, de toute façon, il aurait été plus marquant s'il avait les attributs des persos comme on les a dans le jeu. Parce qu'en fait, les gens se souviennent aussi de tous les persos de la Porte Millénaire. Parce que déjà, c'est pas que des persos qu'on a... Meilleur personnage du jeu, les corbeaux, vraiment. Oui. Des Goombas, des Koopas... ouais, même il y a des nouveaux trucs, genre Yunanville, c'est un concept trop bien. Ah oui, c'est une trop ville cool, dans les nuages où il y a du catch. Je veux dire, Viviane, c'est un nouveau type de perso. Cumulia, c'est un nouveau type de perso. Là, tous les persos à Penocta, c'est une race qu'on n'a jamais vue. Les c'est Pounis. Trop cool d'avoir des trucs. Les Pounis. On les déteste. Voilà, c'est un nouveau truc. Mais même l'arbre avec les Pounis, les Pic-Pic et les araignées. C'est parce que, du coup, ils ont les araignées qu'on voit dans Mario 64. Les petites, là, dans Caverne Brumeuse. Elles sont là. Elles sont dans l'arbre avec les Pounis et les trucs. Donc ça lie en même temps des trucs qu'on n'a pas revus. Parce que les araignées, on les avait vus que dans Mario 64. Il n'y en avait pas les dans... Les cleft, je crois que ça n'existe que dans ces jeux-là aussi. Ça existe dans Paper Mario 1 aussi. Ouais, mais du coup, ça n'existe pas en dehors de Paper Mario 1. Et ça, tout ça, c'est des trucs qui... Je me suis arrêté au Pounis, tiens. Ah d'accord. Ils sont trois, à la fin il en restera qu'un. Oui, non, parce qu'on était on était dans la boucle en train de se battre sur Messi, c'est le début du chapitre 1. Mais c'est pas grave. L'épopée fraternelle sera, à mon avis, nous montrera s'ils ont pris des risques. Quoi. Peut-être un juge de paix. Mais moi, pour moi, ils sont sur la bonne voie. C'est dommage que ça soit un Mario Luigi. C'est dommage que ça soit un Mario Luigi. Non, j'ai dit Paper Mario. Non, non, non. Non, non, non, non, c'est Jem parce qu'il aime pas les Mario Luigi. J'aime pas les Mario Luigi, et du coup je... Écoute, peut-être que le prochain sera... Voilà. C'est, si on fait vraiment un épisode sur l'épopée fraternelle, bon, je serais un petit peu ronchon. Ou alors j'aurais kiffé le jeu, mais... Peut-être, on sait pas. Ou alors tu seras pas là. Je me... tu seras pas là. Je serai pas là. Non, mais on m'aura chassé déjà. C'est... Mais oui, il y a un truc. Et puis, faut pas oublier un truc, c'est que lorsqu'on a vu le premier trailer de Paper Mario La Porte Millénaire, c'est que le jeu tournait visiblement sur une interface. Alors, on ne sait pas si c'est l'interface de la Switch 2, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, sur une interface qui ne rappelait pas celle de la Switch en question, avec des boutons A, B, X et Y qui étaient colorés par rapport à la Switch habituellement. Oui, ah bon, je vous invite à revoir le trailer. Oui. J'ai pas fait gaffe. Vous verrez ça. Donc après, est-ce que c'est une modification ou autre, mais ça montre peut-être que le jeu tournait à l'époque sur la nouvelle console de Nintendo. On ne le saura pas, mais c'est une possibilité. Parlons des musiques. Ah, tu voulais parler des musiques, ok. Moi, je voulais demander votre chapitre préféré. Ah, moi, c'est Penocta. On vient de le quitter, Penocta. J'aime beaucoup Viviane. Oh putain, la vache, ah ouais. Ça, c'est une sacrée hot take quand même. Mais parce que moi, les allers-retours, c'est lié au scénar, les allers-retours, ça ne me dérange pas. Faut arrêter ce truc de. Je suis désolé, je te laisse parler après, Nechiku. De cette espèce d'obsession de se dire il est très fort ce badge. Oui. Cette obsession de se dire oh, surtout dans les jeux, faut pas d'allers-retours, faut pas que les joueurs soient obligés de faire plusieurs fois la même chose, etc. Si c'est important dans le gameplay, dans la narration, qu'il y ait des allers-retours, etc. Et pour Penocta, c'est important parce que c'est un chapitre où justement. J'ai remarqué que ça fait 33 minutes qu'il n'y a pas de musique. J'ai envie de crever. Tout va bien. C'est pas grave, on vous fera une acapella après. C'est pas grave, notre. Vous notre en aurez voix au montage. Est une musique. Vous en aurez au montage. Notre voix est une musique. Mais du coup, ça me. Dans Penocta, c'est important d'avoir des allers-retours parce que justement, Mario, il est perdu. Il a perdu son identité, etc. Il est que avec Viviane. Il essaye de trouver un moyen de battre Rumple. Il doit repasser plusieurs fois devant Rumple et fuir à chaque fois. Et justement, ça a un côté frustrant parce que du coup, t'es face à l'ennemi que tu veux abattre, mais t'as aucun moyen de. Oh, mais tu vois, au bout du deuxième, moi j'ai commencé à trouver ça très vite chiant. Et tu fuis, ça prend 2 secondes de fuir. Oui, plus, mais c'est chiant. En plus, t'as 100% de chance de. Non, mais c'est chiant, c'est l'animation de combat en mode. Oh, tu veux essayer de trouver mon prénom je... Oui, bah non, bah je vais mettre connard parce que j'ai pas assez. Non, bah, en oui, fait, mais en... je suis désolé, mais moi, il y a un moment, faut avoir aussi ce truc où. Des fois, un jeu, il a le droit d'être, de demander de faire plusieurs fois la même chose, des allers-retours, des machins et des trucs. Même si t'as l'impression que ça nique le rythme, au bout d'un moment, des fois, faut que t'aies un rythme un peu répétitif dans un jeu. Ça fait aussi partie des trucs, quoi. Et moi, je trouve ça frustrant que, forcément, si à un moment, il y a un rythme un peu moins soutenu, qu'il y a des allers-retours, on se doit vite, on doit corriger ça. Le joueur de maintenant, c'est impossible qu'il revienne en arrière. Oui, genre qu'il soit le truc obligé TikTok, de faire du backtracking, etc. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là je sors de Return to Monkey Island, donc point and click, et il y a typiquement ça, dans le sens où quand tu traverses une zone qui est très courte, hein, que tu peux parcourir en 10 secondes, et que tu requittes la zone pour revenir dedans, le jeu te téléporte près de l'entrée que tu mettrais juste 10 secondes à atteindre, quoi. Et c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport au fait que peut-être qu'aujourd'hui on en fait un petit peu trop avec le backtracking et que mais c'est dans l'air du temps, donc je sais pas. Je suis d'accord avec ta façon de voir les choses. Mais d'un autre côté, je suis obligé de me mettre vis-à-vis des gens qui aiment quand il y a un petit peu plus de rythme, ou en tout cas quand il y a un peu moins de cassures, un peu moins d'aller-retour, ou ce genre de choses-là. Mais je trouve remarque très très intéressante. Mais James, du coup, comment t'expliques que mon chapitre préféré, c'est le 7? Enfin, du coup, c'est pas le 7, mais le train, donc le 6. Pourquoi je devrais expliquer ton chapitre préféré? Bah non, mais parce que du coup, c'est, je dis j'aime pas les allers-retours de Penocta, mais pourtant le chapitre 6 c'est que ça. Mais moi j'ai, tu vois, moi j'ai moins aimé les retours dans le train. Mais moi, ah, moi j'ai trouvé, désolé, moi je, mais les peut-être parce que c'est l'ambiance, c'est peut-être parce que le c'est train, l'ambiance enquête, moi j'ai adoré. C'est ça. Moi le train je trouve ça plus frustrant, je trouve que l'enquête elle est un peu nulle dans le train. Oui, l'enquête est un peu naze. Oui. Mais elle est naze, mais c'est voulu qu'elle soit nulle. Oui, mais elle était, en fait le problème c'est que moi j'ai joué, moi j'ai fait celle de Paper Mario 1 et je trouvais l'enquête de Paper Mario plus intéressante en fait. C'est ça. Et en je sais plus, pas si tu te rappelles de l'enquête de Paper Mario 1, Jim. Bah moi, celle coup, avec j'ai, le pingouin qui. Oui, je sais, mais alors moi j'ai pas joué à Paper Mario 1, j'ai vu qu'un let's play, mais il me semble que l'enquête était sympa. Non, mais le tout premier, du coup. Tu y as joué là, le tout premier? Quand je dis Paper non, Paper Mario. Oui, Paper Mario 1, oui, pardon, oui. Oui, c'est, du coup, je me souviens du pingouin. Donc, mais moi je trouve ça super drôle parce que tu enquêtes dans la ville, puis au final, il se passe rien, tu vois. C'est, en fait, c'est, je sais pas, moi je trouve que il y a peut-être pas assez d'interaction, ou c'est peut-être pas assez bien mis en scène, je sais pas. Ce chapitre, j'ai eu un petit peu de mal. Je sais pas, moi je trouve est-ce que c'est la mise en scène et l'écriture qui fait passer la pilule, c'est conçu ainsi, quoi. Bah, de quoi, pour le chapitre du train. Moi je trouve que le train, l'ambiance, le... j'aime bien le chapitre du train, j'aime bien les chapitres des trains dans les jeux vidéo. Il est bizarrement géré parce qu'en plus t'as l'arrêt à la gare au milieu qui du coup fait un donjon un peu bizarre. Alors ouais, non, ça par contre, j'avais pas compris. T'as vraiment l'impression que c'était le sujet du chapitre, ensuite t'as le passage. En fait, moi j'aurais aimé limite que tout le chapitre soit dans le temple parce que pour le coup le temple est très très cool. Mais, on y reste 5 minutes. Ça, je suis d'accord avec toi. Et le chapitre de la gare, je m'attendais aussi à mieux. Après, bon, le coucher de soleil est magnifique. C'est un très très beau panorama. Oui. Mais je ne suis pas sûr qu'il serve vraiment à grand chose. Après, pense qu'ils pas je, d'idée. Moi, je, en fait, ils le sont problème, dit, on va faire un arrêt à la gare. Le problème du chapitre du train, c'est qu'il parle beaucoup du coq à l'âne. Je pense que c'est son plus gros souci. En fait. Je pense que les développeurs étaient en mode. Les gars, le train, à un moment donné, il arrive dans 3 jours, donc faut trouver un truc au milieu, parce que sinon, notre chapitre, il est fini. Bah, on a qu'à mettre une phase un peu nulle, où on s'arrête à une gare et on n'a pas la clé. Bah ouais, mais il y a le truc... Ouais, mais il y a l'enquête avec le mec qui est mort, il y a le petit... bon, alors, c'est grossophobe, mais t'as le truc avec le gros Todd qui a mangé... Nul, oui. Ce passage avec le Todd qui a mangé, pas, c'est moi, mais je sais pas, moi, j'aime bien... Je sais pas expliquer pourquoi j'aime bien, mais je l'aime bien. C'est très bien si t'aimes bien, mais moi, le chapitre du train, je trouve... C'est vraiment le moins bon, je pense. Il me fait rire et puis même il est sympa. Ah moi je les trouve pour le coup je l'ai trouvé un peu long sur la fin. Ouais, les Pounis c'est les Pounis c'est mais souvent celui qui revient comme le moins bon. En vrai dans mes chapitres préférés, je sais pas si tu considères ça comme un chapitre. Mais la porte millénaire, à l'intérieur de la porte millénaire, avec bah les oui. énigmes... Oui, c'est le chapitre 8. Ah, moi, je trouve ça à chier. Moi, je trouve ça c'est excessivement quoi, déjà, nul. Je trouve que les énigmes sont très bien branlées. Je trouve ça très cool. Le fait avec le faux... Dans les... Ouais, c'est ça. Le truc avec le faux Gumstein et ça, tout. Ça, c'est très non, bien, moi, ouais. Je trouve ça vraiment cool. Mais je sais pas, moi, les énigmes avec les étoiles et tout, non. Il y a un truc que j'ai trouvé naze à cet endroit, c'est le moment où tu dois aller dans la tour au centre, qui sert juste à révéler un escalier qui est juste dans une salle que t'as déjà traversée. Non, mais t'as aimé les petites énigmes? Ouais, mais elles sont un peu trop superflues, en fait. Elles sont un peu aux F, hein. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment aux F. Elles font un peu rajouter pour rien, je trouve. Mais l'ambiance est cool et il y a quelques retournements qui sont sympas. L'île trop atroce, j'aurais bien aimé l'île trop atroce. Mais ça aurait pas, été vachement ça aurait été vachement ironique. Il y a un truc, il y a un truc qui clique pas sur ce lieu, quoi. Moi, moi, la cave me saoule. Vraiment. Bah moi, c'est un peu le début du chapitre qui me saoule. Oh le genre avec le voyage en bateau et le début. Non, où le t'es voyage dehors. En bateau est très cool, mais lorsque tu dehors, atterris sur l'île, je sais pas, tu traverses 3 trucs de cartes et je sais pas, je trouve ça un peu plat. Ouais. Je sais pas. Moi, je. C'est pas ma partie préférée, mais je trouve que ça se fait, et je trouve que ça se fait même mieux dans le remake, parce qu'ils ont rajouté un petit truc pour aller un peu plus vite. Mais moi non, je trouve. Bah ils ont rajouté un petit bumper dans l'une des cartes où tu dois, avant tu devais taper tout le tour avec Psy Yoshi, passer un truc, remonter. L'endroit juste avant le gros pont de bois avec en fond le cocotier où tu dois y aller. C'est l'écran juste avant. Ah oui, d'accord. Et ils ont rajouté un petit ressort pour te propulser directement. Ah oui, d'accord, oui. Ok, ça y est, je viens de capter enfin le truc. Mais non, je sais pas, ce chapitre, il est un peu... Je sais pas, un peu... Je sais pas, en fait. Mais je par contre, c'est peut-être la j'adore Cortez. J'adore Cortez. Cortez, le boss, ouais. Ouais, je... Non, mais même en tant que perso, genre, j'adore Cortez. Moi j'aime bien Marco. Ah ouais putain, Marco, t'es... Moi j'aime bien aussi Marco. Il me fait beaucoup rire. Mais en fait j'aime bien son côté désabusé, mais vraiment très bourge, très macroniste. C'est vraiment un macroniste. C'est quand t'as les pyramides. Moi je trouve que le perso, ou pareil, le moment où il dit qui doit y aller, on soumet ça au vote. Tout le monde le bolos. C'est très drôle parce que le mec est toujours en train. Tu sens que c'est un peu une critique de la bourgeoisie, le mec. Cortez, bah c'est une critique des colons, je pense aussi, parce que t'as le truc où il est en mode regardez, c'est le joyau, c'est ma famille, et t'as Cortez qui est en mode bah, frère, si tu parles, c'est à moi. Oui, c'est un voleur. Du coup, je sais pas, je trouve le perso très très bien écrit. C'est pour ça que Tropatros, ça va. Le chapitre, il y a Bombard qui a une backstory incroyable. Bombard, putain, quel perso de fou! Mais ça, c'est un truc qu'elle aussi. Elle est pas creusée, sa backstory. Non, je suis pas d'accord. C'est peut-être un truc que j'ai un problème, c'est que je trouve qu'il y a des persos qui ont des super backstories. Super backstory, et d'autres qui ont des backstories à chier. Ouais, Viviane, Bombard. Même Cumulia. Je trouve qu'elle a une backstory qui est sympa. Non, avec. Cumulia, elle est intéressante, mais elle est pas assez travaillée. Elle est pas trouve. Assez développée. Tu comprends pas pourquoi elle quitte la scène. Je pense que ça aurait. Tu vois, je pensais à Yunnanville. Je me suis dit, tiens, c'est un endroit un peu festif et autre. Il y aurait peut-être moyen de rencontrer un personnage qui nous permette d'en apprendre plus, ou elle-même qui nous dit « Oh tiens, ça me rappelle des souvenirs et tout. » Mais non, ça va pas plus loin. Et c'est dommage, parce que des personnages comme ça, on n'en a pas beaucoup dans le jeu vidéo, même en général. En vrai. Ouais, même, les persos un peu de diva et tout. Tu vois, Coupec, c'est sympa, tu vois. Genre, le côté où c'est un perso qui a... Bon, c'est classique, mais un perso qui a pas trop confiance en lui, etc., qui veut partir, il pense que son père est mort, etc. Ouais, mais puis en plus, par contre, le coup de il lit une lettre, et en vrai, au début, ça fait peur, hein. Genre, tu lis le truc, il est vraiment mon père, il est mort, et à la fin, en fait, c'est pas lui. Tu genre, en vrai, c'est horrible. Ce qui est encore pire, parce que, en fait, bon, je sais pas si c'est encore pire, mais c'est le père de Colorado que tu vois dans le 1, donc c'est oui. même pas... Oui, c'est le daron. C'est même pas du... genre un random mec. C'est même pas un. Oui, c'est pas un full random non plus. Et le mec est en mode oh, mais chill, en fait, c'est pas mon père. Ah, mais ça va, c'est pas mon père en fait, tranquille. Ça, il est pas mort. Champagne. Mais du coup. C'est. Ouais, Goumeli, Cumulia, Carmina. Tout ça, c'est. Petit Yoshi, c'est des persos, ils ont pas de backstory. Ouais, mais. Mais Petit Yoshi, sa backstory, c'est littéralement. Il est né il y a 2 minutes, frère. Oui, t'abuses. Non, mais je sais. Non, mais on aurait pu peut-être avoir un lieu, tu vois, sur l'île Tropatros, ou même tout simplement la mafia qui vend des œufs, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a pas de Yoshi dans ce jeu. Genre, hormis Psy Yoshi, il y a pas de Yoshi. Savoir comment un œuf de Yoshi s'est retrouvé dans un stand hot dog, tu vois. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Non, mais attendez, c'est une vraie question que je pose. Il y a pas de Yoshi dans ce jeu. Si, il y en a, mais je sais plus où. Je sais qu'il y a un sprite de Yoshi, genre, j'en suis sûr. Mais je sais pas s'il non, y a des Yoshi. Je suis sûr qu'il y a un Yoshi, mais je sais plus où il est. Je vais chercher ça. Aidez-nous. Paper Mario TTYD Yoshi. Non, mais pas coup, Yoshi voilà, Kid, du que, coup. Je trouve que les persos, en termes de charisme et tout, tu vois, Goumeli, c'est dommage. Mais après, il lui donne un peu un truc. C'est quand même fou ce côté. Alors, je sais pas si c'était voulu ou si c'est une dérive du jeu, de l'écriture des persos, mais c'est fou comment c'est quoi? C'est un hexagone amoureux, le truc? C'est. Attends, c'est parce que c'est. Genre, Cumulia. C'est Viviane veut pécho Mario, Cumulia veut pécho Mario, Goumeli veut pécho Mario, Carmina veut pécho Mario. C'est une folie, genre. Mario le tombeur! Mais je pense que c'est fait exprès, parce que bon, déjà, t'as tout le truc où il se fait embrasser à chaque fois, et il y a non le mais côté. Les développeurs... Et il y a le côté où à la fin, t'as genre Viviane qui dit genre à Mario. Oh, j'aimerais te dire un truc, et après elle dit ah non, en fait vous formez un beau couple avec Peach, etc. Oui, non mais c'est osé pour un jeu pour enfants, tu vois, t'es en mode bon bah autre, c'est te rappelle que du coup canoniquement Mario à l'envers, en canoniquement vrai. Mario a failli sortir avec une fille trans, du coup let's go, ça c'est let's go, ouais, faut le tweeter ça, ouais. Alors c'est le pro Mario. Alors, dit trans right comme d'hab. C'est un autre truc que je reprocherais peut-être au remake, c'est que du coup, alors je pense que c'était pour paraître moins transphobe, mais du coup, ironiquement, du coup, ça passe plus inaperçu. C'est le côté, vu que du coup, maintenant, Marjolaine n'est plus transphobe, je pense, pour expliquer le fait que Viviane retourne avec ses sœurs à la fin dans l'épilogue, bah du coup, c'est moins clair que c'est une meuf trans, je trouve. Je sais pas, je trouve quand même que c'est assez clair. Elle le dit une fois, en fait elle le dit une fois explicitement, elle dit ouais, ça m'a pris du temps elle à le dit une fois explicitement. Que j'étais pas leur frère, mais que j'étais leur sœur. C'est vrai qu'il y a un espèce de redemption arc des trois sœurs. Ouais, il y a un peu ce côté dommage. Je trouvais ça important de montrer un petit peu, même le fait que Goumeli soit un peu en mode ah en fait c'est un garçon machin truc, etc. Je sais pas, ça montrait un peu une évolution des persos et tout, etc. Mais je trouve ça fou voir qu'on ait eu un perso trans Viviane, comme ça en 2004 sur un jeu Mario. C'est ça. Vraiment, que le perso, que bah c'est un peu triste poil, mais que le perso prenne un peu cher pour qu'on soit en mode bah genre ok, tu vois, c'est le perso, on va lui permettre. Non, puis même ça montre qu'elles sont vraiment méchantes. C'est ça, d'être dans un truc où. Et ça montre qu'être transphobe, du coup, c'est débile et c'est méchant et c'est être une merde. Est-ce que tu vois, genre, Comélie, genre, la mégenre quand c'est. Quand elle est du côté de l'Obscur Trio, tu vois. Mais après, bah, genre, elle est acceptée, etc. C'est considéré comme étant une meuf et tout, machin. Et je trouve que le fait d'enlever. Alors, je sais pas si vraiment c'est pour éviter que ça trigger des gens ou quoi, mais je trouve que c'est important d'écrire un personnage trans aussi dans le rapport à la transphobie, parce que c'est aussi un truc qui est. Bah, je pense que c'est un truc de société, hein. Tu peux en témoigner. Oui. Ça fait partie aussi de l'expérience d'une personne trans de subir la transphobie, tu vois. Et donc je pense que c'est aussi important de montrer que bah, ses sœurs l'acceptent pas, lui disent encore ah t'es pas notre sœur, t'es notre frère, etc. Pour que quand elle passe aux côtés de Mario, etc. On comprenne vraiment que bah c'est parce qu'elle se met avec quelqu'un qui l'accepte, quoi. Et je trouvais que c'était important, quoi. C'est ouais, un truc mais. Au moins ils ont pas enlevé le côté personnage trans dans le remake, mais c'est vrai que j'aurais préféré. Je préfère l'écriture de l'original de cette question-là. Après, ouais, je sais pas, il y a tellement d'enjeux dans ces questions. Ils se sont dit peut-être qu'on va jouer la carte la plus. Comment dire. Celle qui Et non, convient, du coup, il n'y a pas de Yoshi dans ce jeu de con. Qui convient au plus de personnes sans choquer les gens ou autres. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être eu plus d'impact que ce soit abordé de cette manière. Mais déjà, c'est cool qu'ils aient gardé ça. Oui. Parce qu'ils auraient pu ne pas le faire. Alors, je pense que ça aurait fait scandale s'ils ne l'avaient pas gardé. Ça aurait fait scandale, mais en même temps, ils auraient pu s'en battre les couilles. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans une haine transphobe globale qu'en fait, c'est limite si. S'il n'y aurait pas eu des gens, la grande majorité des gens n'auraient pas juste sucé Nintendo en mode « Oh, regardez, globe, Nintendo n'est pas woke !» Nintendo résiste au woke. Après, c'est surtout que, pour le coup, ça, on peut les défendre sur ce point-là. Je crois qu'ils ont rajouté le fait que c'est un personnage trans, même dans la version américaine. Oui, ils ont lissé tout ça. Ils ont lissé tout ça, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont uniformisé la traduction. Mais c'est bien, ça change, on a Métaphore Rifantasio qui sort dans pas longtemps, qui veut aussi aborder les questions comme ça. sociétal. Alors je sais pas s'il abordera l'homophobie ou la transphobie ou en tout cas l'homosexualité ou, ça serait bien. Ou le fait d'être trans. C'est en tout... ils veulent explorer des thèmes en tout cas d'actualité. Peut-être que ça fera partie de ces thèmes, mais on sent que c'est des choses qui commencent à prendre qui commencent à prendre vapeur. Les développeurs, les développeuses, surtout les développeurs pour le coup parce qu'on est au Japon, commencent vraiment à s'intéresser à cette question là. Donc c'est cool. C'est on fait un pas en avant. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Oui, les musiques. Du coup, Nechiku, vous voulez parler ah, des musiques. Ah, les musiques. Bah, c'est Jen qui voulait parler des musiques. Elles sont trop cool. Oui, elles sont fantastiques. Ouais. Non, elles sont vraiment trop bien. Elles ont une vibe, je pense que du coup, c'est ce que tu disais par Origami rapport à King. Extrêmement Origami King. La musique de combat du donjon des 100 étages, que du coup, tu entends beaucoup, forcément. Surtout comme moi, t'es un débile et que tu le fais 4 fois. Du coup, elle fait très très Origami King. La musique de Boue Atomique. Je sais pas si tu peux la mettre, Jay, si elle est déjà disponible. Laquelle? La musique de... La musique de combat du donjon des 100 étages. Oh putain, ah ouais, tu m'en demandes beaucoup là. La musique de Boue Atomique. Moi, c'est vraiment ce combat qui m'a fait dire ah oui, ok, c'est l'équipe. Alors j'ai de... Lower Level. Ah oui, non, ça c'est juste le... Non. Non, c'est... J'ai pas... Non, j'ai pas la musique de combat, j'ai que le... Ah, dommage. Essaye Atomic Boo, est-ce que tu peux l'avoir? Attends, Pit of 100 Trial. Non, moi j'ai ça. Je vais chercher Atomic Boo. Atomic Boo Team. Voilà. Ils sont peut-être un peu plus répétitifs que dans Origami King. Mais même il y a les moins aussi. Et quel bonheur de les écouter, quel bonheur de... Tu vois, elle fait peut-être plus Color Splash que Origami King. Ouais. J'ai pas joué à Color Splash, mais je t'avoue que moi, quand je l'ai écouté, j'ai fait... Ça me rappelle quand même beaucoup... Mais c'est vrai que du coup, moi, je trouve la bande-son excellente. Alors déjà que la bande-son de base du jeu était puis très, ont... très bonne. Mais tous les accords qu'ils ont fait un thème... truc... Ils ont fait un truc le de thème fou de aussi. Très, très bien. Non, même, ils ont fait un truc de fou, c'est qu'ils ont fait des musiques évolutives. Genre, ça, c'est la musique du combat du chapitre 6, du coup, du train. Elle est trop bien. Oui, c'est vrai, il y a des musiques évolutives. C'est vrai que, du coup, ils ont fait ce truc qu'ils avaient déjà fait dans Royal Rumble, et que je pense que tout le monde a dit était une bonne idée, du coup, ils l'ont refait. Ce côté d'avoir la musique de combat qui change à chaque zone, quoi. C'est trop cool. Elle est trop bien, genre... C'est vrai qu'à la fin des RPG, on a un peu marre de la musique de combat. Du coup, c'est vrai qu'à faire changer à chaque zone, c'est vraiment une super idée. Mm-mm. Et puis en plus, ils les ont adaptés, mais de façon vraiment, vraiment formidable. Genre la zone. Moi, je sais que l'une des musiques de zone que j'aime beaucoup, c'est la musique du truc de la comment on appelle ça, la base méga Cruxy. Où c'est très électro, un peu chelou et tout. Et quand tu lances le combat, c'est un peu bizarre. Et là, du coup, bah ils ont avec la musique, ça choque moins en fait. C'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment bien parce que c'est vrai que bon, dans l'original, avoir tout le temps la même musique, c'était un peu chiant. Même dans les jeux genre Color Splash, la musique de combat de Color Splash est incroyable, mais c'est vrai que bon. Ouais, bon, à la longue, ça saoule quoi. C'est chiant, et c'est vrai que là, du coup, avoir des musiques qui changent en fonction des environnements, c'est vraiment trop cool. Oui, surtout puis surtout celle des arènes. Celle des arènes aussi. Ça fait plaisir. Parce que. Les arènes, à force d'entendre le. Avec la vieille trompette. Bon. Incroyable imitation de la trompette. Hein. Bravo. Bon. Ah, du Kazoo, ouais, Kazoo, c'est ouais, un peu Kazoo. Ça ressemble même plus bon, à Kazoo. Un peu lourd quand on a 30 ou 20 à faire. 20, je crois. Ouais, 20. On a 20 à faire, bon, lourd. Surtout, je sais pas si vous avez eu le courage, mais moi je l'ai refait pour après être à nouveau top. Oui, moi je l'ai refait. Non, moi je l'ai refait évidemment. Moi je suis pas un fou, hein. Je suis pas comme vous. Mais je voulais vous poser la question, du coup, est-ce que vous avez fini le remake à 100% ou pas? Ouais. Non. Ouais. Non, moi, non, je... Bah déjà, toi t'as pas eu Carmina, donc bon. Bon bah voilà. Ça paraît compliqué de finir le jeu à 100%. J'ai fait quelques quêtes, j'ai fait quelques petits trucs, mais j'ai pas poussé plus loin, quoi. Cette émission est tellement réussie qu'elle me saoule comme dans le vrai jeu. J'ai juste fait le jeu en long et c'est tout. En long et pas en large. Mais moi je suis pas quelqu'un qui complète les jeux. C'est rare. Je l'avais pas fait pour la première fois que j'avais fait le jeu, donc je me suis dit là c'est l'occasion de le finir à 100%. Il est pas excessivement long, ça m'a pris une cinquantaine d'heures. Ah oui, mais c'est à long, hein, 50 heures, mon bon monsieur. Bah pour un 100% ça va. Oui. Pour un 100% de RPG ça va. Honnêtement. Moi je sais qu'un truc qui m'a fait plaisir aussi dans le remake, même si ça va sonner con, mais c'est le langage Banjo-Kazooie. Ah, les persos parlent. Quand les persos parlent et que ça fait genre que Luigi ça fait. Et bizarrement. Oui, en mode Banjo-Kazooie. Oui. Bizarrement, lorsque c'est Paper Mario et la porte millénaire ou je ne sais pas quoi, ça ne dérange pas les gens. Je ne comprends pas pourquoi. C'est moi, c'est qui me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça. Ouais, ça, alors. Ça te dérange. Mais bizarrement, dans ce jeu, personne n'en a parlé. Non, moi j'aime, beaucoup, je trouve ça vraiment cool. Bah, moi aussi. En fait, le jeu est tellement encensé que je pense que les gens ont un peu un biais qui font qu'ils nous pardonnent beaucoup de choses. Ouais. Ouais, mais. Moi, je trouve ça très bien. Pour l'immersion, je trouve ça vraiment cool. Il faut être un peu cohérent de temps en temps quand même. Et moi, personnellement, je suis encore désolé, mais je trouve ça mieux que l'espèce de parler de Mario Luigi. T'as pas, Ah ouais, non mais ça c'est. Ridicule. Moi j'adore le Mario Gibberish. Ridicule, je suis désolé, mais. Ah moi je préfère les sons à la Banjo-Kazooie, clairement. Ça a son. Je peux pas dire ça a son charme, mais c'est... Ça a son charme. Quand t'as bien aimé les Mario Luigi, quand t'es petit, t'aimes bien ça, mais moi je trouve ça extrêmement ridicule. Mais du coup, tu n'as pas fait les. T'as pas fait les boss secrets du coup, Nechiko. Non. J'en ai fait un. Lequel? Boîte atomique, parce que je suis tombé dessus. Ah, oui, mais. C'est un boss secret. Bah, c'est un boss optionnel. Un boss optionnel. Bah, je sais pas si c'est un boss secret, mais en tout cas, il est optionnel. Je savais même pas qu'il était optionnel. Dans le remake, j'ai un doute s'il est optionnel, mais dans le jeu de base, il l'est. Non, mais même dans le remake, il est optionnel parce que moi, je l'ai battu avec Dark Mario et Viviane. Ah oui, putain, ah oui. Oh la galère. Non, ça va. Ah oui, la galère. Si, la galère. Le bois atomique de moment il faisait mal avec le double dégâts aussi. Hein. Il tape fort. L'attaque où il t'envoie plein de boules dans la gueule. Pas, là. Voilà, je jouais pas en double dégâts. Mais j'ai eu une petite sueur froide, mais c'est passé. Donc ça va. Mais du coup, ouais, en gros, pour dire, ils ont rajouté des boss secrets que honnêtement. Alors bon, c'est peut-être parce que encore une fois, Bug Fables est passé par là et que dans Bug Fables il y a 40 boss secrets. Donc bon, forcément, dans les 40, il y en a des très très très très bons. Mais il y a Dark Toaster, je pense fallait le rajouter parce que c'est vrai que c'était bizarre que tu puisses pas l'affronter. On dit qu'il y a un champion super fort et que tu peux pas affronter dans le jeu, c'est un peu bizarre. Ouais, mais il est à la retraite, tu vois, donc entre guillemets, bon, ça se comprenait. Mais sa mécanique est bizarre. En fait, il a une mécanique où en gros, s'il lui reste plus de 20 PV mais moins de 30 ou 40, je sais plus. Il se met dans une position où il bloque tout et t'es obligé de le contrer pour lui faire des dégâts. C'est complètement débile. Moi, j'ai trouvé ça nul à chier. Moi, j'ai bien aimé, mais probablement parce que je savais faire des contres. Bah, c'est ça, parce que moi, je n'ai jamais réussi à faire mais des contres. Mais comment on fait des contres? B, bah, avec un bon timing. Ah, mais c'est B? C'est B? Alors. Mais moi, je croyais que c'était avec A. Pour moi, c'était comme mais B. Oui. Mais. Mais vous avez même pas d'excuses, il y a un mec qui vous explique comment jouer au combat dans le jeu. Mais moi je suis un pro gamer. Ce que je me disais mais c'est bizarre, je veux dire statistiquement au hasard, je vais forcément contrer au moins une fois. Je me disais c'est pas possible. Mais vous êtes moi je me suis dit Je me suis dit, mais attends, il y a peut-être un badge que j'ai pas trouvé qui me permet de bloquer, en fait. Mais non, pour moi, je croyais que tu bloquais, et si tu bloquais vraiment dans un bon timing, ça faisait un contre. Mais vous avez pas revu, vous avez pas fait le tuto de Goomstein en début de jeu. Mais si, mais non, mais il te montre pas le contre. Mais si, bloquer le contre. Non, mais non, je te jure. Si tu dois contrer Goomelli, il y a même un truc où il y a. Je t'assure que non. Je vais te prouver que si. Mais moi, je pense en fait que c'est pas Goomstein. C'est le mec. Après le nénuphar de Jem sur TOTK, j'ai aucun souvenir du nénuphar sur TOTK. C'était quoi, Nidox? C'est le fait que tu t'écrases comme un flan sur le nénuphar. Ah oui, tu t'es écrasé comme une merde sur le premier nénuphar du jeu. Mais je pense que c'est le mec. Je suis désolé. Non, mais je suis au niveau du mec qui n'arrivait pas à passer le tuto de Cuphead. Hein, mais je suis désolé. Mais non, mais c'est le. Tu sais, c'est le mec de karaté là. Je pense que c'est lui qui t'explique ça. Non, il te réexplique lui. Non, je peux. Là. Non, je t'assure pour le coup. Comment il s'appelle Goomstein en anglais déjà? J'ai oublié son nom. Mince. Goomstein. C'est prof. Frankly. Oh. Voilà. Ouais. C'est Frankly. Oh mon dieu. D'accord, c'est B. Hein, d'accord. C'est B, mais d'accord, mais il y a un océan de possibilités qui s'ouvre à nous du coup. Attendez, non, mais je vais vous chercher ça parce que c'est quand même un putain de scandale. Enfin. Ah oui, j'avais bon, rebondi. En attendant, on a fini le jeu sans. Oui, ben, j'aime encore plus parce qu'il l'a fait. J'ai fini le jeu à 100% avec le double dégâts en savant. D'accord. Bon bah ça va. C'est bon. Vous ok. Le jeu est 13. Ok. Vous allez voir. Non, c'est. Vous allez voir. Attention! Attends, oh là là! Mais regardez! Il vous apprend! Non! B! B! Regarde! Tu vas essayer la su. Vas-y, essaye d'attaquer. Goomelli, attaque Mario. Voilà. Okay. B, la super, la super non, garde, le contre. Mais non, mais parce que je crois que tu peux lui dire non! Mais oui! Je lui ai dit non du coup. Bah moi je lui ai dit non. Mais du coup venez pas vous plaindre que c'est mal fait si vous n'écoutez pas les tutos du jeu. Moi je suis pas plaint que c'est non, mal fait. Non, je me suis pas plaint que c'est mal fait. J'ai dit et on est cool. Mais c'est une réalité. En plus c'est vraiment genre. Tu vois, il te dit oups, tu as raté, essaie d'appuyer non, sur coup, B avec un timing coup, plus. Jamais, mais du coup j'ai pas vu ça. C'est même moi qui ai fait le jeu 10 fois, je vous jure, j'ai fait le tuto. Oui, mais nous, on est des pro-gamers, on n'a pas besoin de tuto. Bah, visiblement, pas trop, du coup. Mais tu sais quoi? En plus, je suis allé voir le mec de karaté, parce qu'en fait, t'as un indique qui est que dans le mec du karaté. Oui. Donc, j'étais obligé d'aller le voir, mais j'ai oui. quand même pas pensé à regarder mais pour la super garde. C'est fou. Mais bon bref, du coup j'étais en mode bah moi j'arrivais pas à contrer Dark Toaster du coup pour les raisons qu'on vient d'exposer. Et du coup j'étais en mode mais c'est trop nul, genre j'ai jamais eu besoin de tout le jeu, même en ayant le double dégât de contrer, tu vois. Donc là c'est trop chiant pour faire des dégâts à un boss, et même si je savais faire le contre, du coup, je trouve que c'est une mécanique un peu guess quoi. Du coup, je me suis retrouvé à faire quoi? Je me suis retrouvé à me booster à plus 16 pour faire un super rebond one shot. Ah bah oui, j'aime qui a utilisé le brute force. Et en fait, bah oui, mais en fait c'est ça le souci. Le waka, pareil, le waka qui est censé être dur, etc. Bah le waka, en fait t'as juste à ouais, faire. Ouais, le waka, c'est une vanne. Te booster à l'infini, tu le one shot. Mm-mm. Et c'est triste parce que les boss de Boy Famous, t'en avais aucun que tu pouvais passer comme ça. Mm-mm. Bah parce qu'ils avaient tous des petites combines. T'avais des combos de badge où effectivement tu leur faisais 32 dégâts d'un coup, etc. Mais fallait la chercher un peu, c'était des combos précis et tout. T'avais pas juste une arnaque en mode je me booste à l'infini et après je le one shot, tu vois. Et du coup c'est vrai que tu perds un peu l'intérêt d'avoir de... Y'a déjà des mods sur le remake. Ah sérieux? Bah y'a un mode, attendez je vous le montre vite fait, je le mets en fond, voilà, parce que c'est rigolo, mais y'a un mode qui remplace Mario par Luigi, voilà. Et du coup, alors déjà moi je trouve ça chiant que pour le Waka tu seras obligé de te retaper 50 étages, ça c'est trop chiant. Comment ça 50? Parce que tu peux passer de 1 à 50. C'est ça, parce que t'as un mec qui te met, qui te permet de passer à 50 étages. Ah, parce que moi j'ai refait les 100, hein. Bah voilà, et il nous traite de, il nous traite de cons, hein. C'est une dingue. Mais moi j'ai refait les 100. T'as pas vu qu'il y avait littéralement un passeur avec le sprite de passeur qui avait pop à côté du tuyau? Vraiment, vraiment, il y en a 3, 0 sur 20. Oh les bolos. Bon, allez, je vous l'accorde. Voilà. Non mais, non, parce qu'il faut que je vous raconte mes péripéties avec le Waka quand même. Parce que le Waka, qu'est-ce qui se passe donc? Je finis le donjon descend. Je me dis, bon, je parle au passeur et je me dis, bon bah je refais 50 étages, donc je descends tout en bas et je vois qu'il n'y a plus personne. Et je vois qu'il y a personne, il y a pas le Waka. Et je me dis, oh putain, merde, j'ai oublié de le taper à l'infini pour qu'il pop. Donc du coup, je reviens à l'Ultra-Patros. Parce que voilà, du coup, tu dois. C'est ça. Bah, faut tu le, dois taper le taper. Et en plus, fois, il donne un objet, il donne une boss Waka. Voilà. Oui, c'est, il donne une boss Waka dorée. Et du coup, je l'ai. Donc là, je le tape à l'Ultra-Patros jusqu'à ce qu'il repop pas. Et là, je retourne au donjon descend. Je descends les 50 étages. Là, je me dis, putain, il est toujours pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il fallait attendre que tu reçoives un mail. Du coup, je remonte en haut, et au moment, je vous jure, au moment précis, parce que sur tout le chemin pour aller de l'Ultra-Patros jusqu'au tuyau du donjon des sangs, le mail n'est pas apparu, je sors du donjon des sangs, au moment précis où je sors, je reçois le mail. J'étais en mode... Donc j'ai redescendu encore 50 étages, et là j'ai affronté le Waka. Tout ça pour le one-shot. Putain... Incroyable. Non, ça valait pas le coup. Hein. Mais au moins j'ai mon badge pour être Mario doré. Ça va. Je pourrais me la péter. Mais en vrai, la mécanique du Waka est pas mal. C'est encore plus. Ouais, elle est rigolote, mais elle est. C'est encore plus triste que tu puisses le one shot du coup. C'est. En gros, il fait spawner, ouais. Il fait spawner des boss Waka qui te soignent et d'autres qui te tapent. C'est ça, je crois. Absolument. Non, en gros, il fait spawn des boss Waka qui le soignent. Oui. Et en gros, à chaque fois que tu le tapes, il en fait spawn une et il tape avec ses boss Waka. Mais du coup, tu comprends très bien que si t'essayes de le one-shot, bah il tapera pas trop. Alors en gros, il a quand même une attaque où genre il fait trembler le terrain et du coup il se prend des casseroles sur la gueule. Ouais, voilà. Et du coup, ça lui permet de. Voilà, ça lui fait pop des boss Waka. Mais du coup, attends, est-ce qu'il va en faire spawn une rouge? Non, il en fait pas spawn de rouge. Parce que c'est les rouges qui mangent. Oui, ah, mais voilà, là il y en a une rouge. Bah voilà. Et en gros, quand il mange la rouge, ça lui redonne 75 PV, je crois. Ah oui. Ouais, non, c'est pas mal. C'est 75. Oui, je crois que c'est 75. Bah on verra, mais. Mais du coup, ouais, pareil, il y a des capacités un peu nulles, genre celle-là que je comprends pas, mais bref. Si, c'est utile, de fou. Toi, c'est parce que tu jouais pas avec double dégâts, mais je t'assure que. Oui, non. Ouais, parce qu'en fait, ça absorbe les dégâts, ça absorbe peu importe. Tous les en fait. Dégâts, là, ouais. Tu vois, genre, là, il aurait pris 70, tu vois. Bon, il est bien content, tu vois. Ah bah, il l'a même pas mangé. Mais du coup, voilà, je trouve que les boss qu'ils ont rajoutés... Bon, alors, le Waka, une mécanique... D'accord, je savais même pas que c'était possible, ça. Qu'il fasse pop une espèce de météorite, le Maskass. Mais le boss Waka, du coup, il a une mécanique plutôt sympa, mais c'est vrai que, bon, bah, tu peux le cheese. Et pareil, Dark Toaster, tu peux le cheese aussi, donc bon. J'ai trouvé que c'était pas... voilà, le jeu, le boost est trop fort en fait. Ils auraient dû faire en sorte que le boost soit moins fort. Ah ouais, en attendant, il te booste qu'une fois par tour. Ouais, mais en fait... C'est plus avec deux, je crois. Ouais, sauf que le problème, c'est que du coup, tu fais Goumeli, petit bisou, ça fait c'est la même technique. Ça, c'est la même technique que j'ai. Putain, il a de la chatte, le mec, parce qu'en gros, il a eu deux events super rares. Et parce qu'en plus, on a même pas parlé, mais il y a des trucs qui peuvent tomber pendant les combats. Bref, ça fait plein d'effets. Ouais, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, en fait, la météorite, c'est un event qui est là une fois sur. Alors, je sais plus les stats, donc. Je vais les inventer, vous allez faire genre que. Comme BFM TV, je vais les inventer, vous allez faire genre que c'est vrai, d'accord. Je crois que c'est genre. Une chance sur 500 ou 1000, un truc comme ça. Et le Bowser, c'est vraiment super, super rare. Genre, mais le Bowser, je crois qu'il apparaît quand même beaucoup lors du combat contre Waka. Oui, il apparaît beaucoup dans les derniers beaucoup étages du combat. Il apparaît beaucoup dans les étages du donjon des 100, en fait. C'est qu'il apparaît beaucoup dans les donjons des 100, surtout. Mais oui, effectivement. Bah, je n'ai jamais eu aucun des deux. Et bah, moi non plus. Alors que pourtant, je l'ai par fait. Contre, hein, je pense que c'est parce qu'il fallait appuyer sur B. Hein. Par contre, je pense que j'en avais un peu marre de voir. Ah mais encore peu... Non mais c'est pas possible. je pense que j'en avais un petit peu marre. Il utilise un mode, le mec, c'est pas possible. De voir comment. De voir les flammes, tu sais, qui peuvent t'attaquer ou les trucs comme ça. Je trouvais que c'était des hasards qui arrivaient trop souvent. Oui. La brume, ça te carie des fois. Bah, la brume, le truc, c'est qu'elle a été modifiée dans la version. J'ai jamais compris à quoi elle servait, la brume. Apparemment, en fait, elle esquivait des attaques. La brume, c'est. Sérieux? J'ai l'impression qu'un ennemi est derrière la brume, je le touche plus jamais. La brume, en gros, c'est un événement où ça fait en sorte que l'ennemi et toi gagnent de la chance d'esquive. Sauf que dans le 2, dans le 2 remastered, elle a été modifiée pour que maintenant, c'est soit il y a la brume complète sur le terrain, soit côté gauche, soit côté droit. Avant, dans Paper Mario 2 classique sur GameCube, elle était que omniprésente sur le terrain. Ah ouais, d'accord. Et merci le bout qui parfois apparaît, qui m'a apparu dans mon combat final. Oui, pour me c'est filer bon. Un ouais, ouais, ouais. pour te filer moi, un drap de boue. J'avais carré, la technique pour moi, c'était utiliser drap de boue et justement, justement boost. Pour faire des gros dégâts quoi. Ouais, et ouais. Éviter de s'en prendre plein la gueule. Donc c'était vous pensez quoi des antagonistes de ce jeu, les Cruxeroc, les méga Cruxis. Alors, moi j'ai toujours trouvé et j'ai toujours pensé que j'ai appris ça récemment que Crux Sinistre n'était pas une pieuvre. Hein, pieuvre? Pardon. Bah regarde le sprite de Crux Sinistre. Par rapport au bras long. Mais non, je regarde le sprite de Crux Sinistre. Ah putain, je le vois. Bah si, c'est, pour moi, c'était toujours été une pieuvre. C'est trop bizarre qu'il ait deux cols. Regarde, en fait, on dirait un bloops. Mais oui. Et pour moi, c'était un alien, donc c'était logique que ça soit une pieuvre. Et en plus, ses mains sont de la même couleur. Mais après, il habite aussi dans un... Oh, regarde, on dirait le bas d'un bloops, en fait. Mais oui, on dirait un bloops. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bloops permet d'apprendre à lire dans le plaisir. D'accord. Et du coup, voilà. Moi, je pensais que c'était... Mais elles sont cool. Après, moi, je trouve ça dommage qu'ils meurent pas à la fin. Après, c'est bah moi, je trouve... En fait, je trouve ça cool, surtout le côté... je trouve ça dommage qu'on ne connaisse pas plus le lien entre... La Reine des Ténèbres et Non, mais je trouve ça bien. Je trouve que c'est cool qu'il y ait un petit peu des trucs soumis à interprétation, tu vois. De quel est le lien entre les trois... C'est quoi ce vulgaire amalgame? Bah non, mais c'est souvent les aliens sont représentés comme des pieuvres, quoi. Mais tu vois, je trouve ça cool. Après, la Reine des Ténèbres, bon, c'est un antagoniste sympatoche, entre guillemets. Moi, je trouve quand même que le combat de fin et tout, l'ambiance du combat de fin et tout, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un combat qui est quand même bien mis en scène. Genre où... Et... Ouais, puis la possession de la princesse aussi. C'est ça. Et honnêtement, avec double dégâts, le combat était assez dur. J'ai dû recommencer 4 fois, je crois, 4 ou 5 fois. C'est la première fois que j'ai game over depuis très longtemps dans ce jeu. Hein. Moi, c'est... Moi j'ai eu aucun game over, mais est-ce que ça compte parce que j'ai pas fait le jeu. Non, j'ai failli mourir, mais je suis jamais mort. Enfin, mais j'avais toujours des champignons. Non, mais j'ai pas fini le jeu à 100%, c'est ça que je veux dire. J'ai pas fait Donjon des Saints par exemple. Heureusement que j'ai pas eu le game over dans le Donjon des Saints, j'aurais pu. Mais du coup, non, je suis mort quelques fois, mais j'avais un champivy pour me sauver. C'est vrai que le champivy, c'est un peu... D'ailleurs, petit... Je sais pas si c'est trop abusé, je pense que ça va quand même. Non, non, 10 en vrai, PV, parce ça que ça va, te redonne que 10 PV à chaque fois. D'ailleurs, Strat, c'est que j'ai build mon inventaire pour le combat final, en fait. Oui, bah oui. Ce qui fait que les meilleurs objets, je les stockais à Port-la-Canaille, mais comme t'es limité à 10 objets. Du coup... 15, bah 20 si t'étais... 20 c'est si t'as 10 le... dans l'original. Bah même il y a 20 si t'as le sac. Mais 20 oui effectivement, mais moi j'ai pas eu parce que... Je viens de revenir pour l'histoire et les persos, vous avez parlé du poème sur les... Oui. Exactement. Oui, on en a parlé, on a dit au tout début. On en a parlé il y a deux heures. Très cool. Au tout début. Désolé, on va bientôt se laisser. Mais comme j'aime parler du lien entre la reine et les sœurs, ah, il parle du lien entre la reine et les sœurs. Bah, il parle non, de... je pense. Parce que j'ai pas tout lu. Moi, je sais qu'il y a eu déjà. Il raconte comme quoi il y avait eu 4 héros ou 5 héros qui avaient scellé le démon, justement. Je crois que c'est 3. C'est un bout, un coupa et. Je sais plus. Un bout, un coupa. Il y a pas les. Ou peut-être 4, mais le 4ème, je sais plus ce qu'il est devenu. Il me semble que c'est 4. Et c'est grosso modo les dragons de comment de Carbocroc, Toxicroc et Oxycroc. De quoi? Comment ça? Bah en fait tu c'est pas explicitement dit. Moi je l'ai compris comme ça et peut-être que je l'ai mal compris. Mais grosso modo il te dit s'il y en a un qui est mort au château de au château dans le dans la première zone. Et il y en a un qui est sous, qui est enterré sous Port-la-Canaille. Mmh. Et il y en a un dernier qui est dans le, je sais plus s'il parle du dernier, mais tu comprends que ça fait référence au dragon, en fait. Ah d'accord. Okay. Donc, mais je l'ai peut-être, je l'ai peut-être mal compris ou autre, mais okay. Pour moi ça fait sens. Mais ouais, ça du coup il y a. Mais il y a un lore qui est plutôt bien développé. On en c'est parle. Ça, ça, ça revient à ce qu'on disait, c'est le jeu il fourmille de détails et vraiment c'est. Ça fait plaisir d'avoir des jeux aussi, aussi vivants. Quoi. Mm-hmm. Totalement. Est-ce que vous voulez qu'on conclue? Je pense qu'on est bah, pas mal. Oui, je pense qu'il faudrait. Après 3h17 de live, c'est pas mal. On peut conclure, effectivement. Donc Paper Mario 2, en définitive, ça reste malgré tout un jeu qui a très bien tenu les époques. Enfin, les époques. C'est les, ça. Les époques du jeu vidéo, j'entends. Justement, bah, si je devais revenir à ce que je disais avant, pour moi, il a tellement bien tenu l'épreuve du temps que bah, il avait vraiment il avait pas, pas besoin d'un remake. Il n'a pas besoin de millénaire. Et du oui. coup, je trouve que le remake, il réinvente vraiment pas la poudre et du coup, bah, il était vraiment pas nécessaire, quoi. Parce que le jeu actuel, encore une fois, moi, je pense que tu le mets entre les mains d'un enfant d'aujourd'hui, c'est, il s'amusera, quoi. C'est pas un jeu qui avait besoin forcément. Alors oui, si on n'aime pas les allers-retours, effectivement, peut-être. Mais encore une fois, moi, j'ai pas eu l'impression que le jeu de base avait beaucoup d'allers-retours. Non, donc, c'est pas. C'est vraiment que très peu, mais, quoi. Mais ils existent. Du coup, moi, c'est vraiment oui, la roue des alliés. C'est des changements très superficiels. Et j'aurais aimé que potentiellement il y ait plus de. Plus de trucs, plus de nouveaux badges, que vraiment on ait une version. Alors j'imagine que c'est les mods du coup qui compenseront ça, mais qu'on ait vraiment un jeu qui apporte beaucoup, beaucoup plus de. Je crois qu'il y a déjà un mod en développement sur le remake du coup, parce qu'apparemment le remake est beaucoup plus facile à modder, étonnamment, donc c'est peut-être un truc positif. Oui, parce qu'il est fait sous Unity ou je sais plus trop quoi. Ouais, un truc Unreal comme Engine ça. Sans doute. Mais. Unreal Engine. Mais du coup, ouais, il est beaucoup plus facile à modder. Et du coup, apparemment, il y a déjà des mods qui sont en préparation, des gros trucs. Oui, sur les requêtes secondaires, il y a beaucoup d'allers-retours. Mais là, on parlait des. Parce que les allers-retours, ils sont sur le remake aussi. Donc, ouais, voilà. On parlait surtout du scénario principal. Du scénario principal, ouais. Oui, et puis les requêtes, autant il y en a certaines qui sont un peu rigolotes. Genre, ouais, autant il y en a beaucoup. Moi, vraiment, il y en a une, elle m'a saoulé. C'est l'union des papis qui jouent au Scrabble là. Moi, je trouve ça trop le drôle. Truc de merde que tu dois trimballer de vieux en vieux. Putain. Moi, je l'ai trouvé insupportable. Elle m'a beaucoup fait rire. Non, mais elle est drôle, mais elle est chiante. Elle m'a beaucoup fait rire. Non mais globalement voilà, c'est ce que je conclurais, c'est jouer à Paper Mario 2, mais honnêtement, si vous avez pas d'argent à mettre dans le remake, jouez sur Dolphin. Honnêtement, vous essayez de trouver un truc. C'est pas comme un Mario 64 DS où clairement il y a une plus-value, ça vaut le coup de jouer aux deux, etc. Non, je vous dirais honnêtement, jouez à la version qui est la plus accessible pour vous. Parce que les deux versions sont ultra similaires et comme je vous ai dit, même le remake graphique, les graphismes oui sont un peu mieux, le côté papier est un peu plus travaillé, mais honnêtement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Et ben voilà. Je pense que. Vous, vous voulez pas conclure. Il y a que moi, je peux. Moi, bah non, moi j'ai rien à dire de plus là. Je vais un peu contredire Jem à nouveau, même si je suis globalement d'accord sur ce qu'il dit. Je reste sur la position du fait qu'on a affaire à une très bonne réactualisation de Paper Mario La Porte Millénaire, qui apporte tout ce qu'elle doit apporter, avec ses qualités, avec ses défauts. Ils n'ont pas changé le matériel de base. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est fidèle à lui-même, et c'est ce que j'en attendais. Alors oui, peut-être qu'effectivement, ils auraient pu aller plus loin dans la refonte avec du contenu supplémentaire ou autre, mais je suis pas persuadé que c'était nécessaire. Mais ça reste. Qu'importe si vous jouez à la version GameCube ou à la version Switch, ça reste, je pense, un très bon jeu. Pas trop vieilli sur pas mal de points. Au niveau de, on a parlé d'écriture, on a parlé de beaucoup de choses. Est un peu ancré dans son temps, parce que il rappelle un peu cette époque où Nintendo faisait des trucs bien. Oh là là. Non, en tout cas qui faisait des. Tu étais bien Origami King. Oui non mais dans le sens prenez des risques avec des personnages et autres, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était un peu provocateur, mais c'est ça que je voulais dire. Mais non, en soi c'est un très bon jeu. Moi je suis très content d'avoir découvert la version Switch, je ne l'avais jamais fait. J'aurais pu le faire sur GameCube, mais finalement l'occasion s'est jamais présentée. La version Switch s'est présentée à moi. Et je trouve que la version Switch a rempli très professionnellement son contrat. Et c'est ce que j'attendais de Paper Mario, La Porte Millénaire, et j'ai été convaincu. Voilà. Sans plus et sans moins. Et bah. Alex ? Bah moi j'ai pas grand chose à dire entre guillemets. Enfin, Paper Mario 2, moi c'est mon jeu de l'enfance. J'avoue que j'ai évidemment pris un bête de kiff en intraveineuse quand j'ai fait le remake. En plus, j'ai eu la chance de le faire 3 jours avant la sortie, donc forcément c'est toujours cool. Non, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire. C'est un jeu qui. Moi j'ai passé un super moment en jouant en remake aussi. Hein. Et comme j'ai dit, j'aurais passé autant de. Je pense que j'aurais passé autant de plaisir, en jouant sur la version de base. Ouais. Mais en jouant au remake, pareil, moi j'étais ravi. Même faire le donjon des 104 fois, si vraiment le jeu m'avait agacé, etc., je l'aurais pas fait, quoi. Vraiment, mais c'est juste, j'étais en mode, j'aurais la version GameCube aurait coûté 20 balles, autant jouer à la version GameCube, tu vois. Mais ouais, moi c'est un jeu qui. C'est que la version GameCube elle en coûtait 150. C'est un jeu qui me divise beaucoup. C'est pas mon Paper Mario préféré parce que Color Splash et Origami King existent. Je pense qu'il est deuxième ou troisième. Il est deuxième ex aequo, troisième à vraiment peu de choses près avec Color Splash. Non, pour moi c'est vraiment. C'est vraiment un jeu. Je peux pas le considérer. S'il y a 1000 fans de Paper Mario 2, j'en fais partie. S'il n'y a plus qu'un fan de Paper Mario 2, ce sera moi. Et s'il n'y a plus de fans, c'est que je suis morte. C'est ma Madeleine de Proust. Voilà, cherchais le terme. C'est ma Madeleine de Proust et forcément, ça fait quelque chose. Donc forcément, quand j'ai vu le remake annoncé, je me suis égosillé. Même si... J'aurais préféré un remake du 1 pour pouvoir apprécier le 1 dans sa juste valeur, parce que je suis sûr qu'il est très bien, mais voilà. Mais quel kiff le 2 quand même. Ils peuvent enlever le chapitre 6, déjà t'auras un meilleur jeu. Et je trouve par contre que le 2 a vraiment cet aspect, il a pris le 1 et il a monter toutes les potences, enfin pas toutes les potences mais tous les potentiomètres, toutes les potences mais je voulais dire les potentiomètres. Non, les potards, on dit pousser les potards. Pardon. Oui, mais on est à Port-la-Canaille, toutes les potences, ça marche aussi. Et voilà, il a augmenté tous les potards et je trouve qu'il le fait très bien. Et même si c'est. J'ai pas envie de faire croire aux gens que c'est un jeu parfait parce que j'aime pas les gens qui disent. De potence. J'aime pas les gens qui disent oui, Paper Mario 2, c'est vraiment un jeu parfait, c'est vraiment oh là là, c'est ce que Nintendo a jamais fait de mieux ou des trucs comme ça. Où on n'a jamais eu un Mario RPG mieux depuis. Calmez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas eu de Mario RPG mieux depuis? Bah, Origami King quand même. Origami King, pourquoi ça a RPG? Je sais pas, Mario et Luigi 3, voilà. C'est... Ouais, il y a Voyage au centre de Bowser quand même qui joue pour moi, tu vois. C'est... Ah bah en fait, pour moi, si tu considères qu'à partir de Sticker Star, c'est plus des RPG, ce qui peut se débattre en vrai. Ce qui se débat, j'admets. C'est le meilleur Mario RPG. Il n'y a jamais eu mieux depuis. Moi, c'est surtout la capitalisation de la formule en fait. C'est-à-dire que la formule elle fait tout bien. Ouais, c'est clair. Ça, et moi, c'est... je trouve que ça, vraiment, ça fait tout mieux que Mario et Luigi. Hein. Je suis désolé, mais les partenaires, c'est tellement mieux qu'avoir deux fois le même perso. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Paper Mario 2 est pas parfait, mais sa grosse force, c'est son sens du détail. J'ai même pas envie de dire son sens du détail, j'ai surtout envie de dire son identité. C'est le fait qu'il fourmille de trucs qui ne sont pas forcément du détail. Alors que on s'en bat les couilles quand même, tu vois. Mais moi, c'est surtout aussi, je pense que faut reconnaître un truc, c'est faut se rendre compte que Intelligent Systems, c'est quand même un studio ultra compétent. Oui. C'est parce qu'ils font les Paper Mario, ils font aussi les Fire Emblem, ils font les Advance Wars. Ils font des RPG. Ouais, mais tu vois, ils font pas des RPG, ils ont majoritairement fait des tactical. Bah, c'est du tactical RPG en soi. Ouais, mais tu vois, c'est, ouais, on aurait pu se dire que pour leur deuxième, troisième essai dans le RPG. J'avais oublié, ils ont bossé sur les Metroid aussi et sur les WarioWare. Non, c'est un studio de fou. Non, mais c'est un studio de baiser, Intelligent System. Mais tu vois, genre, entre guillemets, pour leur. C'est pas leur cheval de bataille principal, si tu veux, le RPG un peu classico, tour par tour, avec des... Fire Emblem, tout ça... Mais bon, c'est, okay, c'est du tactical, même, c'est pas RPG, dire, tour par... C'est pas... Quand je te dis RPG japonais, tu penses pas Fire Emblem. Tu penses oui, FF. Oui, ok, tu je vois, Dragon mais t'as Quest, quand même des grosses bases dedans, enfin, je veux dire. Mais c'est, moi, c'est vrai que, clairement... Il part pas de rien. Oui, il part pas de rien, ça c'est alors, sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient tristes quand Alpha Dream a fermé, etc. Effectivement, c'est extrêmement triste que Alpha Dream ait fermé, etc. Ça m'aurait plus fait chier que ça soit Intelligent System qu'Alpha Dream. Oui, voilà, exactement. Et alors, on sait qui va faire Brotherhood. On sait pas. Alors, Brotherhood, c'est Ubisoft. Brothership. Brothership. Attends, mais ça existe comme mot, Brothership? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. L'épopée fraternelle. L'épopée fraternelle, si c'est Intelligent System qui le fait, il y a moyen que ça soit beaucoup mieux que les. Je crois que c'est les anciens d'Alpha Dream. C'est les anciens Bateau Alpha Dream qui le font. Bateau frère. Moi, je suis désolé, mais je pense très sincèrement que Intelligent Systems sont beaucoup plus compétents pour faire des RPG Mario. On a les éditeurs, mais pas les développeurs. Mais je crois qu'on avait des informations sur... il parle de Nintendo EAD. Ouais, je vois Nintendo... Enfin, EPD, Nintendo, du coup, qui est Planning et Development. Mais Clairement, Alpha Dream était moins bon Intelligent System, c'est pour moi, c'est un studio qui fait des jeux moins bons, quoi. Et donc, c'est vrai que voilà. Certains des qu'ils arrivent à faire des jeux originaux drôles de Mario et Luigi vont travailler sur Bowser. Ah non, Color Splash est beaucoup, beaucoup plus drôle que tous les Mario et Luigi confondus. Ce type est en plus intéressant qu'Alpha Dream. Je sais pas. Franchement, j'avoue, on verra. Débat. Mais on aura le match. On aura l'occasion retour, hein. Vous allez me forcer à faire un Mario et Luigi là. Bah oui, puisque de toute façon, Enfin, je veux dire, tu sais, dans notre liste de sujets, il y a Mario oui, Luigi Brothership. Non, mais il n'y a aucun problème. Bon, après, dans notre liste de sujets, il y a aussi Nier Automata, mais... Attendez. Je viens d'apprendre qu'il y a un jeu qui s'appelle The Godfather. The quoi? Pas The Godfather. Ah, genre The le God parrain, is... mais avec une plume. Mais avec, voilà, c'est ça. Sympa, ça, comme jeu de mots. Incroyable. Bah, je pense qu'il est temps de conclure. Il est temps d'arrêter, il est temps d'aller laisser les gens manger. Moi. C'est ça. Vous nous trouverez peut-être du coup dans quelques mois pour discuter de l'épopée fraternelle quand il sortira. Est-ce qu'il est au niveau de Paper Mario 2 spoiler? Sûrement pas. Est-ce qu'il est au niveau? On sait pas, ça se trouve ça va être un jeu incroyable. Ah mais ça se trouve. Je n'attends qu'à me faire surprendre. Ah moi j'attends à être agréablement surpris et me dire en fait Mario Luigi c'est pas si mal. En fait Mario Luigi c'est banger. Déjà, s'ils continuent de faire leur truc nul à chier, de ne pas mettre la vie des ennemis, d'avoir aucun moyen de voir la vie des ennemis, là déjà on va pas être potes. Mais bon. Ah oui, mais bon, GM là, bon. Je pense t'en c'est quand même un gros trop des RPG de pas mettre la vie des ennemis. Ah bon bah non, c'est l'inverse. C'est rare quand même les RPG où il y a pas la vie des ennemis. Hein. Bah. Dans les FF, dans les Dragon Quest... Bah les FF, t'as la vie des ennemis. Dans les FF, t'as des moyens de voir la vie des ennemis. Tu l'as pas oui, toujours, mais t'as des après, moyens c'est de pas, l'avoir. C'est un dans truc Mario Luigi, tu n'as aucun moyen de l'avoir. C'est... Ouais, mais c'est pas un truc qui est dérangeant plus que ne ça. Pas mettre enfin, les... Ne pas mettre les PV, c'est dans la grande majorité des RPG. Mais t'as toujours un moyen dans les RPG de voir la vie c'est, des ennemis. C'est genre Chrono Trigger a pas ça. El Famoso Loop. Ouais, voilà, exactement. C'est... Moi, je sais pas. Moi pour moi c'est pas spécialement le défaut ça. Oui le scan oui bah c'est ça tu vois il y a toujours un moyen X ou Y et dans Mario Luigi il y a rien quoi c'est ouais mais ça me dérange pas faut juste être allez en fait Mario et Luigi ne pas voir la vie des ennemis dans un RPG c'est comme si tu jouais aux échecs mais on te cachait le tableau de jeu tu vois. Donc on te donne les coups on te dit cavalier E3 mais tu peux pas voir où t'en es tu vois. C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant et pour faire des calculs c'est super chiant. Moi je suis d'accord. Bah moi je fais pas de calcul. Oui mais d'ailleurs toi, tu bourrines. Pour la petite histoire, Monster Hunter World, je joue sans les aplats de dommages causés par le non mais là, par les attaques là, en fait. Là on parle de Monster Hunter. On parle non pas mais de... non mais ça a été rajouté dans Monster Hunter World parce que les gens se sont plaints justement qu'il y avait pas cette feature là. Oui mais c'est différent tu vois dans un et jeu de chasse de gros monstres c'est pas la même et chose. Donc non moi je jamais considéré ça comme un défaut en vrai. Non, mais, après, mais je peux le comprendre. Moi j'aime pas. Je peux le comprendre. Dans Persona, moi, voilà. Moi j'attends ah oui, on voit les que, dans Persona t'as la vie des ennemis. J'attends comment il s'appelle. Bah j'attends du coup Brothership mais j'attends aussi bah comme j'ai pu dire moi j'aimerais bien un nouveau Paper Mario. Même si un je pense que ce sera peut-être pas tout de suite. C'est un mix des deux formules. Mais j'avoue que ouais, ça, j'aimerais ça bien s'appelle Paper Jam ça. Bah j'aimerais mais bien non, un mix des deux formules de Paper Mario. Un retour de alors pas un retour en mode chiant avec oui, il faut le retour des partenaires et il faut le retour de machin et il faut le retour de trucs. Non, ah moi si, j'ai... il faut le retour des Oui, non mais oui, mais partenaires. Pas et le d'ailleurs, pas Origami le retour en mode c'était mieux avant. Non, mais Origami King montrait que clairement ils ont envie de remettre les partenaires parce que même quand ils avaient pas trop la capacité, ils essayaient de le faire. Oui. Moi, clairement, pour moi, faut remettre les partenaires. Mais après, est-ce qu'il faut faire un copier-coller de Paper Mario 2 Je pense pas. Parce que moi, si la suite logique de Paper Mario 2 c'est Super Paper Mario, bon, bah, on n'est pas d'accord non plus. Non, mais il faut. Moi, je dis juste un truc, c'est qu'il faut que. Les développeurs de Nintendo s'inspirent de Bugfables. Oui, ou les recrutent. Oui, après. Ça ira plus vite, hein. Ou les recrutent, exactement, ou les recrutent. Oui, c'est vrai que les recruter, ça serait très très bien. Ça, c'est un truc que la Sonic Team aurait fait, ça. Recruter ça, les... Sega l'aurait fait. Sega l'aurait fait. Sega ça, does what Nintendo, et ce sera notre mot de la fin. Oui, voilà, ça sera exactement. Notre mot de la fin. Eh bien, merci de nous avoir suivis pendant ces 3h30. 3h35, quel épisode trop long. Trop long. Et du coup d'avoir suivi ce premier épisode de la nouvelle formule de Produit en Croix avec ce nouveau rebranding Made in G Inc. magnifique. Let's go. On se retrouve assez vite. on espère, assez vite. On espère, oui, parce que c'est aussi ça. Le produit en croix n'a pas que changé visuellement, mais on a essayé aussi d'avoir une vraie orga. Produit en croix, essayer de mettre en place des calendriers. Des calendriers. Exactement. C'est non, voilà, on aimerait bien faire un épisode tous les mois, même si on s'engage en rien. Mais voilà, le prochain épisode sera pas le 1er octobre. Calmez-vous. Juste, je précise du coup tous les, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent en différé. Alors, si vous êtes sur Spotify, il n'y a pas de problème normalement. Voilà, il n'y a pas de. Normalement, vous avez. Il manque l'épisode sur les remakes et remasters qui va arriver soon. Justement, il arrivera à la toute fin des rediffusions, puisque. Du coup, sur la nouvelle chaîne YouTube, il faut que je mette tous les anciens épisodes. Je vais les mettre dans l'ordre, au rythme de 1 par semaine. Donc là, on est dimanche 1er. Dimanche prochain, là, je ne sais pas ce sera le combien, le 8, l'épisode sur Paper Mario sortira. Du coup, voilà. Et après, tous les dimanches jusqu'à ce qu'on a épuisé le stock, en fait, je mettrai tous les anciens épisodes. Alors à voir si je les remonte ou pas, si je les laisse brutes comme tel. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la chaîne YouTube, parce que voilà, sur Spotify ça changera rien, j'ai rien à actualiser. Mais du coup voilà, Spotify pour l'épisode sur les remakes et remasters, vous devrez attendre la sortie, vous devrez attendre les copains de YouTube. Voilà, sinon vous pouvez toujours l'écouter sur ma chaîne Twitch, link tiré du bas sur Twitch, la rediffusion est toujours là si jamais vous êtes très pressé. Mais voilà. Et pour retrouver tous les membres de la team, du coup, vous pouvez la retrouver du coup c'est sur YouTube. Jeunet sur Twitter, Jink tiré du bas sur Twitch, Jink sur YouTube. Une vidéo arrive vraiment cette fois-ci. J'ai l'impression que ça fait deux produits en croix. Juste des textes. Oui, non. Non, cette fois-ci, là, il y a deux gros textes qui sont écrits. Je dois tourner la semaine qui arrive, là. En fonction de la météo et tout. Mais là, je dois tourner la semaine qui arrive. Nechecu, vous pouvez le retrouver partout. Sur, du coup, partout. Sur Twitter, sur Twitter, @Nechecu. Nechecu 1. Le 1 est important. Sur sa chaîne YouTube, par Nechecu, sur sa chaîne YouTube, Trace, sur sa... Non, maintenant, c'est la chaîne Nechecu. Maintenant, c'est la chaîne Nechecu Up Central. Up Central. Ah oui, pardon, c'est vrai. Aïe. On peut le suivre sur Blue Sky. Je suis sur Blue Sky, absolument. Sur Blue Sky également, vous pouvez le retrouver, du coup, ses différents podcasts, du coup, Trace... Et Indie 500 sur... Et le courrier de la Stern. Cloud. Et le courrier de la Stern sur PodCloud, c'est comme ça que ça s'appelle ? PodCloud, mais Spotify, Deezer, Podcast, Podcast Addict, blablabla, YouTube aussi, évidemment. YouTube... et d'ailleurs, pensez à si vous êtes game developer... Tu peux le retrouver dans ton placard si t'es game dev. Exactement. Voilà. Et toi, Jem... Et moi, vous pouvez me retrouver, du coup, sur Lost Baby, du coup, sur Wattpad et sur allez-lire.net. Vous pouvez également me retrouver. Nous avons tourné une émission avec Alexis TGF, du coup, sur sa chaîne pour parler de Ace Attorney 5, pour faire suite aux deux émissions qu'on avait faites sur Ace Attorney 4. Oui, c'est vrai. Et potentiellement sur Ace Attorney 6, ça arrivera peut-être bientôt. Du coup, voilà, et peut-être un jour sur YouTube à Jemgina, on espère. Non, pas peut-être un jour. Un jour, t'as pas le choix. C'est. Entre maintenant et la fin. Entre maintenant et la fin de l'humanité. De notre civilisation. Alors, moi, je propose pour terminer cette émission de bannir Noé Raptor, qui a insulté oui, c'est les fait. Gens. Il a dit bande je de salopes. Ça... Attention, ça va, slash ban. Ouais. Non, bien sûr que non. Mais voilà, du coup, on espère que c'est cet sur ce bannissement que nous quittons tous et toutes. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye. On vous fait des salut gros à tous, bisous. Salut à toutes. Et bye bye, prenez soin de vous et bon appétit à ceux qui vont manger pour ceux du live. Et pour la rediff, salut. Salut!